This is what you came for avec Alunari. C'était sur Skyrock pour démarrer la Radio Libre. C'est parti. Skyrock, Romano. Excuse-moi de te déranger, man. T'aurais pas un petit. Si, j'ai des kilos, moi. Diffoul. Tu racontes. Cédric. Ta gueule, Cédric. T'es pénible. Mais quoi, ta gueule? Mais c'est quoi ta gueule? Il est fou. Il respecte même pas les règles, c'est un fou. Oh là. Marie. Bon, ben, c'est la folie, quoi. Samy. Ah ouais, en Allemagne, j'ai même pas, je coupe les données. Je suis en 3G normal. Et Karim. Non, moi, je suis un arabe sexy, gros. Donc. Diffoul Radio Libre. 21h minuit. Tous les soirs sur Skyrock. Et bien voilà, une équipe sexy qui débarque. Bonjour tout le monde, bienvenue. 21h pile, c'est Skyrock, coucou. C'est Radio Libre et c'est jusqu'à minuit. Coucou la Marie. Coucou. Coucou, comment vas-tu? Coucou. Super, merci. Et super Marie, elle a dansé sur Rihanna, Calvin Harris sans répondre exactement au téléphone. Ouais. Ou elle a répondu au téléphone en dansant, ça dépend. C'est ça. Voilà, vous pouvez nous appeler d'ailleurs. Tiens, le 01 53 40 30 20, je vous le disais il y a un instant, il est ouvert. C'est quoi ce gueule de con derrière toi là? C'est Romano. Il est content, il filme. Ah ouais, non mais. Bonjour Romano, tu veux me dire un nono? Tu me snaps. Non, moi je vais Instagrammer. Ah, tu m'Instagrammes. Salut Instagram. Ok, tu peux me snapper aussi si tu veux. Hein. Tu me snaps. Bon, vous allez voir. Il va pas bien. J'ai l'impression que la soirée va être sympa ce soir. Bon, vous avez bien fait d'être là dès le début sur Skyrock, Radio Libre. Bonsoir Samy. Salut tout le monde. T'es en face de moi, Romano qui prend sa place. Samy qui vient derrière moi. C'est une émission de folie qui démarre. Oh là là. Ah, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. T'es beau gosse ce soir, Samy. Ouais, t'as vu Marie. Ouais, j'aime d'habitude, bien. Ça veut dire que t'es moche comme un cul. Je crois que tu vas pouvoir la quête ce soir. Eh, Samy, ce soir, c'est ton tour. Ça commence bien. Quand je dis qu'il va se passer des choses ici minuit. Karim, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Toi, ça snap, toi? Ouais, ça snap. Skyrock FM pour nous retrouver sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Et puis le diffoul.skyrock.com aussi qui fonctionne. Ouais. Vous allez y faire un tour si vous voulez suivre l'émission en direct avec nous. Ou alors vous l'écoutez à la radio et c'est aussi bien. On est là tous les soirs jusqu'à minuit avec vous tous en direct. On fait de la radio ensemble. Ça veut dire que vous pouvez débarquer à n'importe quel moment de la soirée en direct avec nous sur Sky. Allez-y, avec du foot à suivre ce soir. Car Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Demain, nous aurons le PSG. Et ce soir, nous avons. C'est bien les applaudissements pour moi. C'était pour moi. Ouais, évidemment. Demain, nous aurons le PSG. Ce soir, on a Lyon et Monaco. Ouais. Qui joue. Allez, Lyon, allez, Monaco. Et c'est la Champions League. Faste musique magnifique. Ah ouais. Des frissons. Ah ouais, ça fait longtemps que tu l'as pas entendu. Ah, moi je préférais m'acheter la Champions League. c'est la Champions League, moi aussi. Donc ça nous fait 0-0 pour les deux équipes. Pour les deux matchs, ouais. Lyon qui joue à Séville, Monaco qui reçoit Leverkusen. Voilà, donc Séville, Lyon et Monaco-Leverkusen. Les deux matchs qu'on suit ce soir en direct sur Skyrock, on vous tiendra au courant évidemment de tout ce qui se passe. C'est la Champions League. La Champions League à suivre sur Skyrock tout au long de la soirée, évidemment. Bon, des nouvelles de Cédric, parce qu'on vous en donne tous les soirs. Ouais. Demain, c'est sa grande opération. Et ce soir, il est HS. Ouais. Ah bah oui. Je sais pas dans quel état on va le retrouver demain soir. Donc demain, Cédric avec sa nouvelle clavicule. Ouais. Ah ouais, ça y est, c'est pour demain. Ils vont l'ouvrir. Ils vont pas être déçus du voyage quand ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça doit puer. La pauvre broche. Ah, la pauvre broche qui va vivre à l'intérieur du corps. Mais ça, c'est pas facile. Mais ouais. Merci pour tous les messages que vous lui avez envoyés hier. Ça lui a fait plaisir à Cédric de voir que vous étiez là hier soir. Oui, c'est vrai. Ça m'a pas empêché de le baiser. Au clash, oui, t'avais pas eu de pitié, toi. Sans pitié, ce Romano, c'est dingue ça quand même. Les votes, seuls les votes comptent. Eh oui, seuls les votes comptent. Bon, alors on va vous retrouver en direct tout au long de la soirée. On aura bonjour Cédric. On aura Adèle avec nous. Bonjour Cédric. On aura Adèle avec nous. Il va nous faire ça toute la soirée. Je ne sais pas. Oh, je suis malade. Oh, le lourd. Ouais, ouais, ouais. Adèle de Grenoble qui arrive et qui est donc avec nous ce soir. Ah ouais. Vous pouvez nous appeler comme lui. J'ai une question médicale à propos de Cédric. Attendez, juste bonjour à Adèle. Ouais, salut Adèle. Bonjour Adèle. Allô. Comment ça va? Ça va et vous? Vous m'entendez bien? Hello. Ouais. It's salut. Me. C'est Adèle. C'est Adèle. Ah ouais, putain. Elle a la blague qu'on doit jamais te faire en plus. Ça, c'est... Hello. Ouais. It's me. Ouais. J'imagine quand t'as fait chier quand t'as chanté sa chanson. C'est la première fois. Ah bah c'est étonnant ça. Ouais, tiens, étonnant. Ouais. Étonnant quand t'es jamais accordé, quand t'es déjà fait le Hello, it's me. C'est Adèle. Donc Adèle, c'est un garçon. Hein, quand ça s'arrête pour les 10 piges là. Elle arrête 10 ans. Ah ouais, pourquoi? Ah bah ouais, bonne nouvelle. Monsieur, elle a gagné de la thune. Elle est enceinte. Ah, elle va profiter de son argent. Là, elle a dit, ouais, j'ai gagné de l'oseille. Elle a fait un gosse, elle veut s'occuper de son gosse. Elle a dit, j'arrête pendant 10 ans. Mais sinon, il y avait le mec des To Be Free, là. T'as raison, Adèle. Ça Adèle. Voilà, c'est bien, Marie. T'as un truc plus vieux ou pas? T'as pas, je sais pas. Les années 60. La femme de Charles Aznavour. Adèle Bougnard. Adèle Bougnard, en effet. Ah, c'est ça. La célèbre dans les années 50. Tu connais le prénom de la meuf de Charger Torix. C'est Adèle. Elle s'appelait Adèle, comme toi, Adèle. Donc, Adèle de. Moi, je suis un mec. De... Oui, bah, oui. Ça, bien entendu, ah, Adèle. Ah ouais. Donc, Adèle de Grenoble. Donc, toi, t'as besoin des conseils des auditeurs de Skyrock. On va en reparler dans un instant. On va reparler aussi de la compile de ce matin dans le morning. Tiens, j'offre tout de suite. Allez, c'est parti, parce que je suis comme ça dès le début de l'émission. Je vous offre FIFA 17. Allez, bam, vous voulez FIFA 17? Ah, c'est beau. Je vous offre FIFA 17. Si vous avez écouté le morning ce matin, c'était à 9h05. On a fait la compile du morning. De quelle compile s'agissait-il? On a donc parlé d'un truc. La compile de quoi? Vous laissez vos messages sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Vous laissez vos numéros de téléphone. Mais c'était quoi déjà? Et mais t'étais là ce matin. Mais ouais, je m'en rappelle plus. Non, mais toi, t'as pas de cerveau, c'est dingue. Hein. J'ai l'impression que Cédric et Karim, ils ont de plus en plus de points communs. Bien sûr qu'il... bien sûr, je vous rappelle. Bah évidemment. Il monte la feuille. Bah rien du tout, il m'a rien montré du tout. Il m'a dit que les instructions, le disque qu'on va passer tout à l'heure, ça va être Soprano. Ouais, ça, non, ça va pas être ça d'ailleurs. Ah bah voilà. Attends, remonte-moi la feuille. Calvin Harris et Rihanna. Non, ça, on vient de le mettre. Oui, c'est bien. Ça sera PNL. On écoutera du PNL. J'aime bien PNL. Eh ben, on écoutera PNL puisque tu me le demandes si gentiment. Ah, bah, avec plaisir. Tu aimes bien PNL, Adèle, toi aussi? Ah ouais, j'aime trop. Ah, moi aussi, j'aime trop PNL. Moi j'aime bien, je suis QLF. Je suis que la famille. Il y a le nouveau aussi qui passe sur Skyrock. Nana et sa Romano. Non, Nana. Tu kiffes comme un ouf. Ouais, bon, c'est ouais. Nana, c'est Nana. Nana, c'est Nana. Bah moi je dis Nana, moi. Et ça pose un problème. Si tu veux, je te baisse direct. De toute façon, vous embrouillez pas, c'est pas ça qu'on va mettre. On va mettre je suis que la famille. Hein. Voilà. Je suis QLF, le son de PNL qu'on va écouter là tout à l'heure. Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc si vous avez la compile de ce matin, la compile du morning. Le thème, quoi. Le thème de la compile. Vous nous dites, et on va en reparler dans un instant, je vous demanderai vos témoignages là-dessus. Parce que c'est un sujet qui est plutôt marrant, qui concerne les bahuts et qui concerne le boulot. Boulot, bahut. On en reparle tout à l'heure. Ah, je vois déjà des bonnes réponses. Ah, t'as pas laissé ton numéro, dis donc, Marie, elle nous a laissé un message. T'as la bonne réponse, t'as écouté le morning et t'as pas laissé ton numéro. Relaisse vite un message, Marie, pour gagner, là. Ah, c'est con. Donc, la compile de ce matin concernait le bahut et le taf, mais un truc un petit peu particulier dans le bahut et le taf quand ça se passe mal. Mais bon, on en reparle dans un instant, tenez-vous prêts. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah bah tiens, puisqu'on parle du morning, Adèle, après j'avais une question sur à propos de Cédric et son opération. Ah bah vas-y Romano, si tu question. Veux. Bon, alors j'ai une question que je me posais, est-ce que quand t'es sous anesthésie tu peux péter? Ah ouais, oui, je pense. Ah bah oui, oui. Oh putain, c'est comme quoi. Quand tu dors, Romano. Non mais l'autre, t'imagines, il va lâcher des perles. Ah bah ouais. Oh là, je suis endormi. Oh là, je vais tuer l'infirmière. En plus, je me demande si ça n'a pas un effet laxatif ou un truc comme ça, les anesthésies générales. Ah ouais, ouais. Non mais ça va être horrible dans le bloc opératoire. Non mais surtout qu'il nous a dit qu'il pouvait pas péter parce qu'il avait trop mal. Oui, il peut pas péter. Tout va sortir quoi. Ouais, t'as allé chez lui, Marie, t'as senti l'odeur. Ah ouais. C'est dangereux ça. Et Marie, elle y croit, elle. Ah oui, écoute. La mère, elle a perlé pendant la soirée. Ah ouais. Discrètement. Oui, ça sentait la merde. Oh, excusez-moi, je suis malade. Tu sais, c'est comme les vieux qui se sentent plus péter. Voilà, je me sens plus pété. Salut les filles. Salut Cédric. Ah ben moi je suis le médecin, mec qui commence à perlouser pendant l'opération, je dis à l'anesthésiste. Amener un bouchon. Ah, foulu une piqûre dans le cul, anesthésie, une trou de balle. Anesthésie, une trou de balle, ouais. Je sais pas, recouleux, enfin un truc. Donc Cédric était avec nous hier soir, il se fait opérer demain, on vous tiendra au courant demain soir de comment ça se passe en opération. Bon courage Cédric, bon courage à toute l'équipe médicale aussi qui va s'occuper de toi. C'est clair. Et à l'équipe qui sera dans le bloc, qui va avoir des moments difficiles demain. On en saura plus dès 21h demain. Bon, t'aimerais bien gagner 1500 euros, j'imagine, Adèle. Avec Étienne, question bien con. Ouais. Tu sais. Ah, et le mec qui me répond ouais, non. Tu sais qu'on m'a déjà répondu non le matin quand on appelle. Là, on demande bon, alors c'est pour vous offrir 1500 euros. Bah, quand même pas. Moi, tu veux bien. Toi, tu le veux bien. Ouais. Mais tu sais ce qu'il faut faire pour gagner 1500 euros quand on te parle radio au téléphone. Tu réponds Skyrock, bien sûr. Tu m'as fait peur, Adèle. Il a bugué. Bon, eh bien, ce matin, il s'est passé un truc assez exceptionnel dans le morning. On va reparler dans un instant avec les 1500 euros. Il y a une petite question. On a la réponse hein, pour le jeu. Ouais, là. Ouais, ça y est. Petite question. Une autre question que je vous pose tout de suite. Ah, c'est interactif, Skyrock. On a besoin de vous pour faire l'émission. Hein. Je pose beaucoup de questions, je trouve. J'ai plein de trucs à demander ce soir. Donc, au 41759 et sur l'appli Skyrock, vous gagnez 1500 euros. Qu'est-ce que vous en faites? C'est une question que je pose à tous les gagnants le matin dans le morning. Qu'est-ce que vous en faites si on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée? Vous répondez Skyrock, vous gagnez. Et là, vous avez 1500 euros qui arrivent dans votre poche. Ouais. Qu'est-ce que vous faites des 1500 euros? Allez, on attend vos réponses. 41759, skyrock.fm et l'appli pour nous laisser des messages. La magnifique appli Skyrock que vous téléchargez. Vous écoutez Sky et vous nous envoyez des messages gratuits, pas chers. Même vous nous envoyez des photos. N'hésitez pas. Ok, il est beau, c'est qui? C'est Apu. Apu, la tronche. Je fais une tête Apu sur la photo. Apu, quel âge il a? 25. 25 ans. Salut Apu. Vous faites comme lui, vous nous envoyez des photos et vous nous dites surtout ce que vous faites avec les 1500 euros. Allez-y, vos messages et puis on y revient tout de suite. Bon Adèle, puisque t'es avec nous, dis-nous juste de quoi tu veux nous parler, comme ça on peut lancer ton sujet et on peut lancer l'appel à tous les auditeurs et les auditrices de Skyrock qui sont avec nous ce soir. De quoi tu veux qu'on parle? Quel conseil tu veux? Alors en fait, voilà, je suis élève de 3e et je vais faire un stage en décembre mais j'ai pas trop d'idées de ce que je voulais faire. Je sais que l'armée ça m'intéresse et tout, mais j'ai appelé. Tu es troulé dans la merde. Ah ça, tu troules dans la merde. On te dans la merde et après tu nettoies la merde de tes potes aux chiottes. Allez, tu es traité comme une merde. Surtout ouais. Ouais, merde. Mais de toute façon, je crois qu'en troisième, l'armée ils prennent pas les stages de troisième. Stage en entreprise, tu peux faire peut-être un stage dans une caserne. Est-ce qu'on peut faire un stage à l'armée? Tu as dit, Romano, toi qui étais militaire en militaire, collégien militaire et lycéen militaire, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous dire? Vive l'armée française. Vive l'armée française. Vive la France. La main sur le cœur. Allons enfants de la patrie. Est-ce que on a le droit? Est-ce qu'on peut faire un stage quand on est en troisième dans un truc de l'armée ou pas? Est-ce que tu sais? Ah, je pense que par exemple dans les bureaux, ouais, tu peux, mais ça va être un stage claqué, quoi. Ouais, voilà, dans les bureaux, ouais. Ouais, mais après, je suis pas sûr que t'ailles, tu vois, sur le terrain avec les mecs ou. C'est toi qui t'intéresse dans l'armée, toi? Non, mais moi, je connais des gens qui ont été à l'armée, mais ils apprenaient à faire des lits au carré. Des ah, bah c'est intéressant, bah, ça, voilà. Pour faire ton lit. Ta mère, elle va être contente quand c'est tu rentres à la maison. Super, le stage. Non, mais si tu fais l'armée, ouais, c'est clair que tu devras faire ton lit au carré, mais bon. Mais toi, c'est quoi qui t'intéresse dans l'armée? Il y a un truc particulier, je sais pas, les chars, les avions, les sous-marins, non, les fusils. Putain, j'aimerais pas vivre dans un sous-marin, moi. Non, mais tu vis pas dedans toute l'année, hein, quand même. T'imagines. À un moment donné, il remonte. Hein. Ah, tu remontes. De temps en temps, comment ça arrive? Enfin, t'aimerais faire quoi, toi, à l'armée, alors? Bah, en fait, je sais que les avions et tout, ça m'intéresse pas trop, mais j'aime bien le sport et tout, donc je pense que j'aimerais bien. Ouais, bon, ok, mais non, mais c'est un bon choix, pourquoi pas, hein. Genre commando, quoi. Voilà. Non, mais ça, c'est super physique. Mais ouais, enfin, en même temps, t'observes, hein, sur ce stage. Ah oui, non, mais en troisième, oui, tu vas pas devenir commando, oui. Ils vont pas travailler en Irak, hein. Tu vas pas aller en Syrie non plus, Ni en Afghanistan. Faut pas rêver, hein. Bon, alors, Ariel, on va vous envoyer, je vous explique, on vous envoie au Mali. Voilà. Vous allez passer faire un petit tour au Mali, vous allez voir, c'est sympa. Tu peux faire autre chose. Donc, alors, on a pigé, t'aimes bien le sport, t'aimes bien être actif, donc un truc dans un bureau, tout ça, un magasin, ça t'intéresse pas, ça. Fais chier. Parce que là, on nous propose un truc chez Intersport. Fais un stage chez Intersport, avec un peu de chance, ils te donneront des chaussures. C'est une très bonne idée. Momo sur SMS. Ouais, bon, vraiment, ouais. Bonjour Momo. Au niveau sport, tu vas être limité à part porter des cartons. C'est déjà du sport. Tu vas pas faire une randonnée entre les rayons, quoi. Non, mais alors dans des complexes sportifs. Dans des complexes sportifs. Ouais, tu sais, les salles de sport. Mais pourquoi tout bêtement tu vas pas t'as une caserne militaire vers chez toi? Ouais, j'en avais une, j'ai appelé, mais genre ils prennent pas. Merde. Bon, au moins t'es fixé. Bon bah dites-nous alors, si on peut trouver un truc à l'armée, c'est bien pour lui. Et puis donc des stages, des idées de stages pour ceux qui sont un petit peu comme Adèle. Super actif, envie de bouger, envie de faire du sport. Tout ça, moi aussi je suis super sportif, je te comprends Adèle. Bah ouais. Un truc dans un bureau, ça va pas. Ah ouais. Il est cool, c'est trop beau. Moi je trouve que je me suis regardé dans la glace tout à l'heure et franchement, pourtant je suis modeste et assez critique vis-à-vis de moi-même. Je me suis trouvé assez beau gosse ces temps-ci. Trop l'autre, normal. Mais t'as bien raison. Ah mais ça m'étonne pas, maintenant je vois que tu me regardes ces temps-ci avec beaucoup d'amour. Je me suis dit c'est parce que Cédric il est pas là et donc il te manque, oui, etc. En fait, entre les deux. C'est on mélange pas les torchons et les serviettes. C'est ma beauté, je veux dire. Bon, eh bien écoute, Adèle, on revient avec toi. Tu nous as dit ce que tu ferais avec les 1500 euros, Adèle, toi? Non, mais je pense que ouais, j'achèterai de la musique, je ferai profiter ma famille. Pour acheter de la musique, écoute, gagne 10 heures, t'as toute la musique que tu veux, on offrira ça avant minuit sur Sky. Ouais, mais c'est pas évident non plus, hein. Ouais. Ah bah, il faut s'inscrire. Mais tout à l'heure, je vous expliquerai tout, on fera ça en fin d'émission. Ouais, forcément, t'es pas le seul à t'inscrire, ça ouais, c'est sûr. Ça ouais. C'est sûr. Ah ouais. Bon, alors, on va voir ce que vous allez faire avec les 1500 euros, on va reparler de la compile de ce matin et on va lancer un grand sujet sur la compile de ce matin et donc j'ai une petite surprise pour vous aussi. Vous restez bien dans le coin, puis les familles du double appel, on essaie de les retrouver avant minuit. Ah oui, parce que hier, on a pas eu le temps. Non, on n'a pas eu le temps, on a une soirée tellement agitée hier soir qu'on n'a pas eu le temps de faire le double appel. Bon, tiens, j'ai la réponse à mon jeu que j'ai lancé il y a un instant. Tous les soirs, on vous posera une question sur le morning et on vous offrira le jeu de la semaine, c'est même le jeu du mois, puisqu'on vous l'offre depuis le début du mois. FIFA 17 qui va tout déchirer. Ouais. Qui c'est qui veut son FIFA 17? Qui c'est qui veut son FIFA 17? Moi, je le veux, moi. C'est Damien. Que c'est Damien qui veut son FIFA 17? Eh bah oui, tout à fait. Et oh putain. Oui. Damien, 19 ans, et t'es où? T'es dans le 51, toi, c'est ça? C'est ça. T'étais le plus rapide à laisser la bonne réponse, tu écoutais le morning ce matin. Et tu sais c'est donc quelle est la compile du jour qu'on a fait à 9h05, juste en fin de morning. On a c'est fait. Les vengeances au taf et au bahut. Bonne réponse, et on peut te le dire. Bip bip. Bravo et bip bip. Ah c'est bon. Bip bip à toi, tu viens de gagner donc ton FIFA 17. Et ouais, ce matin on a fait une petite compilation des vengeances au taf et au bahut. Donc on avait classé en numéro 3, si je me rappelle bien, l'ex-boucher de Chartres qui a été condamné à de la prison parce que lui il s'était vengé d'un collègue. Enfin, d'une collègue qui était sortie avec lui puis qui l'avait largué juste après et s'était vengé contre tous les autres collègues. Il avait fait un paquet gâteau. Il avait pas mis des laxatifs ? Non, lui il a mis du cannabis dans un gâteau. Il a fait un gâteau de cannabis à tous ses collègues. Il a fait un space cake, quoi. Ils ont tous été malades comme des chiens. Ils se sont retrouvés à l'hôpital et lui a pris 8 mois de prison avec sursis. C'était le numéro 3 de notre compil. Le numéro 2, c'était aux États-Unis. C'était les lycéens qui se sont fait virer d'un bahut. Ils n'étaient pas contents. Ah oui. Ils ont rien trouvé de mieux que de foutre le feu à la maison du proviseur. Bon, bah, c'est juste ils étaient énervés, ouais. Et le numéro 1, c'était en Belgique. Ouais. C'était au commissariat de Charleroi. Bonjour. C'est un policier. Et c'est le coup du laxatif. Bien vu, Damien. Et donc lui, il a mis du laxatif dans le café d'une collègue au commissariat de Charleroi. Il a fait ça. Et l'autre a quand même mis 2 ans pour s'en rendre compte. Pendant 2 ans, la meuf, elle a eu une chiasse, mais digne de Cédric. Elle doit avoir le trou de balance, quoi. Un espèce de truc terrible. Elle comprenait pas parce que chaque fois qu'elle partait en vacances, elle avait plus la chiasse. Bah, je n'ai plus la chiasse. Et dès qu'elle retournait bosser, donc l'autre, elle a une chiasse, mais carabinée. Bah, c'est normal, son collègue lui foutait du laxatif depuis 2 ans dans son café. Bah, j'ai mis 2 ans à me rendre compte. Tous les matins, il arrivait. Oui, bonjour, connasse. Je vais te donner un café. Tiens, prends un petit café. Et l'autre, après, elle passait sa journée aux chiottes. Ouais. Donc, ça, c'est les vengeances au taf et au bahut. Si vous aussi, vous êtes vengé de quelqu'un au bahut ou au taf, vous pouvez nous laisser vos messages. On va en reparler ce soir parce que le sujet, il est marrant. Donc, vous nous dites, contre qui vous vous êtes vengé, pourquoi et qu'est-ce que vous lui avez fait ou qu'est-ce qu'on vous a fait aussi. Ça peut marcher dans le sens inverse. Vous nous laissez ça au 41-759 sur l'appli Skyrock aussi et puis sur le skyrock.fm. Damien, tu t'es déjà vengé de quelqu'un, toi, ou pas? Oh, bah écoute, j'ai pas trop le souvenir. Non, mais c'est bien, t'es quelqu'un de bien, toi. C'est bien. Ou alors j'ai oublié. Oui, ou alors tu ne me dis pas la vérité. Non, mais t'as l'air sincère, ça va. Donc, si vous avez fait ça, vous nous dites au 41-759 sur l'appli, on y revient dans un instant. Et toi, on t'envoie ton FIFA 17, c'est parti. Ah, bravo. Bon, par contre, tu peux faire un big up? Allez, big up. Big up à Romano, t'es le meilleur. Ah bah merci, c'est un très bon big up. Un beau big up, Romano. Ah bah, et allez, ouais, surtout, là, et Samy. Ouais, magnifique. Un soutien dans le 51, Samy. Ça, tiens bon, gros. Oh ouais. Putain de merde, Olympique de Marseille. Hey, vous avez la place que dont vous rêviez. Vous êtes 13e comme le 13, ouais, les Bouches-du-Rhône. Exactement, voilà, c'est notre place. Les Marseillais sont 13e au classement. Bon, bravo à toi, Damien, puis on rejouera dans la soirée. Tiens, on jouera avec les bugs de Romano. On vous offrira du FIFA 17 avec les bugs de Romano tout à l'heure. Romano, tes bugs, par contre, ils sont trop chauds. Ah, ça, c'est chaud. Hein. Ah ouais, c'est clair, c'est pas évident. Hein. Même lui, il arrive pas à se comprendre. C'est quand même pour te dire que c'est pas facile, la life. On verra ça tout à l'heure. Bon, alors, okay. On va rêver un peu ce matin. Je fais juste un gros bisou aussi à Momo qui nous a quittés aussi. Eh ben, c'est gentil. Merci à toi, Damien. Ouais, gros bisou. On t'embrasse, Damien. Bah, bisous à toi. Bisous. Alors, ce soir, on a lancé Qu'est-ce que vous faites avec 1500 €? On a lancé Les vengeances entre collègues. On en reparle. Et j'ai avec nous. Ah ouais, putain, sur les 1500 €, vous êtes déchaînés. Vous les voulez, les 1500 €. Hein. Bon, c'est assez simple. Hein. Si vous les voulez, que vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous envoyez 1500 au 7-20-20. Ouais. 7-20-20. Exactement, ouais. Romano t'envoie 1500 au 7-20-20. C'est déjà fait. Et si vous l'envoyez maintenant, on peut vous appeler demain matin. Donc soyez à l'écoute demain matin, vous envoyez 1500 maintenant et demain matin, on peut vous appeler, vous pouvez gagner vos 1500 €. C'est ça. Et j'ai un petit truc à vous faire écouter. Écoutez bien, c'était ce matin, dans le morning, en direct à pile 8h du mat. Et il s'est passé ça. Ma radio préférée, c'est Skyrock. Sinon, vous êtes bien sur le portable de Mélien Garnier. Laissez-moi un message, je vous recontacte très dès que possible. Bravo! Bravo! Tu as gagné 1500 €, dis donc. Ouais, bravo, Emilia. Bravo. Eh oui, Emilia Garnier, qu'on a appelé ce matin en direct sur Skyrock. Et on est tombé sur son répondeur. Et il est pas con, Emilia. Parce que sur son répondeur, il a laissé Skyrock. Ouais, mais c'est bien, il a suivi notre conseil. T'as suivi notre conseil, c'est bien. C'est comme de le dire à toute la famille. Très important, dites-le à toute la famille. Si on vous appelle ou parle radio au téléphone, Skyrock, c'est 1500 € dans la poche. Mais t'as un post-it, un truc sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais. Skyrock, c'est ça qui vous répond. Dites plus à l'eau. C'est pas con, ça, le post-it, tu vois. Tu dis plus à l'eau, tu dis Skyrock. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Bah oui, laissez un post-it sur le téléphone, Skyrock. Ah, bah moi, j'en ai mis partout. Sur le frigo. Sur le frigo aussi. Skyrock. Les murs sont couverts de post-it, Skyrock. Donc, Emilia, on l'a appelé ce matin à 8h. Dit, bah, répondeur, il va foirer. Pas du tout. Il a laissé Skyrock sur le répondeur. Et Emilien, il est avec nous ce soir en direct sur Sky. Bravo. Bonjour, Emilien. Bravo. Wow. Ouais. Salut, Emilien. Salut, l'équipe. Comment ça va? Bonjour, Emilien. Ça va et vous? Bah, écoute, j'imagine que t'as dû passer une super journée, toi. Au début, non, mais dès que j'ai entendu ça, oui. Ah, oui, c'est un peu au début, t'étais au bahut. J'imagine si on n'a pas réussi à te joindre, c'est parce que t'étais au bahut. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc au bahut, tu peux pas répondre au téléphone. Oh, on en a déjà eu qu'on décrochait. C'est clair. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Oui. Et t'as entendu ça à quelle heure? On rentre chez moi, donc vers 17h. Ah ouais, pas avant. Tu savais pas avant. Et y a personne qui... Non. Bah non, les potes, ils étaient au bahut. Ah bah oui, c'est vrai, mais en même temps, oui, c'est vrai. Eh ouais, les potes étaient au bahut, pareil. Donc à 17h, t'interroges ta messagerie et t'entends une bande de cons derrière qui est là. Bravo! Bravo! En plus, on l'a fait deux fois. Oui, c'est ça. On l'a fait deux fois la suite. Bravo! Tu as gagné 1500 euros, dis donc. Ouais, t'as entendu ça sur ton répondeur. Bravo. Et tu y as cru? Et là, ça t'a fait quoi? Bah oui, j'y ai cru parce que je vous ai reconnu. Eh ben oui. Eh ben c'était pas une bêtise. Hein. T'as bien gagné 1500 euros, Emilia. T'as dû sauter partout. Ah, t'as dû être content comme un ouf, non? Tu l'as dit à qui? C'est qui le premier à qui tu l'as dit? Ma mère, parce qu'elle était juste en face. Et alors ta mère, elle a fait quelle tête quand elle a appris que t'avais gagné 1500 euros? J'ai encore une arnaque. Non, elle était contente. Ah, elle nous écoute le matin, ta maman? Pas le matin. Mais là, oui, je crois. Ah, le soir. Bah, il faut écouter le matin, ma chérie. Comment elle s'appelle, ta maman? Gisèle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Gisèle? On n'écoute pas Skyrock dans le moment. Alors, Gigi, on écoute que le soir et le matin. Bon, bah, Gisèle, tu peux être fier de ton fils, hein. Ouais, grave. Il ramène 1500 euros à la maison. Tu sais que Romano aimerait t'adopter, Emilien. Je voulais te le dire. Ce soir, j'ai une nouvelle à te demander. Il faut me dire si tu es d'accord ou pas. Est-ce que tu aimerais être adopté par Romano? Si c'est que pour mon argent, non. Ah, mais c'est qu'un homme. Oui, je te le dis, c'est que pour ça. Non, mais t'as l'air sympa, on pourrait être amis. Sympa, ouais. Avec Romano, t'es super sympa. Plus t'as de l'argent, plus t'as des possibilités d'être super sympa. Donc, mais t'inquiète pas, je vote Romano. Hein. Ah, merci, ça c'est cool. Voilà. Bon, en tout cas, Emilien, 1500 euros pour toi, ça fait plaisir. Bravo. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1500 euros? T'as eu le temps de te réfléchir depuis tout à l'heure, 17h. Ouais, je pense que je vais me faire plaisir et je vais le partager. Ah ouais, c'est bien, gentil. T'es généreux, tu soutiens Romano, mais t'es beaucoup plus généreux que lui, qui est quand même une grosse pince, quoi. Yeah. Bah, moi, j'ai pas gagné 1500 balles, hein. Bah, t'as gagné plus, non, dans ta vie? Bah, heureusement. Ah, bah, alors, on fera des sous. Attends, sinon, j'aurais pas gagné, gros. À tes amis. Donc, tu vas faire plaisir à qui, toi, Emilien? À ma famille. À ta famille. Bah, tu vois, Gisèle, toi qui nous écoutes. Tu as un bon fils. T'auras un beau cadeau. Bah, t'auras un beau cadeau d'Emilien. C'est bien, Emilien. Mais Emilien, tu t'étais inscrit au 720? Oui. Ah bah t'as bien fait, t'as bien fait parce qu'au 720, hein. T'es le deuxième qui gagne au 720 depuis lundi. On a eu 4 gagnants depuis lundi. Ouais. Bien joué, bravo Emilien. Bon, nous on est content pour toi, ça nous fait plaisir. Bon, moi aussi ça me fait plaisir. Et puis tu nous as surpris parce que t'as une super idée de laisser ça sur le répondeur. Bien joué Emilien. Bon réflexe. Bien joué, bon réflexe. Merci de vos conseils. Et ben continue, puis ben on te retrouve toute la soirée, tu restes avec nous et puis demain matin entre 6h et 9h, hein. Il y en aura d'autres qui gagneront de l'argent à ta place demain matin, j'espère. Bah, j'ai déjà eu mon tour. Bah, ça y est, c'est fait. Bien joué. On va laisser un peu aux autres. Bien joué. Et dans quel cas, c'est mignon, on nous demande, il a une belle voix. Je suis intéressé par des hommes qui ont de l'argent. T'es grave, toi. C'est Cynthia qui nous laisse un message qui est dans le 45. Oh, bah, t'es pas la seule, va. Salut, Cynthia. Tu vois, les meufs, elles vont tomber comme des mouches au bahut avec toi, Emilien, maintenant. Ça y est, tu es riche. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Parce que je vais pas le dire. Ah, tu veux pas le dire? Toi, ouais, mais il y en a peut-être quelques-uns qui écoutent, tu sais, ce soir. Aïe. Je t'ai posé une question, je sais plus ce que c'était. C'était quoi la question que j'ai posée? Elle était géniale. Mais je sais qu'elle était géniale, mais je sais plus ce que c'est. C'était une géniale question. Une géniale question. Ouais. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Elle me reviendra dans un instant. J'ai tellement de questions à vous poser toute la soirée. C'est quand même fou, ça. Dans un instant, on va voir ce que vous faites avec vos 1500 E si vous les gagnez, vous aussi, dans le morning. On aura Sofiane avec nous en direct. Rêvons un peu, Sofiane. Imaginons que tu gagnes 1500 E. Sofiane du 62. Salut, Sofiane. Salut. Salut. Quentin du 46, 18 ans, qui lui aussi va nous dire ce qu'il ferait avec 1500 euros. Salut Quentin. Salut. Quentin. Non, j'ai Alvin avec nous. Allô, Alvin. Salut l'équipe. Salut Alvin. Eh ben tu bouges pas, toi t'as 26 ans, t'es à Montbéliard. Ouais, c'est ça. Juste à côté de Belfort. Bah, tu vas nous dire toi aussi ce que tu ferais avec tes 1500 euros. Ne quitte pas, Alvin. Et puis les vengeances entre collègues, on va y revenir dans un instant. Tant d'écouter PNL, on prépare les familles du double appel aussi, qu'on va retrouver avant minuit. C'est sur Sky et que sur Skyrock. Et PNL, bah oui, aussi sur Skyrock. Avec Je suis QLF, une découverte Sky. PNL sur Skyrock tout de suite. Salut, Emilien. Ciao. Tous les matins, réveille-toi avec Skyrock. Default t'offre les cadeaux qui te déchirent. Des PS4, FIFA 17, des iPhone 7. Romano prend tous les risques. Et mon point sur ta gueule, je veux t'envoyer de la thune, moi. Ah non, la thune, c'est Skyrock qui la donne. Si on te demande quelle est ta radio préférée, qu'est-ce que tu réponds? Skyrock. Ben c'est Skyrock. Et tu gagnes 1500 euros. Ouais, bravo. 6h-9h, réveille-toi avec le morning de Default sur Skyrock. Une seule radio t'offre 1500 euros toutes les demi-heures.

peur. J'suis bien, j'ai peur. J'rattrape les années en l'air. J'aime son accent. J'aime la vie en vrai. Je prends ton temps. Je réfléchis après. J'ai souri à la merde. Souri à l'envers. Sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. J'prends mon oseille, je chante, j'me casse de la de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. J'pète Nats, véritable. Putain, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. Pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Dans le vide, j'vois le monde en entier. On voyage, j'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille, j'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage, j'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille, j'sais pas pourquoi j'déraille. PNL sur Skyrock, on écoutait le gros son de PNL. Il y en a plein sur l'album, hein. C'était Je suis QLF sur Sky. Difool, Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct sur Skyrock. Il y a des matchs de foot à suivre. Séville, Lyon, 0-0. Monaco, Leverkusen, 0-0. Et aussi, et c'est la mi-temps là, Séville. Ouais, et il y a aussi le Real qui joue contre le Borussia Dortmund. C'est ça. Et j'ai un but de Cristiano Ronaldo. C'est comme, et un autre but du Borussia aussi. Il ouais, y a un partout maintenant. Donc Cristiano a marqué, a ouvert le score. Et derrière, Dortmund a égalisé. Dortmund, c'est l'équipe du survêt de Jules. C'est ça. Et de Aubameyang aussi qui a marqué le but. Et c'est Aubame qui a marqué. Ouais, c'est ça. Qui vient souvent dans l'émission. Ouais, oui. Ouais. Souvent, il est venu. Ou alors, il nous a passé des coups de fil. Aubameyang. Et la Juve, il gagne 2-0 à Zagreb. Oh là là, mais c'est la folie. Il y a des buts, sauf en France pour l'instant. C'est ça. On vous tient au courant. Hein. Bon, on parle de gagner ce soir, puisqu'on a eu une autre gagnant. Enfin, un de nos gagnants des 1500 euros ce matin. Il y en a eu deux. Hein. Ouais. Un de nos gagnants, c'est Emilien qui a gagné ce matin en laissant Skyrock sur son répondeur. Il a bien fait. Parce qu'on l'avait pas encore entendu du coup. Eh ben ouais, on avait promis de le rappeler en plus. Vous avez vu, on tient nos promesses. Hein. Et puis on va parler vengeance ce soir, les vengeances au taf ou au bahut. Vous avez quelqu'un que vous aimez pas et vous vous êtes vengé. Racontez-nous les vengeances. On va faire un petit point là-dessus. Et puis je compte sur l'ensemble de l'équipe pour nous raconter les coups de pute qu'ils ont fait à des collègues au bahut ou alors au boulot. Hein, si vous avez ça peut arriver. Si vous avez fait ça au boulot aussi, bien sûr que oui, ça marche. Bah partout. J'ai Julien qui me laisse un message qui a déjà fait le coup du laxatif. Ah ouais. Le coup du laxatif à une collègue. Il l'a fait comme le keuf là qui a drogué une de ses collègues au laxatif. L'autre avait la chiasse pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il l'a drogué. 2 ans à bouffer du laxatif. Et la godiche s'est rendu compte de rien. 2 ans, elle a eu la chiasse. Elle devait être sacrément conne, quoi. Elle était sacrément malade. Elle passait ses journées au chiottes. Non, mais je sais pas. Au bout d'un moment, tu te poses des questions. Tu vas chez un médecin. Faudrait que je suis malade. Faudrait que j'arrête pas de chier. Je sais pas ce que j'aime entre deux couilles. Il n'arrête pas de chier. Ça a duré 2 ans, messieurs dames. 2 ans. Est-ce que je peux poser une question aux membres de l'équipe, comme Cédric est pas là ce soir avant de se faire opérer demain? Est-ce que vous avez déjà fait cette blague à Cédric ou alors est-ce que quelqu'un dans l'équipe fait cette blague en permanence parce qu'il passe sa journée à chier quand même? Non, mais c'est bien, si Cédric, on n'a pas besoin de lui faire la blague, c'est naturel. Oui, c'est vrai. Hein. Bon, c'est vrai que Cédric, il a dû. C'est comme Obélix qui est tombé dans la poule magique. Ouais, c'est ça, vrai. Eh bien, lui, il est tombé dans un truc de laxatif quand il était dans une marmite de laxatif et puis il arrête pas de chier. Oh. C'est quand même un truc de fou, ça. Hein. Oh. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Si vous venez juste d'arriver, on s'occupe de Adèle, il veut des conseils pour son stage. Ah oui. Il est en troisième. Donc, il a un truc dans l'armée. Il a dû s'annuler par Madrid, hein, a priori. Ah ouais? Non, il a marqué au début du match, il y a un partout, c'est la mi-temps. Peut-être qu'ils ont marqué un autre but. Parce qu'il y a. Il en a marqué un deuxième. Il y a Dracul, s'il nous dit but annulé pour Madrid par cet enculé d'arbitre. Oui, il y a eu deux. Ils ont peut-être marqué un autre but. Ouais, il y a eu deux. Ronaldo, il est chaud de la bite. Putain, comme il est trop fort, il a marqué un deuxième but pour Madrid. Mais but refusé, donc ça fait toujours un partout. Un partout à la mi-temps. D'après les nouvelles qu'on vous a données. Ah ouais, annulé but par Madrid par cet enculé d'arbitre, vous nous dites. Ok. Bon, c'est bien noté. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc pour Adèle, on s'occupe de toi, Adèle. Toi, tu veux faire un stage, t'es plutôt actif comme gars, donc t'as plutôt envie de bouger. Sport. Ouais, donc sport. Tu pensais à l'armée. Est-ce possible de s'engager à l'armée, enfin de s'engager, de faire un stage à l'armée sans s'engager justement? Bah a priori c'est pas possible. Hein. Ouais, j'ai vu les messages. Il y a eu pas mal de messages et tout le monde disait que c'était pas possible. Mais alors il y a une solution de repli. Alors voilà la solution que tu attendais, c'est pour toi. Allez, vous me proposez quoi? Chez les pompiers. C'est physique. Ah ouais. Et ouais, les pompiers. Je sais plus quel auditeur nous disait ça, mais bonne idée je trouve moi. Vous êtes fort les auditeurs. Et il nous disait que stage de troisième il prenait. Et ben voilà. Okay. Les pompiers, c'est où? C'est bien les pompiers, bah, partout. Dans la caserne des pompiers. Ouais, n'importe quelle caserne. Tu vois, les pompiers. La caserne de Grenoble, il y a peut-être plusieurs d'ailleurs, des casernes à Grenoble, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, dans les casernes de Tourcoing. C'est bien ça. C'est bien les pompiers, non? Ouais, pourquoi pas. Ah, après, c'est juste pour essayer. Hein. C'est physique, oui. Après, c'est un stage. Combien il dure ton stage? Je crois que c'est 3 ou 4 jours. Ah ouais, ça va. Ah, c'est tout. Donc 3 ou 4 jours, c'est les pompiers. Non, ouais, mais vas-y, fais-le. Fais le petit stage. Ouais, ça c'est sympa. Oui, bon, ça a pas l'air de t'emballer plus que ça, non. Mais bon, c'est cool. T'auras une grosse lance et puis attention, les pompiers, ça cartonne chez les meufs. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Ah ouais. Pas faux. J'ai une amie personnelle qui sort avec un chauve qui mesure 1m54. Je ne dirai pas qui est-ce pour ne pas lui faire du mal. Mais cette amie personnelle qui sort avec lui, elle kiffe bien. Elle kiffe les pompiers qui font des exercices. Elle habite devant une caserne de pompiers et il y a des pompiers qui font des exercices torse nu toute la journée et elle passe sa journée à regarder les pompiers finis ou pas. Ah ouais. Et elle bave. Et elle bave de la chatte. Ouais, bah carrément. Elle est de chatte qui bave, qui bave. L'autre jour, elle a fait une flaque dans la rue. Et pas que dans la rue. L'autre jour, elle s'est pris la tête avec son mec parce qu'elle attachait le canapé. Ah bah non, mais c'est clair. Elle était sur le canapé en regardant les pompiers. Hop, une flaque. Genre. Ah non, mais les mecs, ils se la racontent là. Il est jaloux. Attends, ça va les gars, il faut arrêter de la raconter. Les mecs en plein hiver lavent le camion torse nu dans la rue. Tu sais, mais t'as l'impression que les mecs, ils font un clip. C'est comme dans les clips avec les meufs au car wash. Et des fois, ouais, ils écoutent la musique. C'est les village people. Ah ouais. Tu sais, ils ont la caserne vers chez moi. En fait, ils ont une espèce de mezzanine où il y a, tu sais, genre salle de sport. Ah ouais, il y a du son. Et là, ouais, les mecs, ils mettent du son à fond. Tu sais, ils laissent les portes ouvertes. Et les mecs, ils soulèvent de la fonte torse nu. Et je suis la bande de baltringues. Il est jaloux. Tu vois, Adèle, fais pompier, je t'assure, avec les meufs, ça a marché, hein, je t'assure. Ouais. Bon, ouais, mais c'est pas trop ce que je cherche. Ouais, mais tu t'en fous, c'est pour un stage. Ouais, t'as un stage de 4 jours. De toute façon, l'armée, a priori, c'est pas jouable. Donc. Voilà. Et si tu aimes le sport, que tu aimes être actif et être physique, il y a Hugo BX, 27 ans, qui te propose de devenir acteur porno à 14 ans. Voilà, très bonne idée. Ah, les idées. Ouais, génial. Ouais, génial. Ouais. Tu vois, là, t'es plus motivé que pour être pompier. Mais ça, c'est pas possible non plus. Tu vas pas aller faire un stage chez Jackie et Michel. Il y a Marie qui nous a proposé un stage chez Jackie et Michel. Pas notre Marie, mais notre Marie. Ouais. Si t'aimes le sport et être actif. Vous êtes plusieurs à avoir eu cette idée-là. Donc voilà quelques petites idées qu'on peut te donner. Il y a Papon 93, c'est confirmé, hein. 24 ans. On a déjà accueilli des troisièmes. Donc c'est sûr pour la caserne de pompiers. Et ben voilà, tu vois, un pompier qui est prêt à t'accueillir. Pas mal. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est juste pour faire un stage. Hein. Ouais, bon, bah écoute. Et puis l'armée, t'as pas le choix, tu pourras 4 jours, bon. 3-4 jours chez les pompiers, ça peut être sympa. Ouais. Bah, c'est clair. Non, mais de toute façon, tu vas pas faire grand chose. Hein. Non, mais dis, fais le test demain. Demain au bahut, tu vas voir les meufs, tu leur dis, ouais, qu'est-ce que tu penses des pompiers? Je suis sûr que ça fait un carton. Sûr. Et là, ça va te motiver, tu vas te retrouver pompier. Tu vas être bouillant. Ouais, tu vas être bouillant. Et va te prêter un costume qui va être 3 fois trop grand pour toi. Et tout le monde n'est pas tout petit, Romano. Combien tu mesures, Adèle? Adrien. Je fais 1m67 avec les cheveux et 1m64 sans les cheveux. 1m67. Avec les cheveux. T'as des gros cheveux, toi. Tu vois, t'es grand. Ah ouais. Ouais, et t'as des cheveux. Bah, Romano, tu devrais te faire pousser les cheveux pour être plus grand, il a raison. J'arrive pas. Romano, je t'en vends si tu veux. Non, merci, mais. Sympa. Putain, me fait chier. Ah, me fait chier. Oh. C'est pas grave, Romano, d'être complètement chauve, comme Alain Juppé. Non, mais je suis pas. Non, mais va te faire mettre. Je suis pas grave, chauve comme Alain Juppé, hein. Je suis désolé. Il m'en reste sur le côté. Lui, il a plus rien du tout. Il a juste 3 fois mon âge. Quoi. Ouais, c'est ça qui est inquiétant pour toi. Ouais, c'est la chevelure d'un mec de 70 ans. Ouais, c'est ça qui est chaud, quoi. Et ouais. Bon, bah écoute, Adèle, tiens-nous au courant et puis on va prendre la réaction juste avant que tu partes. Hein. La réaction de. C'est qui? Furax. Furax qui est avec nous. Salut, Furax. Ouais, salut l'équipe. Furax, 21 ans, et t'es où toi? T'es à Pau? Ouais, je suis à Pau, ouais, c'est ça. Pau, Pirée Atlantique. Salut. Ouais, c'est ça. Salut, et je dirais même. Salut l'équipe. Salut l'équipe. Je le dis un peu comme Cédric. J'avoue. Ouais. Alors Furax, qu'est-ce que t'aurais à conseiller à Adèle là, pour son stage? Alors du coup, y a une solution en fait pour l'armée. Il faudrait qu'il se renseigne dans le CIRFA de ta ville, mais en fait une préparation CIRFA, militaire. Le CIRFA, c'est le truc de l'armée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est CIRFA ou CIRPA? CIRFA, non? CIRFA, je crois. Non ouais, CIRFA, moi. Ben la CIRFA, ouais, c'est pour l'armée de terre et ensuite ça dépend quoi. D'accord, ok. Et ils peuvent te prendre en stage ou pas alors? Il y a une préparation, quoi. Ça se fait sur 2 semaines ou même sur 1 semaine, ça peut se faire. C'est un test, quoi, en fait. Non, parce qu'on nous dit il y a des stages découverts de 15 jours en caserne militaire, nous dit Nico sur le 41-759. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais, mais c'est pas des stages de 3e. C'est. C'est quoi? C'est un truc payant, ça? Non, après, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Ah bah, Romano, il va y aller ce week-end. Tant mieux. Non, mais moi, c'est un truc gratuit. J'ai passé 7 ans dans les trucs militaires, ça va, j'ai eu ma dose. Et pourquoi t'as pas fait militaire, Romano? Pourquoi tu t'es lancé dans la radio Skyrock et que tu t'es pas lancé dans l'armée, je ne sais pas moi, l'armée de terre, par exemple? Mais moi, j'ai jamais voulu faire un militaire. Hein. Mais qu'est-ce que t'as foutu dans une école militaire? Parce que j'avais envie d'y aller, mon père travaillait là-bas, et puis j'avais envie d'y aller. Qu'est-ce que t'as dit, Furax? Il était trop petit, il pouvait pas faire les tractions. Ah oui, il était trop petit. Non, non, mais t'étais encore plus petit que maintenant. C'était bah ouais, tu sais, quand j'étais en 6ème, j'étais tout petit, hein, ça. Mais petit comme ça? Ah bah tout petit, ouais. Comme ça, t'étais en 6ème. Ah, je sais pas, ouais, faudrait que je vous ramène. Tu m'arrivais au genou. Mais t'avais un gros cartable? Il m'arrivait au genou, il avait un gros cartable. Ah ouais, tu sais, les gros cartables. C'est ses potes, ils le portaient dans le cartable. Non, mais ouais, mais j'avais pas trop de gros cartables parce qu'on avait des casiers, ah, oui, en fait, pour laisser les affaires. C'est ça chez les militaires, on a des casiers et ça, c'est quand même la classe. Bon, bah très bien, Furax, merci du conseil. T'as déjà fait des saloperies à des collègues, toi? Genre, tu t'es vengé d'un truc auprès de collègues? Non, parce qu'on va reparler là tout à l'heure. Non, moi, c'est quelqu'un de bien, moi. Ah, mais vous êtes trop sage, les auditeurs, ce soir. T'es le deuxième qui s'est jamais vengé. Jamais vengé d'une meuf, d'un mec au bahut qui t'aurait fait un coup de pute ou un coup de crasse. Nous, moi, je me rappelle, on avait enfermé une meuf qu'on aimait pas dans les toilettes pour qu'elle soit en retard au cours. Et ça a marché. Ouais. Ah oui, non, ça a déjà arrivé aussi. C'est genre une meuf qui était là tout le temps en train de balancer les autres. Ah ouais, putain, lui, il a pas fait ses devoirs, mais je le dis pas au prof. Hein. Le prof était derrière, il entendait tout. Ah, je dirais rien, mais il a pas fait ses devoirs, Romano. Ah, sinon, nous, ce qu'on allait faire. Non, on l'avait enfermé dans les chiottes. On avait un truc, on avait coincé la serrure, elle était restée bloquée dans les chiottes, elle avait loupé le cours après la récré. Bah, nous, c'était pas un voyage scolaire, je sais plus où on était, je crois, à Bourges. Ah, comme là où sont tombés les 1500 E. Il y avait un petit bassin, là, ouais, dans la ville. Et y a un mec, on l'avait poussé dedans. Et t'étais content? Ah ouais, on avait rigolé parce que le mec, il avait passé la journée trempé. Il était noyé, ouais, trop cool. Non, mais c'est un bassin de décoration avec un petit jet, tu vois. Mais le mec, il avait passé la journée trempé. On avait ri, mais pas les cons. Et pourquoi vous vous étiez vengé? C'était juste pour rigoler? Ouais, comme ça, ouais, le mec. Bon, écoute, c'était tombé sur lui. Hein. C'est même pas une vengeance. Bon, bah écoute, merci Furax. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison, le collecteur à peau. Et puis Adèle. Vois les pompiers, puis appelle le CIRPA, là, c'est CIRFA ou CIRPA? Je crois que c'est CIRPA, moi-même. Ouais, mais j'ai déjà appelé, et ils sont occupés, ou je sais pas, mais il y avait une galère. Ah, quand tu les appelles, oh, les choses à foutre, avoir plus de loi. Bah, allez, ouais, les pompiers. Non, mais les pompiers, je pense que tu seras pas déçu, en plus. On a eu plein de messages, juste après qu'on en ait parlé, plein de messages sur les pompiers. Vas-y, pompiers. Et c'est vrai que ça excite l'équipière qui nous a envoyé un message. Et c'est CIRFA, hein. C'est vrai que les, CIRFA? D'accord. C'est vrai que les pompiers, ils sont super gaulés. Tu vois, l'équipière, elle a 20 ans et elle nous envoie un message. Les pompiers, c'est super gaulé. Hashtag, les pompiers, c'est super gaulé. Ouais. Et l'équipe, je peux passer une dédicace. Vas-y, Furax. Ouais, je voulais passer une dédicace à mon pote JB, là. Salut JB. Il est sur Bordeaux, mais peut-être qu'il va peut-être bientôt aller en prison, du coup. Bah, bon courage JB, alors. Un peu le con, là, ces temps-ci, du coup, voilà, bon courage, alors. Eh ben, bon courage à toi, JB. Et un salut à tous ceux qui sont enfermés, là. Salut, Furax, raccroche pas. Hein. Salut! Ciao, Furax. Salut, Adèle, et reviens vite, Adèle. Tiens-nous au courant de ce que t'as choisi, hein. Dis-nous, hein, on suivra. Ouais, ouais. Et juste, je peux faire une dédicace vite fait. Allez, vas-y, puis nous, on va faire le double appel, et puis on va voir aussi tous ceux qui rêvent de gagner 1500 €, ce qu'ils feraient avec leurs 1500 €. On en parle ce matin. D'ailleurs, hashtag, si je gagne les 1500 € sur Skyrock, je. C'est voilà. Le hashtag. Il est pas long du tout. Non, là. Du tout. Hashtag, si je gagne les 1500 € sur Skyrock. Moi, j'ai répondu, ouais. Je. Bah, allez-y. Moi, j'y vais aussi, ouais. Je lance le hashtag. Je vais répondre. Moi, j'ai dit, je me paye un voyage au Canada ou aux États-Unis. Ah, tu te payes? Moi, j'ai répondu ça. Il y a eu pas mal de voyages dans les messages, on va les mater, là. Non, moi, je les mets à la banque. Je les mets sous ma sûr. Mais c'est bien d'en profiter, Romano, des sous. Mais j'ai besoin de rien, moi. Mais bah, dans ce cas-là, donne-moi les sous. Non, mais j'ai pas besoin de. Moi, tu sais, je vis simplement, hein. Oui, sur l'argent des autres, oui. Non, mais c'est pas. Tu sais, en ce moment, par exemple, tu me dis, ouais, là, achète-toi un truc, j'ai rien à m'acheter. Bah, moi, j'ai des trucs à acheter pour moi chez moi, Romano. Tu veux pas une petite paire de baskets ou un truc? Achète-moi des baskets. Ah, non. Ah, allez. Moi, j'en ai acheté avant l'été, ça suffit. C'est là, j'ai trimballé pendant moi 2 ans. C'est pas cher. Allez, Adèle, petite dédicace, vas-y. Alors, ouais, dédicace à Guillaume, Elisa, Sean, Axel, Colin, Chloé, Flora, Elliot. J'espère que j'ai oublié personne. Tout le collège Marc Sangnier. Un gros big up à Momo et à vous l'équipe. Eh ben c'est gentil. Merci Adèle. Salut Adèle. Et on te reprend très vite pour nous dire quel a été ton choix. Et on t'envoie on t'envoie t-shirt. Ok. Sans problème. Salut Adèle. Merci. Ciao Adèle. Salut mec. Bon, dans un instant, Mohamed de Bondy avec nous en direct. Quentin du 46 avec nous en direct aussi. On aura Alvin de Montbéliard. Sofiane du 62. Et les filles alors, vous voulez pas gagner 1500 €? T'as un carton rond de mec là qui arrive. Marie est très très très excitée, les gars. Ça, je vous le dis. Je mouille. Alors, Momo, elle était. Oui. Marie est dans un état pas possible. Le Quentin, c'est pareil. Alvin fait son entrée. Alors là, Marie, elle n'en peut plus. Et il y a Sofiane en plus. Ça fait 4 mecs pour elle. Allez hop. 4 mecs, ça fait 4 bites et ça fait 8 couilles. Ah ouais. T'as fait du boulot, dis donc, les amis. Oh, putain, ouais. Mais je vous le dis, sur Skyslock, rien ne me fait peur. Voilà, 4 bits, 8 couilles. Bon, les 1500 €, on y revient dans un instant, vous bougez pas, les gars. Ouais. Le temps de gérer les familles du double appel, c'est parti. C'est vous qui m'avez appelé, non? Et vous-même, c'est vous qui me téléphonez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Mais il va falloir que tu t'encules tout de suite, hein. Mais bien sûr. Obsédé. Le double appel de Default sur Skyrock. J'ai une bonne bite là. Ta gueule. Obsédé. Ah bah ça fait une bite de plus, oui. Marie. Ça fait la bite de Patrick en plus. Ah oh, putain. Ah et puis elle doit être belle. Bon alors Patrick est prêt pour parler aux familles si on a besoin. Salut les filles. Oh mais j'entends Cédric qui est prêt aussi. Mais oui il est prêt et il est heureux avant de se faire opérer. Bah je vais te brûler. Absolument, oui. Ça fait un bon duo là tous les deux, dis donc. Ah ouais, hein. Ouais, c'est beau, hein. Bon alors Patrick et Cédric sont là au cas où et bah, nous on prend, sûr, oui. Bien sûr, on prend des numéros de téléphone que vous nous avez laissés d'ailleurs. J'avais pas demandé aujourd'hui, ouais. Tiens. Je voyais ça défilait pas, mais c'est vrai que j'en avais pas parlé. Donc laissez-nous un numéro de téléphone de personnes que vous voulez qu'on appelle. C'est possible, on les met en contact le soir sur Skyrock dans la radio libre et c'est ce qui est en train de se passer. On appelle deux familles et on écoute deux numéros que vous nous aviez laissés la semaine dernière. Ok. Ok Patrick, c'est parti. Et on met qui en contact, voilà. Ce soir, on a même, on appelle trois même en même temps. Michael. Il y en a un là. Hein? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, comment vas-tu? Comment vas-tu? Non, d'abord, je voudrais savoir à qui je parle en fait. Bah, devine. Devine? Bah, devine. Moi, je suis Patrick, hein. C'est Patrick. Bah alors. Patrick. Absolument. Eh ben oui. Ah ben il est parti. Et les autres sont partis. Ils sont partis tous les deux en même temps. Bon, désolé Patrick. C'est pour un coup d'essai, ce n'est pas un coup de maître. Mais on ne lâche jamais l'affaire. Jamais. C'est parti. On va où là, Samy? Là, on va chez des voisins, dans une rue. Bon, je vais pas dire l'adresse, mais on va pas dire les prénoms. Il y a plusieurs numéros. Ah, donc on appelle plusieurs. Allô. Allô. Oui. Bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, vous êtes? Oh, bah, c'est pas moi qui appelle. C'est ce bazar. Bah, comme marque privée, je sais pas du tout ce que c'est. Mmh. Bah, alors, il marche pas. Allô? Allô? Allô? Oui, j'écoute. Allô? Bah, c'est moi qui écoute. Mais il y a personne au bout, alors. Allô? Bah, je comprends pas, là. Vous appelez ben, qui? Non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, on est plusieurs sur les lignes. Ah bon? Mais écoutez, oui, parce que. J'ai notre dame, j'ai vous. Allez, non, bah alors. Vous appelez quel numéro? Moi, non, on m'appelle, moi. Ah bon, d'accord, bah moi aussi. Alors. Je comprends plus, là. Bon, bah écoutez, on va raccrocher, on verra bien, hein. Oui, allez. À vous aussi, monsieur, au revoir. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Bah, écoutez, c'est vous qui avez appelé? Absolument, oui. Moi, on m'a décroché aussi. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte, là? Mais non, attendez, je comprends pas ce que vous voulez, là. Expliquez-moi. Moi, j'ai eu un monsieur qui vient de raccrocher, qui m'a dit... Allô? Je suis sur... Allô? Allô? Allô? Oui? Mais c'est pas possible, ça fait trois fois. Oh là là. Ben bah non, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y en a marre, hein. Allô? Oui, qu'est-ce que c'est ça? On m'appelle, et une dame, ça fait trois fois qu'elle m'appelle. C'est qui a l'appareil, là? Patrick. Patrick, ben oui, mais moi je suis Serge. Voilà. Et puis il y a une dame qui m'appelle. Ben, y a un mélange de fils. Oui. Oui. Comment? J'écoute. Oui. Vous m'appelez, donc j'écoute. Ah bon? Ah bah non. Bah oui, mais... Ah bon, si, la preuve. Ah. Et c'est un appel masqué en plus. Oula. À qui ai-je affaire? Patrick. Oui, d'accord, mais Patrick comment? Et je voulais entrer dans le Guinness Book des records. Ah merde. Qu'est-ce qu'il raconte là? Je comprends rien à vous, ce que vous me dites, hein, monsieur. Le caca, c'est bon. Ah. Oui, d'accord. Bon, c'est toi qui payes, hein. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon gars. Hein. Tu payes, donc moi, je m'en branle de ce que tu me dis. Je me fais baiser. Bah, bien sûr. Ah, en plus, on appelle masqué, c'est toi la gonzesse. C'est toi la gonzesse. T'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles, mon gars. Mais enfin, ça, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Tu veux te faire sodomiser, là? Non, c'est toi qui vas te faire sodomiser. Moi, ça fait longtemps que c'est fait, t'inquiète pas. Moi, je suis décaloté complètement. Oh, bah alors c'est bien. Bah, je te remercie de ton appel, hein. Salut. C'est excellent, là. Ah bah oui. Ah Patrick, excellent. C'était comment Patrick? Il a tapé la discute. Eh, vous savez qu'on en a appelé combien? 6 Samy? Ouais, 7 même. 7. Ouais, parce qu'il y en a qui répondaient pas, après j'en ai balancé d'autres, machin. Voilà, on en a appelé 7. Je remercie la dame avec la très belle voix du début. Je remercie la deuxième dame qui parlait comme ça et lui qui était pas mal non plus. Ouais, qui parle avec Patrick, tranquille. Et avec Cédric. Eh ouais. Vous avez entendu. Bravo Cédric, hein. Je me suis trompé sur un bouton à un moment, j'ai envoyé n'importe quoi, l'autre il a répondu quand même. Mais c'est pas mal, hein. Merci Cédric. Salut les filles. Salut Cédric et merci pour ta participation. Et bonne chance pour demain à l'anesthésie. Ouais, bonne chance aux médecins, oui, surtout. C'est ce que je disais, Romano. Et aux infirmières. Et surtout les infirmières, on pense aux infirmières très très fort. Bon, bah super, double appel. Si on a le temps, eh bien, on en refera un autre d'ici minuit, là. Vous nous laissez les numéros, d'ailleurs, que vous voulez qu'on appelle pour les doubles appels. Tiens, il y a QLF de PNL, il y a Léo, entre autres, qui laisse des numéros, on les récupère, les gars. Ah oui, vu. Merci pour les messages. Eh bah, c'est super. On les perd pas, les numéros, hein, vous savez. On a pris les numéros de la semaine dernière, par exemple. Oui, on a du stock. Voilà, on a du stock pour les doubles appels et pour nos familles qui sont là tous les soirs et qui prennent la parole sur Skyrock quand on vous dit que Skyrock, c'est la seule radio libre. Vous avez vu, hein, on les met en contact et on se tait, on les laisse faire. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils font le spectacle. On laisse s'exprimer Patrick qui a trouvé ça super. Absolument. Ah ouais, c'est génial. Eh ouais. Ben, moi, je suis Patrick. Hein. Je sais que tu es Patrick. Eh oui. Eh ben, je sais. C'est que Marie t'aime très, très, très fort. Hein. Là, j'ai eu ma copine qui m'a fait une petite pipe dans la voiture. Ma Marie, elle fait aussi, là. Ouais. T'as un dernier petit message pour Marie, Patrick. Hein. Et je peux te dire que je vais te baiser. Ah bah écoute, Marie, c'est bien comme il faut, Marie. C'est bien, ouais. T'as raison. Tu veux te faire sodomiser, là? Bah j'imagine que oui, Marie. Bah, ouais, hein, bien sûr. Ça, tu me feras une pipe au champagne. Bah une pipe au champagne. Allez, hein. Il y croit. Tiens, il y a Guy le Bourguignon, Marie, qui veut dire un truc. Ah. Je lècherai de la chatte. Oh, putain. Faut qu'on le mette dans les doubles appels, faut que tu l'utilises, Romano. J'ai la main sur ma queue. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Il y a Julien aussi. Tu la prends bien. Ah, bah oui. Tu la prends bien, là. Ah bah complètement. Bon allez, pour les vengeances, on a les témoignages qui arrivent. On aura Hakim de Snap là qui s'est branché sur Snap. C'est connecté sur Snap, sur le Skyrock FM. Snapchat. On va le retrouver Snapchat. Avec nous. Et puis tiens, on parlait d'argent. Alors je vous rappelle le hashtag du soir, le hashtag le plus long de l'histoire de la radio. Si je gagne les 1 500 € sur Skyrock, eh bien vous complétez et vous allez pouvoir nous dire dans un instant. Mais d'abord, on a avec nous Momo de Bondy. Salut Momo. Ouais Momo. Salut l'équipe. Ouais, salut l'équipe et je dirais même plus. Salut les filles. Salut les filles. Alors 1 500 €, ça te ferait plaisir de les gagner j'imagine à Momo. Ah bah c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Bah moi aussi ça me ferait plaisir de gagner 1 500 €. C'est pour ça que je me réveille tous les matins et que j'écoute tout le morning de 6h à 9h pour ne rien louper. Alors qu'est-ce que tu ferais? Tu de les offrir? Oui, bah tous les matins, oui, ça c'est sûr. Ah ouais, demain matin. Si on t'appelle demain matin, Momo à Bondy, t'entends. Bon, on appelle où? Dans le 93, ok. À Bondy, ok. Chez un garçon qui a un prénom qui commence par un M. Tu te dis, oh là là, putain, ça s'approche. Ah, c'est bon ça. Et nous appelons tout de suite. Mokhtar. Oh là, t'es dégoûté. Dégoûté. Bon, tu ferais quoi avec tes 1 500 €, toi, Mohamed? Alors, déjà, j'habite Marie. T'invites Marie, ah d'accord. Ouais. Marie, ouais. Pourquoi ça ferait plaisir? Non, sérieux, déjà, je vais parler à la voix de charme. Ouais, bah oui, mais ça serait pour une fois. Oui. Non, déjà, je réparerai la voix de charme, mon père, comme je disais tout à l'heure. Ah, pourquoi tu l'as pété? Non, c'est lui de la péter, mais je kifferai ma voiture, quoi, tu vois, et... Ah ouais, donc comme ça, il fait chier. Genre, ça te casse les couilles, donc comme ça, tu lui répares la sienne. Ouais. Donc, tu payes la voiture à ton père. Ça t'évitera de te taper les transports, en gros. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, bonne idée. On a Quentin aussi au téléphone avec nous, en direct, du 46, 18 ans. Salut, Quentin. Ouais. Alors, t'as entendu Momo, lui répare la voiture de son daron avec les 1 500 €. Tu ferais quoi, toi, avec les 1 500 €? Ben, moi... J'irai au stade Vélodrome. Ouais, beau gosse, ça c'est bien ça. Ouais. Jamais tu vas gagner, gros. Ouais, mais bon, c'est que pour aller au Vélodrome, ça sert à quoi? Ouais, mais c'est le supporter de l'OM qui n'est jamais allé. Au Vélodrome, il y a un match de rugby ce week-end. C'est vrai, par exemple. C'est tout le monde Montpellier. Non, là d'accord, je veux bien. Toi, t'irais voir l'OM? Pas ce week-end, mais un autre jour. Donc, tu t'achèteras un abonnement à l'OM à la limite. Ouais, cool, t'as tout. Ouais, voilà, ouais. Et c'est tout? Des maillots de l'OM. Ah, c'est pété. Que l'OM, toi? Mais c'est bien, les supporters de l'OM, là. Ah, une couette de l'OM. Ouais, la couette. De l'OM, jamais un à la maison. Et Martin, voilà. Après la Play 4. Ouais, on l'a fait et matin. Après, il n'y a plus de sous là, je pense. Ah, là, au bout d'un moment. Ça coûte combien l'abonnement de l'OM? Si tu prends un virage, 160. Ah, si, ça va. Ah, c'est pas trop cher. Plus la console, 300 €, 160. Si, il te reste encore. Ça va, il te reste de quoi faire. Il te reste 500 €. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec les 500 € qui restent? Ah, j'ai donné à Romano. Je l'ai donné à ma mère. Ah non, ah, non presque. Et but de Séville. Et but de Séville face à Lyon. Ah là là, ouais. Pas bon ça. Ouais. But de Ben Yedder, l'ancien Toulousain. En plus. Ah ouais, il est à Séville maintenant. Ouais. Et il est à Séville aussi. Ouais. Et donc 1-0 pour les Espagnols de Séville. C'est égal. Contre les Lyonnais, toujours 0-0 entre Monaco et Leverkusen. Les deux matchs qu'on suit, plus la Juve, plus le Real. On vous donnera tous les résultats tout à l'heure. Et tout, et tout. Donc écoute, donc toi c'est 100% OM, 100% football. Ah ben oui, oui. Ah ouais. Ben oui, oui. On a bien pigé. Ah oui, oui. Il y a Alvin, 26 ans, qui est à Montbéliard. On va voir ce qu'il ferait lui avec les 1500 euros. Ça te fait rêver d'entendre tout ça, Romano, c'est excite. Hein. Ouais, bah je préfère les avoir moi. Hein. Ouais. Bah, joue. Bah j'arrête pas. Ouais, c'est marrant, t'as pas tiré au sort encore toi. Ah, c'est bizarre. C'est ouf ça. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui fait obstacle. Mais bon, écoute. Alvin, donc toi, qu'est-ce que tu ferais avec tes 1500 euros? Va s'acheter des maillots de Sochaux, je crois. Alvin s'achètera un nouveau téléphone, peut-être, pour pouvoir déjà, nous parler. Ça serait pas mal, ouais. Ça serait peut-être pas mal. Mais ça, sur les réseaux, là, il y en a plein qui mettent ça, l'iPhone téléphone. 7. Ah ouais. J'ai vu. Mais ça aussi, vous le gagnez le matin, hein. C'est comme la console, hein. Vous les gagnez le matin dans le morning. Sofiane, en direct du 62. Salut, Soso. Salut, tout le monde. Salut à toi, Sofiane. T'as 14 ans, toi, Sofiane, c'est ça, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu t'achèterais, toi, avec les 1500 E? Moi, déjà, je me prendrais un téléphone. Tu te prendrais un téléphone. Tu vois, encore, ouais. Romano t'en parlait du téléphone. Et ben voilà, et hop, un téléphone. Et hop là. Tu prendrais quoi comme téléphone? Le S7 Edge. Le S7, le Galaxy S7 Edge. Ouais. Pourquoi tu prendrais le S7 Edge et pas l'iPhone 7, par exemple? Bah, je sais pas. Parce que t'es plus Samsung qu'Apple. Samsung, ouais. Non, mais le S7, c'est pas celui qui est interdit dans les avions, je sais pas quoi, qui a eu un problème là? Non, c'est un Note. Ah ouais, t'as raison. C'est le Galaxy Note qui explose. Je crois que c'est le Galaxy Note 7. Ouais, non, c'est ça. Note 7. Ouais. Il explose le machin. Tu l'as dans la poche. Ils ont fait un rappel de produit d'ailleurs. Bah, l'autre fois, j'ai pris l'avion, gros, et ils passent un message au début. Ils disent tous les utilisateurs de ce téléphone. Tu le mets dans la poche, faut arriver à le mettre dans la poche quand même. Ils disent interdiction de l'allumer, interdiction de le charger pendant le vol. Sinon, il t'explose à la gueule. Ouais, en fait, les batteries au lithium, elles ont un problème. Ouais, c'est un problème, ouais. D'ailleurs, la remise en vente est repoussée. 3 jours. Ah merde. Ouais, parce qu'ils ont une galère. Ouais. Ça galère au niveau. Ça galère chez Samsung. Donc, si tu veux le Galaxy Note, fais attention. Donc, toi, tu te fais un petit téléphone. Ouais. C'est bien, mais t'as raison, un petit téléphone. Pourquoi pas, Soso. Hein. Alvin, on l'a retrouvé, Alvin. Ah, Alvin, tu ferais quoi avec tes 1500 euros, toi? J'achèterais un billet d'avion. Et t'irais où? La Réunion. Très bien. Pourquoi, t'es originaire de La Réunion ou t'adores ce pays? Ça fait 10 ans que je suis pas allé, donc je suis originaire de là-bas. Eh ben, faut s'inscrire. Inscrivez-vous, les gars. Je dis ça à Momo, à vous tous, et aussi qui écoutez. Hein. C'est combien les billets d'avion pour aller là-bas? À Sofiane, à Alvin. Combien ça coûte? Les retours, au moins 1000 euros. Ah ouais, quand même. Ah, 500, ben, il te reste 500 euros pour faire ce que tu veux avec. C'est pas donné, c'est une petite loque. Ouais. Et surtout, déjà, avec les 1500 euros, je pense que je rembourserai tous mes forfaits que j'ai fait à force d'envoyer des messages. Et tu sais qu'il y en a qui payent leurs dettes, j'ai eu des messages, ça paye les dettes. C'est vrai, c'est bien pratique. Ce que j'ai fait pour essayer de les gagner, les 1500 euros, mais déjà, je rembourserai mon forfait. Bon, bah écoute, c'est déjà ça. Et on salue d'ailleurs tous ceux qui rembourseraient ce qu'ils doivent à des potes. Je dois 500 euros de bœuf. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois 500 euros de bœuf à un copain. Bon, ben ça voilà. Fait cher. Oui, ben t'as raison, faut le rembourser au bout d'un moment. Hein. Donc inscrivez-vous au 720, vous envoyez 1500 au 720 si vous voulez augmenter vos chances de gagner demain matin. Peut-être que demain matin on vous appellera, vous inscrivez maintenant, on vous appelle demain. Ouais. 1500 au 720. Bon, ben merci Alvin, on croise les doigts pour tes 1500 euros. Même chose pour Momo. Jour, Momo de Bondy. Bon, merci. J'espère qu'on t'appellera, peut-être demain matin tu seras en direct avec nous, Momo. Quentin, même chose aussi pour toi. Et ouais, on appelle toutes les demi-heures et on peut peut-être vous appeler. Ouais, on sait jamais, hein. Même les quatre là. Ouais. Bon, on vous embrasse, Alvin, Sofiane, Quentin, Momo, et on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. C'est parti. Qui c'est qui veut faire une dédicace? Moi. C'est qui moi? Momo. Vas-y, Momo. Ouais, j'ai une dédicace à tout Auchan d'Aéroville. Salut Auchan. À toute mon équipe. Oui. À tout Bondy, à tout Villepinte. Et Villepinte de bière. Ouais, c'est ça, Marie, ouais. Oui, c'est ça. Une ville panne de bière. Voilà. Et il y en a un autre qui voulait faire une dédicace, j'ai entendu, c'est qui? Moi, Quentin. Vas-y, Quentin. Moi, dédicace à tous les Marseillais. Ouais, et à Samy. Yes, mon pote. C'est le fan de l'OM. À Samy aussi. Ouais, mon gros, c'est t'inquiète. Pour toi. Et dans un instant, tiens, on va mater les messages que vous avez laissés pour les 1500 euros, là, parce que vous êtes plein et on l'a pas lu. On y revient tout de suite. Un petit message à la technique, a priori, nous sommes en panne à Bastia. Oh là là, il faudrait pas aller à Corse, là. Attention, l'île de beauté, elle a besoin de Skyrock, l'île de beauté. Ah, vive la Corse, et vive la Corse. Merci pour le message, là. Salut les gars, raccrochez pas, on vous envoie le t-shirt Skyrock en attendant les 1500 euros à la maison. Et dans un instant, on va parler vengeance avec vos témoignages. Vous êtes déjà vengé d'un pote, d'une copine, de quelqu'un d'autre, d'un collègue de travail, au bahut ou au boulot. C'était le sujet de la compile du morning ce matin. Ouais. À 9h-5, 9h-10 tous les matins. Et bien, vous allez pouvoir témoigner en direct. On aura Hakim qui arrive avec nous. T'es là déjà, Hakim?

been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. C'est reparti avec bah, toute l'équipe qui est là, attention. Rock, Romano. Mais vous êtes qui, monsieur? Mais je ne suis pas monsieur, je ne suis pas Mella. Oh, ça suffit. T'as la même voix que moi alors que moi je suis un mec. Diffoul. Vous êtes vraiment des branquignols, sérieux. Branquignols, j'ai bien noté le mot que je n'avais pas entendu depuis avant l'an 2000. Cédric. Ah bah nickel. Ah bah génial. Ah bah c'est Michel au téléphone. Ouais. Ah bah tout de suite. Ah bah génial. Marie. Bah ouais, les deux. Non, sucer en branlant. Ouais, je peux faire les deux en même temps, ouais. Samy. Bonjour Samy d'abord. Ouais, bonsoir tout le monde. Et Karim. Est-ce que des fois tu t'arrêtes et tu prends des prostituées? Diffoul Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh ouais, notre radio libre, votre radio libre. Eh ouais. La nôtre à tous, en direct sur Skyrock jusqu'à minuit. On va jouer encore ce soir, on a déjà offert FIFA 17. Et bien, on refrira encore FIFA 17 avant minuit. Avant minuit avec un bug de Romano à traduire. Ouais. Au moins un, parce qu'on a le temps d'en faire deux. Donc vous aurez au moins un jeu à gagner et peut-être deux à choper ce soir. On jouera pour FIFA 17, le jeu qui sort cette semaine. T'as fait un conseil pas cher d'ailleurs avec FIFA 17, Romano, ce matin. Ouais, c'est ça, parce que Electronic Arts, ils sont pas contents quand les magasins ils vendent avant la date prévue. Ah, ouais. Electronic Arts, c'est eux qui publient le jeu. Et donc l'année dernière, il y a des magasins qui sont pris 8000 euros d'amende. Ah ouais. Et c'est bien. Avocat. Cher. Ah c'est bien cher. Ouais. C'est bien cher. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des magasins, même des grandes surfaces, qui le sortent avant et tout. Mais a priori, il est déjà en vente. Hein, dans plein d'endroits. Ouais, il est déjà en vente. Ouais. Alors, normalement, c'est interdit. On fait un point sur le foot. 1-0 pour Séville face à Lyon. Yes. C'est la Champions League. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Et 0-0. Ah, ça a marqué, non? Non. Non, ça n'a pas marqué. 0-0 entre Monaco et Leverkusen, c'est ça? Ouais. Bon, on suit les autres matchs. Le Real. Un partout. Toujours un partout. Et la Juve mène toujours 2-0. Non, 3-0. 3-0, là. 3-0, ouais. Oh, Dybala, Higuain et Pjanic. Très bien. Et toujours un partout entre Dortmund, l'équipe d'Aubameyang, et le Real, l'équipe de Cristiano Ronaldo. C'est ça, man. Donc Cristiano qui se serait soi-disant embrouillé avec Zidane. Ouais, apparemment il l'aurait insulté. Mais bon, ça a été vite démenti et même ils ont l'air de bien s'entendre, donc je pense pas. Et peut-être un but pour Séville, excuse-moi. Attention, non. Bel arrêt du goal portugais de. Bah, il est pas Lopez. Portugais, mais bon. Lopez, si. Elle est aussi l'équipe du Portugal, bien sûr, d'Europe. Ah, il est de l'équipe de Portugal. Le remplaçant. Lopez. Bon, alors pour le foot, on a ça à suivre d'ici minuit, on vous tiendra au courant. Pour le son, Ghetto Phénomène et Jul a retrouvé le week-end, le son de The Weeknd avec Daft Punk aussi, tout ça avant 11h. Après, on se mettra du Alonso, du Drake, mais bon, on a le temps. Et évidemment, à n'importe quel moment, vous pouvez débarquer ici si vous avez un truc à nous dire, une question à poser. N'hésitez pas. Mais on n'hésite pas. Ah putain, faut arrêter de fumer parfois, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Ça m'a étouffé son truc, Romano, là. Non mais j'ai rien fait. Non mais tu m'as étouffé vraiment. Genre tu le forces. Arrête de fumer, arrête de me donner des cigarettes à fumer, c'est désagréable. Je me demande si je vais pas vous quitter quelques minutes, moi. Tu vas aller chier. Je me demande si j'ai pas la diarrhée. Pourquoi t'as la diarrhée? Je sais pas. Tu remplaces Cédric. Je sens mon ventre qui fait des trucs chelous et je me demande si je vais pas avoir une dérapette. Ton ventre il fait des gargouilles. Ouais, j'ai un peu mal j'ai mal au bide là, mais je sens que ça va être chiasseux là. T'as mangé quoi? J'ai mangé une crêpe. Comment ça s'appelle, non? Une bonne petite crêpe comme la dernière fois au Nutella. Un petit salé aux lentilles. Ah, eh ben écoute, un petit salé aux lentilles avarié, c'était bien. Non, il était pas avarié, c'est Cariole qui l'a fait avec amour. Bon, elle t'en veut, je crois. Ou alors elle m'a mis un truc dedans. Ouais, je pense qu'elle t'en veut. Elle fait les vengeances, vous savez. Ouais, c'était ça, comme ceux qui laxatif. Ouais. Voilà, ceux qui avaient mis du laxatif dans les. Dans le café des collègues, par exemple, on en parlait tout à l'heure. On va parler des vengeances, justement. Tiens, on a Hakim avec nous. Et juste après, on lira les messages pour ce que vous feriez avec les 1500 euros. Ah, il y en a plein, ouais. Parce que c'est beau de voir, de rêver parfois un peu. Hein. Regardez, si je gagne les 1500 euros, nous dit Ophélie, 22 ans, je fais plaisir à mon fils et à mon homme. Toi, t'es bien, toi. Waouh, super. Moi, j'achète un cadeau à ma mère. C'est pas beau, ça. Le message de Dadar sur SMS. Salut, Dadar. Et Dadar qui a 14 ans, cadeau à sa mère. Moi, je m'achète une voiture, carrément. Tunes. Du 62, petite voiture. Amine, il veut payer son mariage. Moi, je m'achète directement un téléphone. Sofiane, allez hop, un autre téléphone. Il y a Maud, elle change son lit, tout destroy, ainsi que son canapé. Alors, je compte sur vous pour se réveiller avec vous. C'est top, mais après une bonne nuit dans un bon lit, ça doit être encore mieux. J'espère qu'on pourra te payer ton beau lit bientôt. J'espère qu'on vous appellera, répondez Sky. Avec 1500 euros, je passerai mon permis pour Bimbin. Ah, bonne idée ça. Ouais, bonne idée. Ouais. J'achète une voiture pour Nathan du 59. Allez hop, une autre voiture. Il y a Sab, elle s'achète un chien, un chouchou. Un chouchou. Un chouchou. Un chouchou. La famille bleue. Il y a Kylian. Ouais, ils ont la langue bleue, les chouchous. Ouais. C'est méchant, ça. Ouais, ça, ça mord. Ah ouais? Ouais, ah, c'est, un peu, c'est agressif. Il y a Kylian, 15 ans, qui dit, moi, je paye les profs pour avoir que des 20 parce que je commence qu'avec des zéros, ça te changera un peu, t'as raison, ouais. J'achète une caisse, encore une caisse, t'as vu ça? Moi, j'amène la famille au sport d'hiver. Super. Ah bah, Laura, elle, c'est un voyage en famille à 4 au soleil pour Noël. Ouais. Vous avez des idées cheloues, regardez, j'achète une tondeuse, nous dit l'inconnu. Bah, et si c'est à cheveux? Ah, gazon. Ah, moi j'avais pensé à gazon, mais ça peut être une tondeuse à cheveux, ouais. Ah, bonjour à agent de sécu qui nous envoie une photo. Salut agent de sécu. T'as un beau costume, dis-donc, hein. Beau gosse. Qu'est-ce que tu ferais avec tes 1500 euros, toi? J'offre un voyage à l'amour de ma vie en Thaïlande. Beau gosse. Il y a Mickaël, lui s'achète un babyfoot. Ouais, moi je m'achète directement la PS4 Slim. Bah gagne-la le matin, ça coûte moins cher. Le matin tu gagnes la PS4 Slim et on t'appelle pour les 1500 euros. Après t'en fais ce que tu veux. Ce que tu veux. J'irai à Disneyland pour Lolo. Ouais, bah tu peux te faire un bon week-end à Disney. Ouais. Hein, elle prend un iMac. Ouais, l'iMac. Ah bah l'iMac, il fera pas grand-chose après. Hein. Ouais. Mais bon, tu peux t'acheter un bel iMac, c'est vrai, c'est pas mal. Super cadeau à mon chéri, Jordan, pour chat du 86, 20 ans. Salut chat. On te fait un gros bisou, chat. J'achète la chambre de mon futur, de mes futurs enfants. Druide. Bah fais d'abord les gosses, après t'achèteras une chambre. Il y a sa limette. Elle dévalise Sephora. Ah, putain, pour 1500 balles, c'est que tu pues. Hein, ouais. Que... Je paye une opération. C'est vrai. J'ai 1500 balles de parfum, putain. J'achète. Des cheveux à Romano. Ah, bah ça, c'est sympa. C'est revenu souvent. Je suis pas sûr que ça suffise, 1500 balles. No pain, no gain, 19 ans, qui paierait une opération chirurgicale au visage de Cédric. Ça ne suffira pas. Hashtag 1500 euros, il dit. Eh bien, écoute, c'est bien noté. Bon, éclatez-vous bien avec les 1500 euros. Puis il y a tous les messages sur Twitter. Permis de conduire pour Enzo. Voyage au Québec pour Alice. Penalty pour Séville. Demande en mariage. Ah là là, pas bon pour les Lyonnais. Yes. Demande en mariage pour Colmy. Il y a hipster, lui, c'est un tatouage. Il bricole. C'est Harley Davidson. T'as un fan de Romano, il s'appelle Julien. Je donne tout à Romano. Si je gagne, hashtag si je gagne les 1500 euros sur Skyrock, je. Bah vas-y, mets-le de côté, on sait jamais. On peut peut-être taper demain matin, toi. Tu l'aimes bien, ce Julien. Ouais, hein. Il est bien, ouais. J'invite toute l'équipe de la radio libre aux États-Unis pour Mathieu. Loupé, ah, c'est bien, ouais. Au-dessus. Bonne nouvelle pour les Lyonnais, c'est bien. Ça. Donc toujours 1-0 pour Séville face à Lyon. J'achète l'iPhone 7. Bon, écoutez, profitez-en et puis inscrivez-vous. Hein, 7-20-20, vous envoyez 1500. Et demain, on vous appellera peut-être pour le morning. On va revenir aux vengeances là tout de suite. C'est l'heure des vengeances. Vous vous êtes déjà vengé. Vous avez fait quoi pour vous venger? On parle pas de vengeance d'amour aujourd'hui. Hein. On parle des vengeances au boulot ou au bahut. Vous aviez un gros lourd au bahut qui vous cassait les couilles, vous êtes vengé. Vous lui avez fait la misère. Vous aviez une copine que vous aimiez pas au bahut, vous vous êtes vengé. Vous nous dites au boulot, même chose. Allez-y. Et on a Hakim au téléphone avec nous. Hakim en direct de Reims. Bonjour Hakim. Ouais, bonjour l'équipe de Sky. Salut Hakim. Salut Hakim. T'as 23 ans. Tu fais quoi dans la vie, toi, Hakim? Moi, je suis animateur en maison de quartier. D'accord, nous aussi. Bon, nous, c'est un grand quartier, c'est la France, mais animateur pareil. Bon, ça se passe bien? Ouais, ça va, tranquillement. Hein. Bon, alors avant de nous parler de vengeance, tu t'es vengé d'un collègue, tu t'es vengé de qui, toi? Moi, je me suis vengé d'un collègue à l'école, au lycée, c'était au lycée. Au bahut, très bien. Et avant de parler de vengeance, tu ferais quoi si tu gagnais 6, par exemple? Je t'appelle, je te demande, bonjour Hakim, on est en direct à la radio, on t'appelle c'est pour... Skyrock. Eh ben, c'est gagné. Bien joué. Eh ben voilà, c'est gagné, 1500 euros. Donc si tu gagnais 1500 euros... Quoi, c'est gagné pour de faux, là. Ouais. Oui, c'est pour de faux. Ouais, ouais, là, bon, précise. C'était une démo, hein. C'était un... J'irai au Japon. T'irai au Japon, toi, petit voyage aussi. Il y a eu plein de voyages hein, que vous nous avez laissés. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'équipe, vous avez pas dit ce que vous feriez avec 1500 euros. Moi, je me tiens. Bon, Romano, je refuse que tu les mettes à la banque. Ah, ouais. On sait jamais en cas de. T'es obligé de les claquer. En cas de crac-crac boursier, de crac-crac boursier. Tu risques de tout perdre, donc je te conseille de les dépenser. T'es obligé de les dépenser, tu fais quoi? Putain, j'en sais rien, moi. Bah, si t'as rien à acheter. Attends. Bah, non, j'ai rien à acheter. T'as envie d'aller en vacances? Je sais pas, un cadeau à un de tes amis, par exemple. Ouais, non, mais non. T'as des amis gentils, hein, tu sais, ils sont gentils. Bah ouais. Bah, déjà qu'eux m'offrent des cadeaux et puis après je leur rendrai l'appareil. On verra. Ouais, mais ils ont pas gagné 1500 euros encore. Ouais, non, mais moi, non, mais j'ai besoin de rien. Et bah fou, il est pas bien. C'est mal. Ouais, c'est la dépense. C'est pas la question d'être blindé ou quoi que ce soit, c'est que franchement, moi je vis avec rien, moi. Et non, mais bah ouais, il vit avec l'argent des autres, donc avec rien. T'as 1500 euros, tu peux faire plaisir à ta meuf par exemple. Vous faites un week-end ou un bon resto, après tu vois, tu l'as. T'as rien d'autre? Bah des vacances. Non, mais je lui fais plaisir, ça va, j'ai payé les vacances. Bah achète-toi une barque, tu vas passer le permis bateau. Achète-toi une barque. Ah, 500 balles, elle va couler. Ouais, du bois quoi, achète du bois. C'est, ouais, un bateau pneumatique quoi. Un paddle pneumatique. Avec des rames. Wow. Tu prends des bouées au cas où tu coules. Ah ouais, non, bah c'est clair, gilet de sauvetage et tout. Bon, Marie, tu ferais quoi avec 1500 euros? Je me tire aux Antilles. Je me fais tirer par des Antillais. Ah ouais. Gang voilà ce que j'ai choisi. Voilà. Ouais, exactement. Donc tu files aux Antilles. Ouais. Voyage. Ouais. Karim, tu ferais quoi avec tes 1500 euros? Moi, je m'achèterais que des Jordan, man. Ouais, ça c'est pas mal. 1500 balles de Jordan. Ouais, mais de toute façon, à 1500 balles. Mais parce qu'il pue énormément des pieds, donc il faut changer. Faut que change tous les jours, faut changer. Deux, trois fois par jour. Quand il en met une, après, elle pue des pieds. Direct, ouais. Ah ouais, ça c'est clair. 5000 pattes. Pas mal aussi. Et Samy, tu ferais quoi? Moi, je vous ai dit voyage Canada, États-Unis. Ah oui, tu nous as dit Canada, États-Unis. Et entre temps, il y a Eden qui est très content. Moi, j'ai touché 229 000 euros d'assurance vie de ma grand-mère. Ah oui, d'accord. Vive la mamie, hein. Ah oui. Bah, oui, bah ça veut dire qu'elle est Ah oui, elle est quick. Ah bah ouais, c'est une piste la mamie, désolé. Il a l'air d'être content. Oui, c'est vrai, j'ai pas l'air de le c'est cool les gars, allez. Attends, 220 000 balles. Bon, alors ouais, bah rêvons un peu, 1500 euros. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Et oui, ça peut vous arriver, regardez, ce matin, c'est tombé encore deux fois ce matin. Hein. Et toi, tu fais quoi, Diffoul? Parce que... Alors, moi, ouais, 1500 euros, tu donnes à une association, c'est ça? Je donne à une association, oui. Une association pour les enfants. Ouais, bah, justement, j'en ai monté une. Les enfants de Romano, ouais, c'est ça. Association à but non caritatif, c'est juste sûr, tout bah, pour oui. ma gueule. Racho ouais. 80 Romano, tu pourras commencer par rembourser. Ah ouais, non, je lis pas ce message. Pourquoi? Bah non, mais il parle encore des 20 balles de Diffoul. C'est bon. Alors, faut passer à autre chose. Tu pourras commencer à rembourser les 20 balles de Diffoul. Vous radotez. Non, mais c'est bon, tu m'en as fait cadeau, donc on va pas. J'ai fait, cadeau, avec les de intérêts. J'ai fait cadeau de rien du tout. On va pas épiloguer. Hein. Bah ouais, ouais. Bon, allez, moi je fais plaisir à ma mère. Voilà, vous voulez savoir ce que je fais? J'offre un cadeau à ma mère. C'est bien. Ah, oh, c'est beau. Et à une association aussi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Hakim, alors on revient aux vengeances là, ouais. Parce que ce matin on parlait des vengeances dans la compile du morning. Et donc il y avait des lycéens qui avaient foutu le feu à la maison de leur proviseur parce qu'ils les avaient foutus dehors. Faut pas faire, hein. Non. Il y avait l'ex-boucher d'Intermarché à Chartres qui avait été condamné parce qu'il avait rendu tous les collègues malades en servant un gâteau au cannabis parce qu'il y a une de ses collègues qui l'avait conduit. Il voulait la serrer. Elle l'avait recalé. Il s'est vengé. Il a pas aimé. Ils sont tous tombés malades, ils sont tous retrouvés à l'hôpital. Et il y avait également les keufs de Belgique avec le policier soupçonné, que soupçonné, puisqu'il a été accusé d'avoir mis du laxatif dans le café de sa collègue pendant 2 ans. Voilà, pas mal. Une chiasse carabinée pendant 2 ans. Donc, j'ai fait une enquête, hein, que ça m'a mis 2 ans, hein. Ouais, que c'est assez long, hein. Alors, toi, c'était au bahut, Hakim. Qu'est-ce que t'as fait? C'était avec qui d'abord? J'étais avec un mec de ma classe, en fait, il m'appelait Bûcheron. Parce que moi, je suis imposant. Ah, parce que t'es baraque. Ouais, voilà, et à chaque fois, ça va aller dessus, bûcheron. Et donc, à la base, on s'est battu sur ça. Et vu que c'est moi qui ai mis le premier coup, c'est moi qui ai tout eu en tort, donc j'ai été viré. Et à cause de lui. Ouais, voilà, j'étais viré à cause de lui. Après, j'avais une mauvaise image des profs, et à chaque fois, voilà. Et donc, un jour, j'ai appris, il avait 17 ans. Ouais. J'ai appris, il sortait avec une fille de 13 ans. J'avais vu les conversations. Ah, j'imagine qu'il a dû se faire traquer, lui, un peu. Il y a eu un nouveau surnom. Oui, salut Pido. Oui, en fait, moi, j'ai pris les conversations en photo, je les ai imprimées. Et en fait, devant chaque porte de chaque classe, il y a un petit tableau et j'ai mis toutes les conversations, je les ai affichées sur toutes les classes. Ah, c'est et pas donc, mal, ça, comme vengeance. Ouais, c'est pas mal, ça, ouais. Et donc, ça fait que, il était affiché dans le bahut, on l'a appelé pointeur, tout le monde le frappait. Il y avait quoi dans les conversations? Il écrivait quoi? Oui, c'est bonjour, petite. Ouais, j'ai envie de toi, viens qu'on se voit. Ah ouais, c'est la honte. Il lui donnait des rendez-vous et tout. Et la fille, elle le recalait. Moi, en plus, c'était l'ex d'un ami à moi en plus. Ouais, mais qui devait être plus jeune, lui, par contre. Ouais, il était plus jeune, il avait 15 ans. C'était mon petit cousin, c'est comme mon meilleur ami. Ouais, c'est 17-13, bon. Alors, Romano, toi, t'en as un pote qui. À 17 ans et qui sort avec une meuf de 13 ans. J'ai eu un pote un peu comme ça, mais j'ai arrêté de le voir. Salut les filles. Non, mais c'était un mec, un pote, ouais, c'était un bien grand mot. C'était un mec que je connaissais. Et il avait tendance à être attiré. Bon, ouais, c'était pas un pédo, hein, il était pas non plus sur les petites, petites, hein. Non, mais quand t'as 17 et 13, c'est pas de la pédalophilie, mais enfin bon. Ah, moi, ça, t'es 17, 13, ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est la pédophilie. Voilà, c'est ça, la pédalophilie. Ouais, mais c'est quand même, bon. Ouais, moi, j'aurais traqué aussi. Hein. 13 ans, ça dépend, parce qu'il y en a, ça fait vraiment petite fille encore. Hein. Ça dépend de la meuf, en fait. Tu vois, il y a des meufs, elles font plus, il y en a, elles font vraiment enfant, quoi. Ça fait collège, lycée, quoi. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Bah, moi, j'ai arrêté de le voir, mon pote, parce que ça me gênait un peu, tu vois. C'est vrai, il venait avec sa copine. Mais que pour ça, t'as arrêté? Ouais, parce que, il aimait pas trop les Barbie, tout ça, l'arrivée, etc. Non, 13 ans. Non, bon, c'est un peu perdu de vue, mais je sais pas, genre, le mec, il avait, on va dire, 21 ans. De l'Everkusen, quand on a co. Oh là. Tu vois, il pouvait sortir avec une meuf de 15 ans, tu vois. Moi, ça me gênait un peu, quoi. Ah ouais, sans pression. Sans pression. Non, oh, putain. Non, mais des fois, il l'a ramené à des soirées, tu vois. Moi, ça me gênait d'être associé à ça. Oh, Ah non, mais moi, là-dessus, j'ai un blocage, mais. Et un petit point footballistique quand même, donc. Leverkusen qui a marqué contre Monaco. Mauvaise nouvelle pour les clubs, français 1-0 pour Leverkusen à Monaco. Bah et oui. Lyon qui a failli en prendre un deuxième, ça a été sauvé sur la ligne par la défense. Ils ont de la chance, c'est Lyonnais, parce qu'ils ont eu un penalty raté au-dessus. Et regarde, là, paf. Et là, ouais, là, putain, c'était limite. Là. Ouais. C'est qui a sorti le. C'est Morel qui a dégagé. T'as bien joué, Morel. Ancien Marseillais. Non, Jérémy Morel. Jérémy, voilà, chef qui avait un. C'est le du goal. Bravo, Morel. Ah ouais, c'est ça. Je mélange les joueurs. C'est ça. Donc 1-0 pour Séville face à Lyon et 1-0 pour Leverkusen face à Monaco. Pour l'instant, c'est pas super. Que va nous faire le PSG demain? On va rigoler, je pense. Ah, demain soir, dans l'émission sur Real Madrid. Vous nous faites un festival, les gars. Et but de Varane pour, pour le Real Madrid. Bravo, Varane. Ouais, Raphaël. Raphaël Varane qui a marqué. Son collègue ou quoi? Raphaël Morel. Bon, allez, Raphaël Varane qui a marqué contre. Il joue contre qui le Real? Borussia Dortmund. Ah ouais, Borussia Dortmund. Dortmund, ouais. 2-1 pour le Real. Merci à Anti-PSG qui nous envoie les résultats. C'est bien, vous suivez les matchs avec nous. Skyrock est premier sur le. Foot, bien sûr! Bien sûr! Et ton pote, pour revenir à Hakim et à la vengeance, ton pote, il a su ou pas? Bah oui, parce qu'en fait, on est en plein cours. Et t'as quelqu'un qui est passé dans les couloirs et il a lu la. Ce que j'avais écrit bien fort dans les couloirs. Mais, donc, mais il a su que c'était toi ou pas? Ouais, il a su, je lui ai dit que c'était moi. Ah, tu lui as dit? C'était moi. Ouais, je lui ai dit, c'est moi que tu vas faire, de toute façon. Et bah après, il l'a su, on s'est rebattu, et cette fois, on a été exclus tous les deux. Ah, mais bah, moi, j'avais ma vengeance. Pas mal, pas mal. Donc, une double exclusion, c'est pas mal. On peut dire bip bip à toi. Ah ouais, bravo, bravo. Bravo, Hakim. Non, mais elle est pas mal, ta vengeance. C'est pas mal. Tiens, les messages que vous nous laissez. Moi, j'ai mis du colmate sur la voiture de mon collègue. C'est une pâte d'étanchéité. C'est vraiment de la merde à enlever. Cool comme vengeance. Avirax, 20 ans, qui a fait une petite vengeance comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal, mais ça, ça peut te causer des ennuis. Ouais. Ouais, moi, je vous avais déjà raconté dans mon bahut, pareil, il y a des élèves qui s'étaient vengés, c'était contre un militaire, oui. Ouais, un surveillant, et il lui avait recouvert sa bagnole de miel, et ensuite de PQ. Ah, ça c'est peut impossible d'enlever. Ouais, non, mais la bagnole, mais bah, tu sais, ils ont été obligés de l'emmener. Le mec, il pouvait pas la conduire, il y a une dépanneuse qui est venue. Le mec a porté plainte, les keufs sont venus faire des relevés d'empreintes. C'est sympa, dis donc. Ah ouais, pas mal ça. Comme vengeance. Ouais, problème, c'est tu te fais choper, t'es mal. Ophélie nous dit qu'elle s'est vengée sur une meuf. Je lui ai mis mon poing dans la gueule car elle n'a pas respecté ma pote. Ah oui, carrément. Donc j'ai pété un plomb. Très bien, Ophélie. Ophélie, c'est une Kaira, faut pas la faire chier, elle te fout un pain dans la gueule. Ah ouais, bam. Il y a Antoine, lui, c'est sa grand-mère. Moi, il y avait une voiture qui s'était garée devant chez moi. Ma grand-mère, elle a colorié le pare-brise rouge à lèvres. Mamie. Eh, hey, mamie, c'est une Kaira, mamie, dis donc. Ah, aussi, mamie hein. Kaira, ouais. Eh, hey, c'est mamie ça, Kaira. Ça, je supporte pas, tu te gardes devant chez elle, elle pète un plomb. Pas mal, pas mal. Bon, les vengeances, on y reviendra tout à l'heure. Si vous avez d'autres témoignages là-dessus, allez-y, sur le 41759, le skyrock.fr. J'ai jamais fait, vous, des petits coups de pute? Moi, je suis, moi, non, jamais. Hein? Vraiment, jamais. Non, mais des trucs gentils, si, si, moi, j'ai fait un truc. Il y avait, dans l'ancienne radio dans laquelle j'étais avant Skyrock, juste avant Skyrock, il y a un type qui m'avait embauché, et puis deux ans après, le mec, il y avait des problèmes d'audience parce qu'il faisait que de la merde sur l'antenne. La radio, elle était toute pourrie, tout ça. Donc il a voulu te Le mec, alors, il a eu la pression des patrons du dessus, parce que lui aussi, il avait des patrons. Ah ouais. Et les patrons du dessus lui ont dit, il faut remettre ça en place. Alors, il s'est dit, bon, faut que je foute des gens dehors, ça coûtera moins cher. Ils vont être contents, les patrons. Parce que les patrons, quand tu fais un truc qui coûte moins cher, ouais, ils sont contents. Ah, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et ce con m'a mis sur la liste. Il voulait me foutre dehors. Ouais. Je l'ai appris et ce jour-là, donc on est allé. Il y a un autre pote aussi qui devait se faire virer. On est allé sur des réseaux et on a mis son numéro sur des réseaux gays, des réseaux de Travelo. Et le mec s'est fait traquer. Ah, c'est la vengeance. Il en parlait à tout le monde. Il fait mais comment ça se fait? On n'arrête pas de m'appeler. Il y a des gens bizarres qui m'appellent. Ah, c'est étonnant. Ouais, qui voulait lui faire le cul comme ça. Ah bah tu vois. Et ouais, ça c'est pas mal. Et j'ai eu de la chance. Il se fait virer deux jours avant. Avant que je me fasse stage. Et tuck. Et moi je suis pas parti et lui il est parti. Putain là, salut. Et tuck. Et ça m'arrive. Et toc, monsieur Grobendo. Et je dirais même tic-tac-toc. Et tic-tac-toc. Tic-tac-toc, une petite vengeance. Ouais, ça c'était gentil, c'est bien. Et un autre mec que j'aimais pas aussi, qui faisait chier, je lui fais le coup des. Laxatifs. Ah ouais, c'est bon ça. À l'époque, il y a un truc qui existait, c'est les dragées Fuka. Je crois que ça existe plus maintenant. Ah bon? L'espèce de dragée, ah, tu c'est plus. Je l'ai dilué dans sa bouffe. Ça fait chier direct. Je l'utilise pas régulièrement. Et alors ça fait chier direct. Ouais. Non, je crois que ça existe plus, ces trucs-là. Ah, il y avait de la pub à la télé qui passait il y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc, le mec, bon, pareil. Il a chié à ça. C'est Cédric, du coup, il s'en est parmi, il chie encore, là. Non, mais faites pas ça, parce que vous pouvez vous retrouver au tribunal. Vous pouvez prendre 6 mois, 8 mois, on a vu ce matin, là. Ah, bah, si le mec, il a une grosse galère après un testament. Ah si, je l'ai fait, ça aussi, ce que t'as fait, Difool. Au Maroc. De quoi? Avec les dragées Fuka là. Ah, tu l'as fait? Je sais, ouais, j'en mettais dans du coca en fait. Et tu sais, on était plus jeunes, tu vois, et on était ensemble au quartier. Et dès qu'il y en a un qui sortait un truc, tout le monde en voulait. Donc moi, je sortais mon coca et tout le monde me disait, vas-y, j'en veux. Donc je laissais boire tout le monde. Ah, et voilà, ils allaient tous chier. Ils avaient tous la chiasse. Sympa. Pas mal comme vengeance. Bon, les vengeances, on y revient avec vous sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages et puis vous arrivez ici comme Hakim. Merci Hakim, en tout cas, du coup de fil. Hein. Ouais, de rien. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. Et ouais. Bon, t'es plus au bahut maintenant, je rassure tous ceux qui seraient du côté de Reims. Hein. Non, bah, ils me connaissent tous, Hakim Tuto. Ils savent les vengeances que j'ai faites, il n'y en a pas qu'une. Donc faites-le pas chier. T'en as fait d'autres, t'as fait quoi? Tiens, dis une petite, allez, une petite sympa. Une petite. Avant d'y aller. Allez, vas-y. Allez. Ouais, au coup du lactatif, on l'a tous fait. Attends, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, j'ai volé le téléphone de quelqu'un et j'ai fait accuser la personne qui m'avait fait chier, en fait. J'ai volé le téléphone à la personne et je lui ai mis dans son sac. Ah, c'est comme si, par exemple, moi, je volais le téléphone de Cédric. Et que je disais, c'est la faute de Romano, il t'a volé ton téléphone. En plus, c'est crédit parce qu'il vole des trucs. Romano, il a déjà volé le téléphone de Youssoufa. Ouais, c'est vrai. J'avais mis dans son sac et tout, et puis c'est lui qui s'est fait accuser. Il s'est fait renvoyer. Bien dit. Mais t'as pas mal, enfoiré. Ouais, t'es un bon enculé quand même, mais bien. C'est bien, enculé d'Hakim. Ouais, c'est ça, ouais. S'il écoute Skyrock, maintenant il est au courant, moi. Bah, merci Hakim. Voilà, c'est à cause d'Hakim que t'as bousillé ta vie. Exactement. Salut Hakim. Salut. Ciao. Oh, c'est le Ghetto Phénomène et Jules qui arrive tout de suite. On va se passer Maria, Maria, le son du Ghetto Phénomène et Jules. C'est pour nous sur Sky. On écoute ça tout de suite. On se fera The Weeknd et Daft Punk dans une demi-heure et dans un instant. Le jeu FIFA 17, le nouveau FIFA a gagné. On va jouer avec tes bugs, Romano. Ouais. Allez, préparez-vous à la traduction, ça arrive. Tous les matins, réveille-toi avec Skyrock. Tifoul t'offre les cadeaux qui déchirent. Des PS4, FIFA 17, des iPhone 7. Romano prend tous les risques. Et mon point, c'est égal, je vous ai de la thune, moi. Ah non, la thune, c'est Skyrock qui la donne. Si on te demande quelle est ta radio préférée, qu'est-ce que tu réponds? Skyrock, c'est Skyrock. Et tu gagnes 1500 €. Ouais, bravo. 6h-9h, réveille-toi avec le morning de Tifoul sur Skyrock. Une seule radio t'offre 1500 € toutes les demi-heures. Ah bah c'est Skyrock. C'est Skyrock. Hello tout le monde, c'est Emeric. Bon, j'ai le bon plan là pour tous les fans de séries à l'écoute de Skyrock. Ça va se passer sur Netflix. Il y a Luke Cage qui arrive. Ça sort ce vendredi 30 septembre. Alors Luke Cage, moi j'ai eu la chance de voir l'épisode en avant-première. C'est du très très lourd. En gros, le mec c'est un black surpuissant, c'est un héros Marvel. Il a des pouvoirs de dingue, ça se passe dans son quartier d'origine à Harlem. Et en plus, l'histoire est dingue, l'ambiance aussi. Et il y a une bande-son explosive. Pour tous les fans de son rap des années 90, vous allez pouvoir retrouver du Nas, du Method Man, du ODB. Bref, vous allez kiffer. Ce vendredi 30 septembre, en plus vous aurez tous les épisodes d'un coup, puisque sur Netflix, dès qu'une série sort, on a tous les épisodes tout de suite. Vendredi 30 septembre, à pas louper, Luke Cage sur Netflix. Tu veux réussir ta rentrée? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres. Profite des astuces du peuple YAX et partage tes délires. YAX, partenaire officiel de ta rentrée. MHD. La sensation afro-trap MHD vous fait découvrir son nouveau single Akelenta, extrait de son premier album. L'album de MHD, toujours disponible. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec Inanna. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Allez, fini la pub, c'est reparti sur Skyrock. Avant de vous offrir FIFA 17 et avant de découvrir les bugs de Romano, c'est Ghetto Phénomène, Jules et le Ghetto Phénomène. What the fuck? Ici, tu peux tout dire, tout faire, tous les soirs, 21h minuit, c'est la radio libre de Tifoul sur Skyrock. Et ouais, totale liberté, allez-y, 01 53 40 30 20, si vous voulez passer dans l'émission, vous nous appelez, toute l'équipe est là, et le 41 759 fait l'appli aussi. J'ai pas les données, la même maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît, on connaît, connaît, connaît. J'ai pas les données, la agir. T'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus que toi faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Je sortais de la songe, cabré dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour qui. Espèce d'abruti, parle pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. Je m'en souviens du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Je m'en souviens du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Je vais pas les donner, la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît, connaît, connaît. Je vais pas les donner, la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle. Phénomène, ouais c'est nous, ouais, ouais c'est nous. Qui a révolutionné le game en envoyant des sons que t'aimes chez nous. Ben ouais c'est nous. Oh Maria, désolé, je m'en vais à mon mari. Oh oui, j'en ai marre, on me l'a prouvé tellement j'en perds mes mots. J'ai fait le tour, le détour, pourtant je tourne en rond. Derrière le bonheur, je cours, cours pour un air. Ah. Je reste fidèle au pari. Un banquier dans un parking. Mais tu sais que la retour, pour nous c'est la routine. Un aller sans retour sur le 47 à Poutine. Et je patine, et je patine. Du mal à vivre à 200. Et je taquine, et je taquine. Tu finiras par prendre ma leçon. Oui, leçon. Comme tout l'on est fait d'or et platine. Innocent, coupable, mes frères, on a marre des gants. Fais pas les donner. La maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Maria Maria sur Skyrock, c'est le ghetto phénomène et Joule sur Sky. Diffoul, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, l'équipe est là ce soir en direct avec Romano qui se prépare à traduire lui-même ses propres bugs. Romano, tu peux gagner le FIFA 17, attention. Hein. Oui, même faudrait la console qui va avec moi. Ah non, mais là, ah ouais, ça y est, matin, l'autre est grave. Il va changer toutes les émissions le matin à la console. Non, mais... Ouais, mais moi j'ai pas la PS3 ou la PS4. Tu vas t'acheter avec l'argent que tu gagnes tous les jours dans tes conseils pas chers. Il s'est fait 4000 balles ce matin dans les conseils pas chers. Il veut encore de l'argent en plus. Bah ouais, encore, toujours plus. On va jouer à la traduction des bugs de Romano. Vendredi, je joue à l'euro-million, 130 millions. Si tu veux, on jouera à l'euro-million vendredi, mais là on va faire tes bugs, Romano. Ouais. Ce soir, traduction. Je suis excité, là. Excité, ouais. Bon, la traduction d'un bug dans un instant, je vous le fais écouter, vous nous direz vous nous direz ce que ça veut dire. Si vous êtes le premier ou la première, vous partez avec votre FIFA 17, on vous file votre FIFA 17 sur Skyrock tous les soirs dans la radio libre évidemment. Ouais. Du foot à suivre, tiens, parce qu'on parle de c'est foot sur jeu là. Vidéo. Il y a pas eu Dortmund qui a marqué un but là, on lui dit ça là. Égalisation ouais, apparemment. Deux partout contre le Real. Ouais. Hey, ils sont chauds Dortmund. Ils hein. sont chauds bouillants même. C'est l'équipe de Aubameyang. Deux partout avec un but de Varane, un but de Cristiano Ronaldo pour le Real et un but d'Aubameyang et le deuxième. Et de Schürrle. Schürrle. Ouais. Ah Schürrle. Et la Juve, ils ont mis un quatrième but. Oh là là, la Juve 4-0 pour la Juve. Ouais. Bravo l'Italie, bravo la Juve. Sinon les deux équipes françaises elles perdent 1-0. Lyon perd 1-0 contre Séville et Monaco perd 1-0 contre Leverkusen. Ah là là. À la maison en plus Monaco, c'est pas bon. Eh bah demain le PSG ils vont relever le niveau, t'inquiète. On va si c'est comme la semaine dernière où il y a 15... C'était quand la semaine dernière? Ouais, la semaine dernière vendredi ils ont perdu. Non mais ce week-end ils ont perdu. Non mais même là en Ligue des Champions là. C'est à 15 jours maintenant. Ouais bah ça vous avez été nul. Ça va, on a fait un partout. Ah tu vois les Bulgares à domicile. Ah j'ai vu un truc dans la presse, les Bulgares ils ont dit on n'a pas peur du PSG gros. Les mecs limite sont professionnels, ils sont inconnus juste depuis que Ibra est parti et depuis que Blanc a été viré, Eh bien, le PSG ne fait plus peur. Personne. Je crois que c'est blanc, gros. Je t'avais dit qu'Ibra, il fallait le remplacer, Karim. Bah ouais, mais j'ai essayé d'acheter un autre joueur, mais putain, il y en a aucun qui voulait venir. Mais pourquoi ils ont pas mis d'oseille plus? Ils sont cons. C'était peut-être des radins comme toi. C'est même pas une question d'oseille. C'est qu'après, des fois, il y a des joueurs, tu les veux, mais le club ne veut pas, ou c'est peut-être le joueur qui veut pas, tu sais. C'est pas, que les joueurs c'est pas tu viens, t'as des sous et t'achètes qui tu veux, tu vois. Paris, ça fait plus rêver. Trop fait rêver, d'ailleurs. C'est pas forcément le joueur, ça fait C'est pas Samy qui va me contredire. C'est éphémère, tout ça, moi, j'ai envie de dire. Allez, écoutez Zlatan qui est au passage. En fait, votre cinéma, il aura duré 3-4 ans, puis ça y est, quoi. 4 ans, la 5e année, gros. Mais on va être champion, tu vois. T'imagines, le Qatar, ils disent, ouais, finalement, on en a plein le cul, on se barre. Ouais, c'est clair, on se barre. Non, mais pourquoi se comme ça, gros. Mais il se barre et après qu'est-ce qui se passe du club? Rien, c'est... Ils s'en battent les couilles, gros. Ils le vendent à quelqu'un d'autre. Non mais c'est qui le prend après? Non, par exemple, la Prince, c'est quoi? Non mais gros, la Prince demain il voit un match de basket, il dit putain c'est cool l'NBA, tiens je vais aller acheter les Los Angeles Lakers. Mais il s'en bat les couilles, il est tellement blindé. Il a pas besoin de vendre la merde, mais il s'en bat les couilles. Mais il a pas besoin de vendre le PSG, gros. Ouais, mais il vous laisse dans la merde. Bon, demain c'est PSG donc dans l'émission. Et FIFA 17 c'est dans un instant, préparez-vous. Bon, il y a Clément qui est avec nous, qui a une urgence. On a Sandez aussi. C'est ça, man. Qui est à Avignon. Ah, qui fait un truc de garçon. C'est une fille, Sandez. Je crois que t'es une fille, hein, c'est ah, ça. C'est une fille. Sandez. Oui. Oui, en effet, je confirme. Salut, Sandez. Tu es une fille. Ça va, du coup. Oui, ouais. Je suis une fille. Et t'as une passion de garçon. Alors, on va faire un truc, là. Faut être franc, hein. Vous nous dites, on vous dénoncera pas, puis y a pas de honte, hein. Vous êtes un garçon et vous avez une passion de fille. Vous êtes une fille et vous avez une passion de garçon. Dites-nous. Romano, je rappelle à l'ensemble des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. Tu parles d'un truc, j'étais tout enfant. Alors, Romano avait une passion. Tu connais la passion de fille qu'il avait, Romano, quand il était petit, ouais, Sundays? C'est une passion, ça m'arrive. Si, jouer à la poupée. Et jouer à la poupée, mais oui, t'es une fidèle, toi. Barbie. Je vais vous l'avouer, je continue. C'est vrai, tu continues? Non, ça va pas, non. T'as une poupée à la maison et tu joues et tu fais. Ouais, ma poupée, c'est Carriole, ouais. Tu l'as fait parler? Je joue au docteur avec. Donc, une passion de... Non, c'était pas ma passion, hein. J'avais pas de poupée à moi. Bah, si tu jouais à la poupée, t'es disais. Non, mais je jouais avec mes cousines. Quand il y avait que ça, comme je jouais avec les poupées. Et tu parlais? Bah ouais. Tu faisais parler les poupées? Bah, je les faisais Ken, parce qu'il y avait Barbie et Ken. Ah. Bah ouais. Et tu faisais Ken, t'es là. Ouais, ou des fois. Bonjour Barbie, comment vas-tu? Ou des fois, je les guillotinais. Ah ouais, carrément. Et je leur arrachais les cheveux. Je leur faisais des coups. Ouais. T'es malade. Non, mais c'était quand ma cousine, elle m'énervait, je prenais sa barbe, je lui arrachais les cheveux. Et elle pleurait? Ouais, bah, elle chialait, ouais, elle allait voir sa mère. Et toi, tu rigoles? Bah, c'était ma cousine, c'est sa mère, c'était, Attends, ta tête d'homme. C'est ça. Ouais. Ah, tu jouais avec les poupées Barbie de ta cousine, fille de la tante à tête d'homme. Et elle avait quelle tête, elle? Une tête d'homme. Non, ça va, franchement, c'est même miraculeux qu'en ayant miraculeux. En ayant des parents aussi moches, bon, ouais, c'est pas une bombe, hein, loin de là. Hein. Mais elle a pas la gueule de sa mère ni de son père. Ouais, donc ça va, quoi. C'est déjà ça, ouais. Préservé. Oui, oui. Ouais, ouais, il y a au moins ça, ouais. Ouais. Bon, alors, une passion de mari, t'as une passion de garçon ou pas? Non. J'ai des concours de paix. Ouais, c'est dégueulasse, moi. J'adore, je joue avec Cédric le soir. Non mais toi Marie la bière, si la bière, ouais, ouais. La bière, ouais, la bière, il y a autant de filles que de garçons. Ouais, c'est, ouais, c'est plus un truc, ouais, de mec, non. Non, mais maintenant, non, plus maintenant. Hein. Non, la bière. Maintenant les meufs, attention, elles se mettent des races. Ouais, c'est sûr. Ouais. Vous nous avez rattrapé les filles au niveau de la consommation d'alcool. Ah, c'est pas faux, des vrais poivrettes. Enfin, moi je dis ça, mais je bois pas. Il y a Jonathan qui témoigne et qui nous dit. Tu bois pas. J'ai vu une photo de toi dossier. Il m'a montré Karim. Quoi? Ouais, t'étais décabané sur un siège, mais on dirait une épave. Mais quoi, je te décabané sur un siège. Je dois bien te l'avouer, tu m'as un peu dégoûté. Mais je dormais. Ah non, ça se voit que t'es défoncé. Mais je dormais, Romano. Tu sais, dans un espèce de fauteuil, mais un pauvre mec, quoi. T'es qu'une pute, Karim, toi. Non, mais je vais juste montrer, je vais pas envoyer, gros. Ouais, ouais. J'attends, je vais la mettre sur les réseaux. Voilà, ça c'est bien. Je vais la mettre ça. Sur Insta. À te faire enculer, tu vois. Je porte plainte pour atteinte à ma. Ouais, ça c'est bien. Ça, mais fini cabané. Fini pour les matchs de foot. Mort déglingué, gros. Les matchs de foot, c'est terminé. Lyon a perdu 1-0 et Monaco a perdu 1-0 aussi contre Séville pour Lyon et contre Leverkusen pour Monaco. Aïe, aïe, aïe, dure soirée pour les clubs français, mes chers amis. Demain, PSG. On verra demain. Et les autres résultats, la Juve, le Real et tout le reste, dans un instant. Pourquoi vous rigolez? Parce que ça se voit, t'es foncé parce qu'il y a des mecs qui mettent leur tête, qui font traquage autour. C'est typiquement la photo d'un mec foncé. Mais je suis pas foncé. Ah ouais. Regarde, gros. Mais quand même, il a mis la capuche pour pas qu'on le voit. Ah non. Ouais, c'est si tu veux. Non, il y a Romain qui Romano appelle mon avocat. On va ouais, se faire, on va se faire de l'argent, tu témoignes, je suis. En plus, il est un peu vert, bien sûr. Harcelé par Karim. On met celle-là? Ah, si tu veux. Allez. Tu notes, hein, Romano? Ouais, ouais, mais c'est noté, t'inquiète. Tu vas voir sur l'Insta de Skyrock. Je vais aller voir, j'attends qu'elle apparaisse pour faire l'épreuve. Skyrock FM sur l'Insta, là. Sérieux. Bon, alors, on en était où? Alors, Sandez, oui, t'as une passion de garçon et tu es une fille. Parce qu'on a bien vérifié que t'étais une fille. Quelle peut être la passion de Sandez, passion de garçon? Je sais pas, la mécanique. La mécanique. Ouais, la les voitures, quoi. Voiture ouais. mécanique. Est-ce que c'est bon, Sandez? Non, pas du tout. C'est pas bon. Bah, le foot, tout simplement. Ah, il y a Jonathan. Ouais, qui... Ben foot, ouais. Jonathan, non. Juste un petit message, parce que je vous ai demandé vos témoignages. Emeline, qui dit, j'adore les films d'action et la baston. Mais sinon, je reste classe et féminine. Jonathan, lui, donc, je voulais vous le lire, 21 ans. Il nous dit, je suis un garçon et je jouais aussi avec des poupées. Filles, mais également avec des jouets de mecs. Est-ce que c'est normal? On va te passer Romano, toi, Jonathan. Ouais, pour jouer tous les deux. Ouais. Oui, tu jouais à la poupée, c'est rigolo ça. De mais tu jouais à la marelle aussi. Ouais, j'y jouais. Ouais. Et à l'élastique. Ouais. Ah, tu faisais l'élastique. Ah ouais. Bah en primaire, hein, même en. Ouais, moi aussi, ouais. L'élastique, j'y jouais. Non, parce que moi en fait, Karim, tu devais être beau gosse à l'élastique. Toi. T'es fou, je maîtrisais sa mère l'élastique. Ah moi aussi, hein. Grave. Hein, on pourrait faire un concours. Vas-y si tu veux, gros. Et non, parce qu'un jour en fait, j'ai joué au foot et j'ai claqué un mur. Mais t'es rentré dedans. Mais en fait, comme un connard, je courais mais à pleine vitesse, un peu comme Usain Bolt. Wow. Et t'as pas vu le mur? Non, je me suis retourné et en fait, j'avais pas vu que le mur était si près. Mais je l'ai claqué à pleine vitesse, mais un mur en béton. Hein, je me suis écroulé dans la cour. Et depuis, non mais j'avais une bosse, mais tu sais, genre à 9 d'autruche quoi. Il a pleuré. Il a pleuré. Ah, j'ai pleuré. Mais quoi, sur le moment, j'ai même pas pleuré. J'ai tombé dans les pommes. Bah. Mais arrêtez-moi, j'ai claqué fort. Je suis tombé dans les pommes et après, je voulais plus jouer. Il voulait plus trop que je joue. Égalisation de Monaco. Il restait quelques secondes. Oh là là, Monaco, c'était putain. Pas fini, Monaco. Ouais, il restait 10 secondes. C'est bien. Bah, bonne nouvelle pour les Monégasques. Égalisation à l'instant. 94e minute et fin du match. Et bah voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est du football. C'est pas Paris. Comme on l'aime. Putain, la 94e, sérieux. Putain, Monaco, ouais, on avait annoncé la fin du match en plus. Ah ouais. Et ben non, c'était pas fini. Donc, un partout pour Monaco, ils sauvent l'honneur, on va dire. Ouais, c'est bien. Et enfin, c'est bien sur leur terrain, c'est pas bon. Super. Mais bon, écoutez, c'est mieux que de perdre. C'est une défaite pour eux, quoi. Bien dit. Voilà. Et donc, pour Lyon, par contre, il n'y a plus de salut. C'était bien fini pour Lyon. Ouais. Terminé. Bon, voilà pour le résultat du foot. Les autres, on les a en speed, on peut les donner. Ouais, bien sûr. Ouais. Vas-y, vas-y. Donc, match nul, ça s'est terminé entre le Real et de Borussia Dortmund. Oui. Victoire de la Juve, 4-0 contre Dynamo Zagreb. Putain, c'est le carton, ça. 4-0 pour Copenhague contre les Belges de Bruges aussi. On s'est fait casser le cul, nous, les Belges. Ouais, oui. Bon, oui, hein. Défoncer le trou de bon. Leicester, les Anglais, ont battu Porto 1-0. Oui. Et Tottenham, les Anglais, qui ont battu Moscou 1-0 aussi. Et ben voilà, pour les résultats de ce soir, demain, la suite de la Champions League sur Skyrock. Pa, pa, pa, pa. Ça, c'est bien. T'aimes bien? Ah ouais, moi je la kiffe. Bah, dommage, l'OM, on l'entend pas trop. Mais... Jamais même. Hein. Ouais. Bah, je l'entends sur la console. Je m'en souviens plus. Ouais. Oui. Heureusement que t'es dans l'émission, comme ça tu peux l'écouter encore. Ouais, je l'écoute en boucle, j'aime bien. Vas-y, on va te la mettre sur ton téléphone. Tu m'as oui, magnifique. Mixifié tout seul. Alors, quelle est la passion de Sandrine? La bagarre. Il y a Kalira qui nous fait une proposition. Elle est fille, elle est passionnée. Elle est passionnée de tir. Est-ce que t'es passionnée par la bagarre? La bagarre, t'imagines? La bagarre. Non, mais la baston, quoi. La baston. Je sais pas, t'es bien de cogner, quoi. Non. Jeux vidéo. Et le tir, non plus. Oh. Moi, je sais la réponse. Ouais, bah, je sais pas. Pas le moi. Jeu vidéo. Jeux vidéo. Non, en plus, il y a un joueur sur deux qui est une fille, Marie. Ouais. Attends, je sais pas, le bricolage. Le bricolage. Ouais, ça, c'est vrai que c'est plutôt un truc de garçon, ça. Ouais, quoique, maintenant, il y a des meufs qui s'y mettent. Hein. Ah bah, regardez, Valérie Amido. Attends, Valérie Amido. Non? Mécanique, on a déjà dit. Ah ouais, putain, ça tombe toujours autour des mêmes trucs. Le football, on nous ouais, dit. Le foot, ouais. Tu te rapproches, toi qui as dit football. Vous êtes pas loin. Le rugby. Bonne réponse, ouais. De... Ouais. Romano. Oh, ouais. Bravo, ouais. Bravo, man, bravo. Oh, bravo. T'es passionné de rugby, ouais. Toi, Sundays. Sundays. Donc, t'es passionné par le rugby. Oui. Mais t'en fais? Tu joues? Bah oui, j'en joue. Bah oui, je. Et dis-moi pas que t'es pilier, non? Ah merde. Non, je suis troisième ligne femme. Mais t'es baraque comme les rugbyman ou les rugbyman garçons? Non, comment? Ah, Marie, putain, Marie, spécialiste de rugby. Jean-Marie qui fait la connaisseuse. Non, troisième ligne, ouais. Non, t'es pas baraque. Mais si t'es arrière, ouais, tu dois courir vite, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Ah, bah j'espère que t'as pas une carrière de rugbyman, hein. J'espère que tu ressembles pas à Michalak. Avec les oreilles défoncées. Non. Je ressemble à une fille. Et si tu veux, je vais t'envoyer le calendrier. On a fait un calendrier. Quand tu veux. À poil, comme les dieux du stade. Ouais, vas-y, envoie, ouais. Ah ouais, vas-y, envoie, ouais. Ce soir, on va récupérer un calendrier de rugbyman, de rugby woman à poil. Ouais, c'est bien. Mais genre, vous faites des trucs avec le ballon comme les mecs? Vous êtes dans le cul? Bah oui. Ah ouais? Parce que les mecs, ils s'assoient sur des ballons et comme le ballon de rugby ressemble à un suppositoire, je suis assez inquiet pour le cul de nos amis rugbyman. Ouais, c'est. Voilà. Alors moi j'ai fait, mais le ballon il ressort plus. Je te le fais dédicacer et tout, du le calendrier. Non mais on peut le récupérer ce soir, le calendrier? Ben, on a fait les photos dans 2 semaines, ils sortent. Tu peux pas nous envoyer quelques photos déjà? Oui, déjà au moins la tienne, quoi. tu veux, je t'envoie la photo du groupe, tu verras. Voilà, on voit tout. On voit tout ce que t'as. On va te dire qu'est-ce qu'on trouve la plus mignonne. C'est bon, y a pas de souci. Bon, et tu voulais qu'on fasse quoi par rapport au rugby, toi? Et ben, en fait, parce que, je voulais savoir s'il y avait des filles qui jouaient comme moi, et on est à la recherche de sponsors sur Avignon, donc, voilà. Si bah, Romano, tu peux pas sponsoriser ça avec tes conseils pas chers? Si je sponsorise, les conseils pas chers, faut donner des sous. Bah ouais, t'écris sur le maillot, ouais. Conseils pas chers, Romano, et puis voilà. Ah, mais c'est bon, on le dit tout le temps sur Skyrock. Donc bah oui, mais ça fait une pub en plus, c'est bien. Ouais, mais moi, j'ai pas trop envie de donner de sous. Vous pouvez. Diffoul, je te donne le calendrier si tu me trouves un sponsor. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, mais dans ce cas-là, je vais sur YouPorn, ma chérie. Là, c'est pour voir des filles à poil. Ça coûte moins cher. Non, mais on peut trouver un sponsor, pourquoi pas. T'es où? T'es à Avignon, toi, c'est ça? Ouais, je suis à Avignon. Comment s'appelle ton équipe? Ça s'appelle, c'est les féminines de Véloron. Les féminines de Véloron. Véloron. Ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous avez sponsorisé des filles, on attend la photo du calendrier. On récupère la photo et puis on te reprend, Sandez. On va te dire ça. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez été voir, là, genre les magasins vers chez vous et tout ça, c'est. Ouais. C'est pas Décathlon, Intersport. Si, on est parti, mais en fait, on est monté à un niveau supérieur. Donc, en fait, financièrement, les déplacements, on habite à Avignon et le plus gros déplacement cette année, c'est Pau. Et du coup, voilà, financièrement, c'est un petit club, quoi. C'est un budget. Ah ouais, pour amener une équipe de. Ouais, faut louer le minibus. Vous êtes rugby à 15 ou rugby à 13? Non, rugby à 15. Ah ben, ça coûte encore plus cher. Ouais, vous êtes encore plus nombreux. Ouais, vous êtes deux de plus à amener. Et tu peux pas t'allier avec un gros club de vers chez toi, tu sais. Ah, l'OM, par exemple. Non, nous, il n'y a pas le rugby, mais. Pas Montpellier ou quoi? Pas OM rugby? Non, il n'y a pas rugby. Non. Mais si, il y a. Mais le truc, c'est que voilà, notre club, c'est que les féminines. Ouais. On veut pas intégrer des garçons. Parce que les garçons. Non, mais tu joues pas avec des garçons, mais tu intègres un club, la structure d'un club, tu sais, limite, on va dire pro, tu vois. Ouais, mais même limite pro, c'est genre, financièrement, ils vont voir que les mecs, pas les filles. Ah, alors okay, que nous, on est que les filles. Okay. Alors, il y a Wizou qui nous dit j'ai une passion, je fais la vaisselle. Est-ce que c'est une passion de fille? Non, mais tu sais, quand tu disais les passions de filles, moi je pensais à ça. C'est que moi j'aime bien faire le ménage, tu vois. Ah, donc t'es une passion de fille. Et pour toi. C'est plus un truc de meuf, mais c'est vrai que j'aime bien ranger. Et moi c'est le ménage, mais c'est un truc de meuf. Samy, voilà, tu voudrais pas aller le faire chez Cédric? Non, mais je suis pas taré. Il y a du boulot, tu vas être heureux. Franchement, là tu vas kiffer. Tu vas prendre ton pied chez Cédric. J'aime bien le ménage chez moi. Tellement c'est sale. Mais tu mets un tablier à poil, tu te mets à poil, genre, et tu mets un tablier? Ouais, tu sais, ouais, exactement, avec les seins là dessinés sur le tablier et tout. Bon, aller dans le cul. Sur ça, il a les mains libres pour essuyer les meubles. Je fais tout en même temps. Ou l'aspirateur dans le cul. Ouais, pratique. C'est encore mieux, c'est encore plus gros. Soubrette, quoi. Bon, bah, si vous avez un sponsor du côté d'Avignon, vous nous faites signe. Bon, bah, c'est bien. Puis tu cherches des filles rugbyman aussi, alors. Oui, aussi, ouais. Allez, bah, on lance l'appel. Allez-y, 41759 skyrock.fm. Ah, tiens, j'ai un petit tuyau aussi pour vous. Il y a une pub qui va être tournée qui cherche des acteurs pour demain après-midi. Si vous êtes en région parisienne et que vous voulez tourner dans une pub, vous pouvez nous envoyer vos photos. Alors, vous envoyez vos photos ce soir sur l'appli Skyrock, par exemple. Vous laissez votre numéro de téléphone à condition d'être libre demain en début d'après-midi. On vous dira comment ça se passe, tout ça. Donc, si vous voulez faire un peu acteur, parce qu'on a souvent des appels d'auditeurs et d'auditrices qui veulent faire acteur ou actrice. Ouais. Donc, si vous voulez déjà apparaître dans une pub, c'est pas mal, ça fera un petit truc, c'est rigolo. Donc, vous. Oh, c'est une pub pour du saucisson, hein. Bon, bah, moi, c'est où qu'on envoie nos photos, moi? Histoire de vous faire rêver un peu. Mais non, c'est une pub classe. Alors, je peux pas vous dire pour qui c'est, mais parce qu'il veut le reste anonyme, que ça reste. C'est top secret. Top secret. On vous dira bientôt. Donc, vous, nous laissez vos photos, vous voulez faire une pub. Eh bien, vous n'hésitez pas, c'est pour faire figurant dans une pub, en gros. Hein. Donc, c'est sur la piste Skyrock, vous envoyez ça ce soir, vous laissez vos numéros. Et c'est pour demain après-midi. Eh ben, c'est voilà. Une pub pour les mycoses. Antoine, je m'appelle Brian, j'ai eu 14 mycoses. J'ai mal à la chatte. Voilà, un petit tuyau, un petit truc qu'on m'a demandé cet après-midi, j'allais oublier. Eh bien, heureusement, j'y repensais parce que j'ai un super cerveau. Ah ouais, c'est incroyable. Vous savez qu'on m'appelle Super Brain. Dans ouais, c'est pas si étonnant. Ouais. Donc, ouais, photo sur la piste Skyrock et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Et puis. Qui demande, c'est payé? Il y aura un dédommagement, je pense, oui. Alors, c'est qui, beau gosse, dans sa voiture avec une grosse barbe, là? Bah, c'est Apou, et il y a Antoine, juste avant, quand même. Ouais, Antoine, j'ai vu, salut Apou, ah, c'est les photos qui arrivent. Oh, Sonia, mais tu es mignonne. Faut te prendre pour la pub, là. Je le dis à ceux qui font la pub, hein. Il y a Sonia, 18 ans, waouh. Parfait, Sonia. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Donc, vous nous envoyez ça. Mais moi, je peux pas être mannequin pour la pub? Ah, tu veux être mannequin? Mais c'est dédommagé à quelle hauteur? Bah, petit c'est pas plus grand que toi, t'inquiète. C'est pour de la figuration, Romano. Ouais, mais combien concrètement? Je sais pas, moi, 150 balles. Mais non, mais t'es ouf, mais moins que ça. Moins, c'est 70 balles, je crois, moins, la journée. Mais vous êtes où? Je sais pas. Bah, ça dépend, il y a des. Non, ouais, 70 balles, je crois, la journée. Ah, bah, non, mais plus belle la vie, Plus belle la vie si tu fais figurant sur une journée. Comme ah, mais plus belle la vie aussi. Bon, c'est pas la journée complète, c'est, on va dire que ça dure 4-5 heures, c'est 70 euros. Ah, c'est pas cher. Ouais, c'est pas très très bien payé, tu vois. Et c'est plus belle la vie. Et c'est plus belle la vie, ils ont des ronds quand même, tu vois. D'accord. Bon, moi je vois les photos qui défilent. Allez, ben, j'espère que vous serez sélectionnés, j'espère que vous serez choisis. Vous vous tiendrez au courant si vous rappelle. Donc vous envoyez ça, très belle photo de vous sur l'appli Skyrock. Si vous êtes en région parisienne, demain après-midi, à Paris même, demain après-midi. Yep. C'est Walid qui nous envoie sa photo de beau gosse, là. Ouais, c'est ça, Walid AAA. Salut Walid. Ah, 23 ans. Donc, ouais, bah, on va. C'est bien. Oh, que tu es mignonne, toi. C'est qui donc? C'est Carole, 77-120. Elle a quel âge, Carole? Elle a 24 ans. Très bien, Carole. Salut, ma chérie. T'es mal dit fou, là. Bah, je regarde salut, les photos. Ma chérie. Non, mais je dis bonjour. Bah, je peux dire bonjour aussi. C'est qui, Lascar, là, qui est là? Ah putain, le bon, alors je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Bon, c'est, eh bien, c'est beau. Toi aussi t'es pas mal, je suis dans mon jacuzzi, toi t'es une bonne tête aussi. Ça c'est bien. GoPro défi. Ah c'est pas mal GoPro défi là. GoPro. Première classe dans le TGV, je reconnais les fauteuils. GoPro défi 15 ans qui envoie sa photo. On se fait pas chier, on prend le TGV en première. Quoi. Donc vous voulez dans une pub, vous nous envoyez vos photos ce soir jusqu'à demain matin 9h, après ce sera trop tard. Ouais. Bon, alors pour la suite, qu'est-ce qu'on fait? On a Clément qui a un petit service à nous demander et puis le bug de Romano que je vais vous faire découvrir. Ah oui, pour gagner FIFA 17. Ah puis il y a un truc qu'il faut que je fasse écouter aussi juste après. Faites-moi penser, dites-moi Delorme Dance et ça me rappellera tout ça. Okay. Delorme Dance. Tu y penses, Romano? Ouais, ouais, ouais. Kikou les boys and girls. C'est Mathieu Delormeau qui fait comme ça dans Touche pas à mon poste quand il arrive, ouais. Il fait Kikou les boys and girls. Ouais, c'est ça. C'est quand il fait ses tutos Delorme Dance. Ouais. La Delorme Dance. Kikou les boys and girls. Ah, puisqu'on a fait un truc marrant ce matin, faudrait que je fasse écouter. Écoutez bien, par contre, le bug de Romano, c'est pour gagner. Ah. FIFA 17. Je mets une musique bien, Romano, pour tes bugs. FIFA 17, tout de suite sur Skyrock. C'est à gagner, c'est pour vous. Au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages et vous nous dites qu'est-ce que veut dire Romano quand il dit... Faut aller te... Ah! Attends, réjection. Non, mais il y a déjà le début. Ah, Marie, il ne faut pas donner la réponse puisque c'est un pas jeu. Ça. Oui, mais le 3 pas, t'inquiète pas. Ah, on va non, mais bon, c'est jamais sur un coup de bol, tu sais. Jouer, Marie. Elle est capable de nous foutre les jeux en l'air. T'as raison. Alors, écoutez bien, on comprend le début en plus. Hein. Le bug de Romano. Faut aller te. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faut aller. Alors, moi j'ai compris, faut aller. Est-ce que je suis bon? C'est pas mal le début. Ouais, j'ai gagné la boîte du jeu. Waouh! Ouais, la boîte, ouais. La boîte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faut aller. Alors, il y a des propositions, je les lis. Allez, j'ai lis. Vas-y. Madine, s'il nous dit, faut aller dans le fion. Non, c'est pas ça. Il faut aller payer l'addition, hein. C'est pour ça que tu serais mal. C'est les cheveux de Romano qui propose. C'est pas ça non plus. Faut aller nettoyer les chiottes pour John McCoy, 14 ans. Non, c'est pas ça. Faut aller voir un chien pour Lonza. Faut aller chier pour Eman, 15 ans. Non, c'est pas ça. Faut aller aux toilettes pour Sam, 23 ans. Non plus. Faut, j'espère que je vais l'avoir FIFA 17, mais non, c'est pas ça la phrase, poteau. C'est pas ça, poteau. Faut aller poser la question, nous dit Madine. Non, c'est Madin. Pas ça, bien tenté. Faut aller dans la même direction pour Toshi. C'était ce que Marie m'a proposé aussi, mais c'est pas ça. Faut aller faire une inspection, la tendinite de Difool. Non plus. Faut aller faire la déjection pour, ça défile tellement vite, j'ai perdu, pour Hachib, 51, ouais, 20 ans dans l'aile. C'est pas ça. Faut aller que non, mais tu vois, le faut aller dans quelle direction, c'est pas si. Non, cool. non, c'est pas ça. Karim m'a proposé, faut aller te faire soigner, c'est pas ça non plus. Ah, c'est pas ça. Non. Et est-ce qu'il y a Yon à la fin? Il y a Yon, ouais. Ah, moi j'ai bien une idée, moi, mais. Bah, écrit sur une feuille, Romano. Ah ouais. J'ai pas de feuille, j'ai pas de stylo. Bah, vas-y, dis-le. Ça, c'est, il fait ça pour voler des feuilles et des stylos. Vas-y, on va lire sur et après, je t'envoie un SMS. Vas-y, si parce que j'ai je pense que tu trouveras pas. Bon. J'ai limité. Faut aller doucher, faut aller chez quelqu'un, faut aller promener le chien, faut aller dans l'émission, on nous dit. C'est pas con ça, tiens, parce que c'est un Yon. Dave. C'est pas ça. Qui nous propose, faut aller dans l'émission. C'est pas ça? C'est pas ça, Dave. Bien joué, Dave. Je trouvais que t'étais pas mal ta proposition. Faut aller demander l'autorisation pour Baby. Non plus. Non, c'est pas ça. Faut aller dans direction, faut aller se lever. Non, faut aller faire une inspection pour la tendinite de Difool. Vous savez que j'ai eu une tendinite en juin. Ah bon, non. Ah ouais, tiens, c'est étonnant. J'en ai pas parlé dans l'émission. Si, si, mais tu nous as cassé les couilles pendant deux mois. Je me plains jamais, moi. Vous savez. Deux mois, il nous a pété les couilles. Je souffre en silence. Donc, la tendinite de Difool, 19 ans, faut aller faire une inspection. Non, c'est pas ça. Faut aller à ta destination pour Kelvin, 16 ans. Chercher tous les mots en Yon, c'est bien. Je lis que les trucs en Yon, pas les autres. Faut aller respecter les limitations pour. Vasco, 15 ans. Non. Faut aller dans la direction, c'est pas ça. Direction, c'est pas ça. Faut aller se mettre des doigts dans le fion, pas mal ça, l'inconnu. J'ai envoyé ma réponse. Ah, parce que attends, vas-y, je vais lire ta réponse, je crois qu'il y en a un qui a trouvé. C'est ça que j'ai lu là? Faut aller te mettre des doigts dans le fion. Tu as pas lu, mais il y en a un qui a trouvé. Faut aller te. C'est pas ça, Romano, mais il y en avait qui avait proposé. Une proposition de mon pote Gros Porc qui nous écoute. Bonjour Gros Porc. Faut aller te lécher le fion. Non, Gros Porc. On était dans le fion avec les doigts dans le fion et là on va lécher du fion. Et moi j'ai dit, il faut aller en désintoxication. Ah oui? Non, mais c'est pas ça. Bah ouais, ça serait peut-être pas mal. Faut aller manger des déjections pour Cédric, non. On nous propose. Ah oui, parce que Cédric. Le caca, c'est bon. Aime le caca. Ouais. Ah, j'ai une autre idée. Ah. Je peux proposer ? Vas-y. C'est pas ça. Non. Désolé, Romano. Non, c'est pas ça, gros. Attends, comment je pourrais dire ? Bah, avec ta bouche. Les démos, oui, il a raison, Marie, ta bouche est démo. Ah, faut aller voir pour changer de sectorisation. Faut aller dans la bonne direction. Faut aller voir. On va dire que Romano, il est vraiment pas loin, mais tu dis trop de mots, il y a trop de mots. C'est de la merde. Faut aller. Non, mais c'est sectorisation le dernier mot. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut aller dans la sectorisation. Non, mais bon, il y a. Faut aller changer de sectorisation. Non. Faut aller dans ta sectorisation. Ah, on parlait de bahut. Ouais, ouais, mais faut aller voir pour changer. Ouais, c'est un truc dans ce genre-là. Mais j'aurais pas volé le message de. Non, j'irai voler moi. Tu nous l'as envoyé il y a 3 minutes. Je suis pas un enculé moi. C'est Jules qui a gagné. Ouais, il a trouvé. Je suis pas un voleur. Allez, c'est gagné donc. Faut aller dans ta sectorisation. Allez, on va appeler Jules. Ouais, va te faire mettre. Bah ouais, mais t'as un mot. Mais ouais, mais t'as rajouté un mot. Mais quelle grosse pute. Et puis Jules, il l'a envoyé avant. De toute façon. Puis ouais, et puis Difou, il aurait dit même chose que moi, il aurait eu le point. Bien sûr. Le point et le jeu. Et le jeu. Et même la console. Dans la gueule, il va l'avoir. Bien sûr. Donc la traduction de ça. Faut aller. Faut aller. On écoute la vérification. Hein. Bon, à la limite, autant retrouver un truc près de chez toi, Steven. C'est quand même plus sympa. Ouais, mais il faut aller que ok. Comment ? Aïe. Faut aller dans ta sectorisation, je pense. Exactement. Eh ben ouais, tout simplement, faut aller dans ta sectorisation. Bah voilà, ouais. Tout simplement. Eh bien, bravo, bravo Jules. Tiens, il est avec nous, Jules. On va le prendre en direct là. Jules, tu as gagné FIFA 17, Jules. Bien joué. Bonsoir. Salut Jules. Bonsoir Jules, comment vas-tu ? Ça va, vous l'équipe. Eh ben écoute, ça va pas mal, bien joué. Hein. Eh, te connaissant, Jules, tu préfères pas un petit god pour ton anus ? Ah bah écoute, ça dépend qu'est-ce que t'as proposé. Ah bah on peut te trouver quelque un chose. Un énorme god. Ah Marie, elle a le god bras qu'elle peut te prêter. Ouais, bien sûr. Non mais j'ai déjà le mien, t'inquiète. Un god moulé sur la bite du Belge. Oh. Ouais, super. Non, c'est bon. Imagine, on fait ça comme cadeau. Pas. Jamais. Bon, Jules, t'as gagné FIFA 17. Bravo à toi. Et on rejouera avant minuit. On se fera un autre bug avant minuit, promis. Pour ceux qui ont joué et qui n'ont pas gagné. Et ben voilà, FIFA 17 pour toi, mon Jules. Bien joué. Merci, équipe. Mais bravo, tu joues à la console, toi, moi ? Ah non, j'en ai pas, mais bon, c'est pas grave. Bah, après, tu vas faire du jeu. En plus, j'en étais ouais, sûr. Clair. Tu joues pas à la console, toi ? Non, bah non. Bah, écoute, non. Chacun son truc, mec. Eh ben, tu finis. Non, je vais l'accrocher au mur, ouais, ouais. Non, mais je vais me faire une déco sympa. Non, mais tu veux autre chose ? Ouais, un maillot. Ouais, maillot de foot. Vas-y, bah ouais, mais si si le jeu, tu t'en sers pas. C'est un peu con, oui. On va t'envoyer un maillot de foot. Tu veux quelle équipe ? L'OM. Bien, mais tu as un bon jeu. L'OM. Y a pas de problème, mon pote. Ah, mais ça soutient l'OM dans le 0-2. Ça. Oh, sucez-vous. Sucez-vous. Est-ce que tu as fait écouter la vérification du bug ? Oui. Ah, ok, bah je t'ai téléphoné avec Jules. T'as pas entendu ? Oui, t'étais avec Jules, tu le rappelais. Bravo, Jules, on t'envoie donc ton maillot de foot. Allez. Et tout à l'heure. Ok, bonne soirée. On offre un FIFA. 17 un autre avant minuit. Salut Jules, ciao. Salut Jules. Et ben voilà, bien joué Jules. Et vous avez bien tenté tous, hein. Putain, mais il y a pas beaucoup de trouvés. Il y a d'autres. Il faut arrêter d'envoyer les messages. Bah, non, ça bon, continue d'arriver les réponses. Mais laisse arriver les messages. Ça arrive. Regarde, on parle de parc d'attraction, d'investigation. Oui, non, mais je parlais pour le jeu. Après, pour autre chose, oui. Mais le jeu, c'est fini là. Démission, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? On a, ah oui, Clément à prendre en urgence dans un instant. Clément qui s'est fait voler. Ouais, il s'est fait voler. On va parler de vol dans un instant. Clément, ah oui, il est en direct. Quoi. Ouais, j'imagine. Ah bah, c'est jamais très agréable. C'est quoi le dernier truc que vous êtes fait voler ? Tiens, dites-nous. Marie, le dernier truc que tu t'es fait voler, c'est quoi ? Bah, de la thune. Ah, combien ? Qui c'est qui t'a volé de la thune ? Bah, je sais pas. Bah, c'est mon fils. Ah, peut-être. Non, c'est ouais, peut-être, hein, Marie. Peut-être, Marie, tu sais. Et surtout, il était pas là. Donc, peut-être quelqu'un d'autre. On sait jamais. Ouais, des mains qui se trimballent. Ah, il y a des gens, c'est des voleurs à Romano. Non, mais c'est clair, moi, ça m'hallucine. Ça te scandalise, ça. Complètement. T'as des trucs qu'on t'a volé, Romano, c'est quoi ? Un briquet, sans doute. C'est moi, ça. Oh, non, parce que j'ai rien dit. Non, mais de toute façon, je sais très bien parce que j'achète maintenant des couleurs spéciales. Moi aussi, je prends des briquets les plus moches possibles, comme ça, je les reconnais. Ouais, c'est pas ça. Ça, c'est un petit tuyau pour pas vous faire voler les briquets parce que j'ai des voleurs dans mon entourage, je sais pas qui, mais des mecs qui volent des briquets. Ouais, pas, mais c'est involontaire. Tu sais, on te prête un briquet, tu le mets dans ta poche, puis voilà quoi. Ouais, mais toi, t'es un professionnel, t'as ça aussi, enfoiré, parce que tu me le fais souvent. Ah, t'as vu ? Ben moi j'ai des potes en Italie, ça s'allume, tu sais, avec les trucs pour allumer le gaz là. Ouais. Ouais, mais c'est mieux. Ils se trimballent avec ça, comme ça personne leur vole. C'est pas super pratique à trimballer, mais bon, moi ils ont aucun problème, il y a personne qui les vole. Bon Karim, c'est bon, t'as un procès. Hein. C'est bon, j'ai reçu des. Photo est en ligne. La photo est en ligne. C'est bon ça. J'ai reçu un message d'un pote en plus. Un pote qui... J'ai vu, il a liké la photo. Oui, il a liké la photo et il a envoyé la photo d'Ité, ubriaco.

piece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lane. I switch on my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Romano. Mais vous êtes qui, monsieur? Je ne suis pas monsieur, je suis pas Mela. Oh, ça suffit. T'as la même voix que moi alors que moi je suis un mec. Difool. Vous êtes vraiment des branquignols, sérieux. Branquignols, j'ai bien noté le mot que je n'avais pas entendu depuis avant l'an 2000. Cédric. Ah bah nickel. Ah bah génial. Ah bah c'est Michel au téléphone. Ouais. Ah bah tout de suite. Ah bah génial. Marie. Bah ouais, les deux. Non, sucer en branlant. Ouais, tu peux faire les deux en même temps, ouais. Samy. Bonjour Samy d'abord. Ouais, bonsoir tout le monde. Et Karim. Évidemment. Est-ce que des fois tu t'arrêtes et tu prends des prostituées? Difool Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Eh ouais, merci à vous d'être là tous les soirs sur Sky Radio Libre, 21h minuit, à pas louper. Et on n'en loupe pas un moment ce soir. On va prendre Clément là en direct avec nous. Ah oui, Clément, s'est fait voler. Clément qui s'est fait voler. C'est le drame. T'es devenu tout blanc quand on a parlé de vol. Ah oh bah, je vais te dire honnêtement, je préfère que ce soit Clément que moi. T'entends ça, Clément? Non, bah, je suis désolé, mais bon. Ah ouais, putain, comme tu dis. Ouais. Enfin, c'est. Romano est vraiment pas compatissant avec toi. Non, mais à choisir. C'est comme si on te dit c'est toi qui meurs ou quelqu'un d'autre. Bah moi je préfère que ce soit l'autre. Ah bah moi ça dépend qui c'est l'autre. Ah bah moi franchement. Si c'est quelqu'un que j'aime bien, je réfléchis à deux fois. Je serais prêt à donner de ma vie pour les gens que j'aime. Ah bah moi je reste en vie. Moi franchement que ce soit à peu près n'importe qui à choisir, je préfère que ce soit l'autre qui meurt. D'accord, ok, c'est bien noté Romano. Non bah attends. Même moi on te propose. Non mais attends. Difool tu meurs. Non mais on te dit ouais c'est toi Romano qui meurt, genre tu vas me dire ouais non je meurs et laissez Romano. Eh oui, parce que je suis trop bon. Ah bah moi je dis bah écoutez allez-y, faites-le mourir. Non, en plus, comment on l'a pas proposé, ça coûte rien de dire n'importe quoi. Non, mais oui, non, mais bon. Bon, dernier truc que vous êtes fait voler dans l'équipe. Karim, t'as dit quoi, toi? C'est quoi que tu t'es fait voler? Dernier truc que j'ai volé ou que non, je tu t'es fait voler. Que je me suis fait voler, c'est mon petit cousin. Il m'avait volé 3 iPhone quand il venait de sortir, les 4 ou les 5, je crois. Ah, l'enculé. Et 350 euros en espèces. 3 iPhone. Ouais, et 350 balles en espèces, le tout d'un coup. En fait, Karim, il a acheté un iPhone, après, bon, il disparaissait. Non, c'était 3 d'un coup. Samy, tu t'es fait voler quoi, toi? Moi, des victoires de l'OM. Non, bah ça, bon, c'est les arbitres, tu vois, souvent, mais. Mmh. Non, écoute, récemment, rien. Heureusement, je suis content, tu vois. Non, ici, ici, on m'avait volé une fois, mais ici, enfin, où je crois. Romano, tu crois que je t'ai pas vu voler mes cigarettes? Ah là, en flag en plus, ouais. Bah, j'ai rien fait. J'ai rien fait, on t'entend pas, mais c'est pas grave. J'ai rien fait. Si, je t'ai vu. Je suis innocent. C'est pourquoi on t'entend pas, c'est parce que t'es pas devant ton micro, t'es en train de me tirer des clopes. Et non, mais je voulais me mettre devant un autre micro, mais qui fonctionne pas, merde. Ah bah, c'est con. Ouais, moi c'était un carnet de tiki restaurant. Ah, ça, ça fout les blagues. Ah, ouais, ah, ça fout la haine. Ouais, mais je sais pas qui, mais ouais, à la radio, tu vois. Tout j'ai bien mangé, moi. Ah, ouais. C'est enculé. J'ai bien bouffé. Ouais, il y en avait 20 dedans, il y avait 20 tickets, c'est-à-dire que tu peux faire 20 repas, 20 sandwichs. Bah, non, mais tu sais, t'es fait voler 20 x 8, Marie. Ouais, c'est ça. 462. 20 x 8. Putain, je sais même pas, moi d'ailleurs. Bah, ils arrivent pas, et c'est facile, Marie. Calcul. Tu fais 8 x 2. Ah oui? Pourquoi 8 x 2? Ah oui, d'accord. Ouais, ça fait 16. Ah, et donc, putain, mais elle a mis le temps quand même. Tu sais, elle a fait le meuf, je joue pas. Ah oui, c'est la meuf, je joue pas, mais je réfléchis. Attendez, putain, 8 x 2. Donc ça fait. 8 x 2, Marie. Ça fait 160 oui, balles. Ah, ouais, ça y est, putain, ça la haine, gros. 160 balles. Bah, tu sais, moi, c'est mal au genre de truc. Ça m'arrive, bah, je souhaite que le mec, il soit malade, mais en crevé. Ah ouais, bah, non, mais qu'il bouffe des trucs. Mais, non, mais peut-être pas non plus, mais. Tu sais, genre, qu'il ait une bonne intoxication alimentaire, ah, clair, une chiasse, un carabiné, mais. Ou les deux. Ah ouais, tu sais, qu'il y a un mec qui soit bien malade, quoi. Il y a Clem qui nous laisse un message, on m'a volé un iPod 5. Ah, l'ancienne. Mais ça fait chier. Non, c'était un iPhone 5. Ah ouais, parce que l'iPod 5, ça existe pas. Mais peut-être que c'est un iPod où c'est écrit 5 dessus. Ouais, voilà. Non, moi j'ai un vieil iPod, moi. Un vieil iPod. Ouais, mais ouais, mais moi aussi je les ai encore. Ouais. Tu utilises encore? Non. Mais bon, il est dans un tiroir. Moi, il est minuscule, il reçoit la radio, donc je le prends parfois. Ah si, celui-là, je m'en sers pour écouter la radio sur la plage l'été. Mais ouais, sauf des iPods encore, je crois pas, non? Non, c'est fini. J'aimais bien, moi, les iPods. Non, ouais, non, ça va être fini. Moi, j'ai un Minitel, je l'amène sur la plage, c'est génial. C'est pratique, et tu le branches où? Je le branche pas. D'accord. Mais c'est joli. C'est bien, ça fait joli, ouais. Ouais, bien sûr. C'est bien, c'est à la mode, ça fait pas du tout ragard. J'adore les Minitel. Ouais, mais t'as raison, Marie. Vous savez que j'ai un fax. Ah ouais. Bah encore si ça existe encore, mais. C'est la classe. C'est vrai, ouais. Bah alors, Clément, qu'est-ce que tu t'es fait voler? T'as 17 ans et t'es à Nantes, hein, toi, Clément. Ouais. Ouais. On t'a volé quoi, toi? Bah, c'est que mon sac avec mes cours. Ton sac avec tout tes grands merdes. Oh, c'est pas grave. Ouais. Ah, mais y a pas que ça de. Putain, ça doit, ouais, non, c'est pas d'années. Grave, mais ça doit te fourre, ça doit te. Ça fait chier. Ah ouais, ça te fait ouais, chier. Ouais, mais bon, moi je préfère qu'on me vole ça que mon téléphone, perso. Ah ouais? Ouais, ça me fait chier, hein. Non, mais, de toute façon, tes sacs de cours, y a quoi? Y a des cahiers dedans? Bah non, il y avait mes écouteurs et mon chargeur de téléphone. Ça, c'est plus chiant. Moi, c'est ça qui me ferait chier, tu vois, mais les cours. Pareil, ouais. Ça te ferait pas chier, les cours, toi? Bah, tu fais des photocopies, tu demandes à un pote, tu dis, ouais, tu peux me passer tes cours et tu les récupères. Et encore, t'as de la chance, on est fin septembre. Imagine, ça t'arrive fin mai et t'as le bac. Ah, t'es dans la merde. Ah ouais. Ouais, sauf que le CPE, quand je suis allé le voir, ils s'en foutaient, en fait. Mais tu t'es fait voler où? Au bahut? Ouais, au bahut. Mais tu l'avais laissé où, ton sac? Bah, devant la machine à café pour aller manger, quand je suis retourné, il était plus. Ouais, mais le laisse pas là aussi, toi, t'es un ouf. Et t'as regardé les mecs et tout? Bah, j'imagine que t'as dû regarder un petit peu. Ouais, bah, j'ai essayé de chercher et tout. Et rien? J'ai pas trouvé. Quel est l'enculé qui t'a volé ça? Ah bah, y a un mec qui est passé, il a ramassé le sac, hein, normal. Ouais, c'est normal. Normal, Romano. Mais non, c'est pas normal. Non, mais Tu expliques ça. Normal. C'était pas cet été, je crois que c'était l'été d'avant, peut-être celui encore d'avant. Un jour, on était sur la plage. Putain, là, j'ai eu honte, par contre. On était avec Cariole sur la plage et il y avait une paire de pompes, tu vois, des tongs, mais pour meufs, tu vois, qui étaient pas mal d'ailleurs. Je sais plus quelle marque, une bonne marque. Hein. Et il y avait personne. Et Cariole, elle me fait, ouais, vas-y, récupère-les, mets-les dans le sac. Moi, ni une ni deux. Romano, récupère les pompes. Non, mais tu sais, genre. Tu l'as fait? Genre, je me roule dans le sac. Ah, l'autre. Bon, tu sais, je me mets dessus et discrètement, je les pousse avec mes mains jusqu'à mon sac à dos. Je les mets dans le sac, je referme le sac et genre, 10 minutes après, il y a des gens qui arrivent et qui nous disent, vous avez pas vu des chaussures? Non, merde, alors. Là, t'es venu tout rouge, donc. Ah ouais. Et je fais, ah si, on les avait mis de côté dans notre sac. Donc, j'ai ressorti, mais putain, merde. Quel voleur. Non, parce qu'il y avait d'autres personnes. Je me suis dit, ouais, si les autres, ils balancent qu'ils m'ont vu voler les chaussures, ouais, je suis passé pour un con. Il y aurait eu personne, je ne le rendais pas. Et en parlant de toi, Romano, il y a la bonne couille qui dit c'est Romano qui a volé Samy, il a mangé une crêpe au Nutella, tiens, il était bien malade. Fait, voilà. Non, même pas, il était qui resto de Samy. J'avais payé en liquide. Ouf. Romano, si s'est fait voler tes cheveux, nous dit Cop Nord Saint-Etienne. Ouais, c'est une maladie, hein, on se manque pas des malades. C'est une maladie, c'est la calvitie. Non, bah c'est une maladie. Hein. Bah, c'est la calvitie. Eh, hey, tu disais que ça te coûtait rien, mais si, il y avait tes livres à l'intérieur du sac, Clément. Clément! Clément! Il est pas à l'antenne! Oui. Ah bah, faut le mettre à l'antenne, oui. Marie! Bah, Marie, bah, vas-y! Si, appuie sur le bouton, Marie! Sur le bouton. Putain, ouais. Mais Marie! Elle est pas à l'antenne! Pourquoi t'es pas à l'antenne? Un réalisateur! Gérard, tu me mets à l'antenne et puis tu m'amènes un petit bis, s'il te plaît! C'est ça, avec ça, clair! Un peu les jambes croisées! Bah, allô! Pourquoi t'étais pas à l'antenne? Comment on part, ouais! C'est à toi de le faire, Nicoule! Alors, oui, donc les livres, faut les payer, non? Ouais, en bah plus, oui, ouais. C'était les punitions scolaires, mais bon. Non, mais les livres, ouais. C'est ton bahut qui te les donne ou tu les as achetés? Ah non, c'est des livres, il y a des livres qui nous ont donné, mais il y a des livres que. Le seul truc que j'ai acheté, c'est les classures et les cahiers, en fait. Ah oui, donc tu en bats les couilles, les livres. Non, les livres, ils t'en sont payés si tu les redonnes pas. Non, si, ouais. Non. Ça, ouais. Oui, bah oui. Ouais. Ça se trouve, c'est Romano qui a dû piquer mon sac. Est-ce que t'étais à Nantes aujourd'hui? D'ailleurs, on nous demande, t'es à quel lycée à Nantes? C'est Mathis, 15 ans, qui pose la question, là. Je suis au lycée Les Bourdonnières. Les Drondonnières? Les Bourdonnières. Les Bourdonnières. Ah. Non, mais bon, non, quitte à voler, je vole quand même un peu plus haut de gamme. Non, mais je vais pas aller voler, c'est quand même pourri de voler des bouquins de cours, quoi. Ouais, mais il a peut-être volé. Bah, c'est pour claqué le... un peu quand même. C'est vrai que c'est claqué quand même. Tu sais, tu ouvres un sac et tu te dis, ouais, il va y avoir un truc de ouf dedans. Il y a des écouteurs. T'as des. C'est une bonne marque? Bah, des Sony en fait. Ah, fait chier, ouais. Ah, ouais, fait chier. Ouais, et puis chargeur, ouais, chargeur, c'est quoi, c'est un iPhone? Non, c'est un Samsung. Un Samsung. Et c'est quoi la marque de ton Samsung. Sac? C'est Samsung. Samsung. De ton sac. Ah. Ah, c'est un Free Gun. T'as un Free Gun. Ouais, donc ils t'ont volé en fait, ouais, parce que le sac, tu l'as payé. J'imagine qu'il y avait ta trousse dedans, tu l'as payé. Ouais, bah le sac, ça fait deux ans que je l'avais, du coup. Ouais, c'est pas votre droit de le changer. Ouais. Ouais. Vas-y, ouais. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Clément, nous? À savoir, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ce problème, mais savoir comment faire pour réagir, parce que aujourd'hui j'ai pas arrêté de chercher dans tous les casiers, dans les couloirs. Non, mais t'as pas trouvé. C'est que ça sert à rien de chercher, hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que le sac, il est déjà loin. T'as le mec, il va pas l'avoir laissé là, ou alors il est con. Ouais, ouais. En tant que voleur professionnel, je te le dis, moi, quand je vole quelque chose, ça, je l'emmène direct chez moi. Tu vois, je vais pas le laisser. Il a dû voler mon sac pour le plaisir, je pense. Hein. Ouais, ou alors. Non, mais le mec, il a vu un sac tout seul, il l'a récupéré. Moi, je pense qu'il a tenté le coup. Il s'est dit, il y a peut-être des trucs dedans. Et puis, pour un peu, il l'a foutu à la poubelle. Hein. Ah bah, ça, j'ai pas cherché. Moi, perso, je vole ça, je le fous à la poubelle. Si le sac, il est vieux. Non, mais et puis qu'il y a que des. Il est pas abîmé, en fait. Et qu'il y a que des cahiers dedans. À la limite, je garde le sac, mais ce qu'il y a dedans, j'y fous en l'air, quoi. Qu'est-ce que tu veux garder des cahiers? Bah, si t'as envie de lire, Romano, c'est intéressant. Non. Bah, si, ça peut être intéressant, tu sais, on sait jamais. Non, mais c'est vrai, bon, tu vas pas. Non, mais c'est comme un truc que tu vois dans la rue, tu le ramasses, voilà, et le mec, il a vu le sac, il l'a pris. Ouais, ouais, c'est un petit voleur. Dommage, c'était ton sac. C'est un petit voleur, nous dit Farid, là, sur SMS. Alors, si vous êtes fait voler des trucs, je vous ai demandé. Ah, mais si, il y avait aussi l'histoire quand j'avais volé un tabouret et en fait les gens étaient en train. Parce que Romano, lui, il trouve que c'est de la merde de voler un sac tabouret, de cours. Quoi. Romano, lui, il vole des tabourets. Là, lui, c'est joli le tabouret. C'est très discret. Mais non, mais vers chez moi, il y avait plusieurs meubles. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, et moi, je lui dis, ouais, cool. C'est vrai. Tu sais, c'est des gens qui déménagent, ils ont foutu ça en l'air, quoi. Ouais. Et moi, je récupère le tabouret, je le monte chez moi, on redescend avec le chien et là, on voit les gens qui étaient en train de chercher partout le tabouret parce que c'était des gens qui emménageaient. Pas de chance, le tabouret. Mais il n'y a pas été de laisser tout sur le trottoir. Tu l'as pas rendu? Non, mais j'avais trop honte. Bah, tu le reposes. Et Cariole, c'est qui est très courageuse. Elle me dit, ouais, tu sais ce qu'on fait? On le donne à notre gardienne, on lui dit de le ramener. Je fais, mais c'est horrible. Bah ouais, elle a raison. Non, ouais, comme ça, c'est la gardienne qui se fait accuser. Ouais, qui est accusée de vol. Pas con. Pose dans le hall. Est-ce que t'es allé voir au bureau des objets perdus, si ça existe, pour Eminem Beach, 18 ans? Non, j'ai pas. Non. J'ai pas essayé. Non, ça. Il y a les pieds de Marie, 31 ans, qui a une bonne idée. Est-ce que l'auditeur Clément a des ennemis dans son collège? Ou son lycée? T'es au lycée, toi? Ouais, je suis au lycée. T'es au lycée. Est-ce que tu as des ennemis, des gens que t'aimes pas, qui t'auraient voulu te faire un coup de crasse? Non, pas spécialement. Je me suis jamais embrouillé avec quelqu'un. Non. Ah non, mais je pense qu'il y a rien contre toi. C'est-à-dire que ça aurait été n'importe qui. Le sac qui traînait. Il y a un mec qui. Pour faire chier, en fait. Ah non, mais non, même pas pour faire chier. C'est que le mec, il a dû dire, ouais, on sait jamais. Des fois qu'il y a un téléphone ou un truc dedans, ou un ordi portable ou une tablette. Il y a pas de message. Il y en a qui se sont fait voler leur sac de sport. Tiens, Faïli, 18 ans, il s'est fait voler son sac de sport après l'entraînement là. Ouais, mais à la limite, ça c'est mieux parce que souvent il y a des trucs de marque dedans. Ah, t'as genre les t-shirts de marque. Alors le petit ça, conseil quoi. Pas cher de Romano ce soir, je vous le donne. C'est simple, si vous voulez voler un sac, eh bien notez bien. C'est les conseils pas chers. Il faut voler plutôt un sac de sport. Parce qu'il y a peut-être des trucs de sport et des marques dedans. Ah mais peut-être des slip sacs. Non mais après dans les sacs, tu peux. Le mieux c'est le sac à main quoi. Alors, le mieux, alors, sac de sport, alors, c'est bien, mais le sac à main, c'est quand même beaucoup mieux. On va nous arracher des sacs à main. Non, mais cet été, j'ai failli en voler un, tu vois. Un sac à main, mais ça va pas, à une prostituée. Pourquoi tu voulais un sac à une prostituée? Qu'est-ce que tu faisais avec une pute, en plus? Mais non, parce que, en fait, on était avec des gens qui nous ont présenté des prostituées, mais des vrais, hein. Ouais. Mais c'était t'étais passé une soirée avec Cédric, toi, non? Non, mais pas, non, j'étais avec Cariole. Cariole, elle a halluciné quand la meuf, nous a fait comprendre qu'elle était pute. J'imagine. Et donc on était en boîte et la meuf était en train d'essayer de racoler des clients. Oui. Et en fait elle avait laissé son sac à main et nous on devait se barrer de la boîte, tu vois. Et la meuf elle a laissé son sac à main et moi j'étais un peu bourré. Carole elle me fait ouais on va aller voir où elle est pour lui dire. Je fais ouais viens on s'en bat les couilles on prend le sac. Non mais ça va. Elle m'a dit non. Du coup on a cherché la meuf dans la boîte qui était en train de chauffer un mec. Mais tu imagines que tu donnes de la France et de la Bourgogne à l'étranger maintenant? Parce qu'il était en Italie quand il a fait ça. Ouais. Bravo. Bravo. Bah bravo. Bravo monsieur. Je me suis dit attends les prostituées pour un peu la plénitude dans son sac. Je finirai en prison. Bon, qu'est-ce que vous nous dites? Bureau du CPE, c'est, ils l'ont peut-être retrouvé. Il y a WTP qui nous dit d'aller au bureau du CPE pour toi. Bah, oui, il n'y en a rien à faire. Je suis allé dans foutre. Bah, ce que tu peux faire, c'est aller déposer plainte. Ouais. Avec tes parents. Pour un sac. Ouais. Bah ouais. Romano. Bah ouais. T'as déjà volé autre chose que les briquets de Diffoul? Bien sûr, il m'a volé 20 euros. Ouais, 20 balles, ouais. Pff, ouais, j'ai volé plein de trucs, moi, tu sais, dans les magasins et tout. Ah, bah quoi, ça, c'est pas bien, encore le mauvais exemple que tu donnes. Non, mais je ne suis pas un exemple. Après, on va dire, Romano, c'est une caïra. Non, mais je ne suis pas un exemple. Ah non, ça, c'est pas un exemple. Mais, non, comment mais. Vous allez finir chauve. Non, il y a une période où je volais de la grenadine. Ça, c'est le vol. De la grenadine au Super U. Le vol de ouf. Bah, non, mais attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit, le belge. T'as déjà volé le belge? Ouais, le belge, ouais, j'ai déjà dû lui carotter des trucs, je me souviens plus, tu sais, moi, je carotte tellement, moi. Ouais, c'est que. Alors, qu'est-ce que vous êtes fait voler? Tiens, les messages. On m'a volé ma Game Boy quand j'avais 8 ans. Et quand j'en avais 23, je me suis fait voler mon iPad 2 et des jeux vidéo. L'américain du 93, qui nous laisse, 93, 26 ans, qui nous laisse le message. Clément est avec nous, donc, et vous réagissez pour Clément. On a Simo au téléphone. Salut Simo. Salut l'équipe. Simo, en voiture. Salut Simo. 26 ans à Dijon. Qu'est-ce qu'on t'a volé, Simo? Moi, Romano, t'es bien assis là? Ouais, attends, je me rassois, je vais t'élever. Ah, t'étais debout? Ouais, ah, les gars, tenez-le bien. Il est tout petit quand il est debout. Alors vas-y. Pourquoi? Parce que c'est un truc cher. Bien. On m'a volé une montre Montblanc de 3500 balles. Oh putain. Oh merde. Et voilà pourquoi j'achète pas de montre, moi. Bah, j'ai pas acheté, c'est un cadeau. Ah bah, j'aurais revendu. Ça, tu te fais trois. Combien elle coûtait la montre? 3500 balles. Putain, 3500 balles la montre. Mais on te l'a volé où? Elle était pas à ton poignet? C'est pas genre un mec à pickpocket? Non, c'était chez moi, c'était une bande d'amis, je sais pas c'est lequel d'entre eux, mais c'était une bande d'amis. Putain, les enculés. Mais tu les vois plus tous Non, ça y est. Mais il y en a qui sont pour rien, il y avait combien de potes chez toi? Ouais, on devait être 6. Mais Romano, ça t'arrive chez toi, tu fouilles tout le monde, non? De quoi? On vole une montre à 3500 balles? Ouais, tu sais. Ah, mais il y a personne qui sort. T'as dit, ah voilà. Il y a personne qui sort. Mais moi, j'ai pas vu sur le coup, on a fait une soirée, et puis on a fini dans un sale état. Il y en a qui ont profité de ce sale état. Tiens, les trucs de valeur, faut les ranger quand tu fais des soirées. Limite, faut même pas les laisser. Même avec des potes. En fait, moi, j'ai un kit, c'est les montres. Comme Cédric. Alors, dans une petite valise, dans une petite armoire et tout. Et je sais pas c'est lequel qui est rentré dans ma chambre. C'est un enculé en tout cas. Parce que ah, bah c'est pas, clair. Et en plus, des amis. Toutes là, sauf la Mont Blanc. Tu les invites chez toi et pendant que tu les invites chez toi, il y en a un qui tire ta montre. Ah, ça fout la rage. C'est fou ça. Eh, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux là? Il y a un trafic, on parle de montre là. Et je vois Romano et Karim qui sont contents, ils ont une montre dans la main. C'est la montre de Cédric ça. Ouais. Mais comment vous avez volé la montre de Cédric? T'inquiète. On a un gang. Le gang. Ça se trouve, il a la mienne aussi. Vous avez fait une assoce, vous avez pas la montre de Simo là les deux? Non, là on a juste la Rolex de Cédric. Cédric, il a une Rolex, c'est vrai. Cédric, il dépense de l'argent dans des. Bah, toi, si t'es passionné de montre. Une belle montre. Tu dois comprendre, mais moi ça je comprends pas. Bah, franchement, je la trouve pas super belle celle-là. Moi non plus, moi. Ça coûte juste super cher en fait. Non mais tiens, Cédric, c'est ça. Je te coupe un peu Simo parce qu'on est dans la voiture et ça fait du bruit. Tiens Cédric, c'est trop un gogo. Cet été en fait, je rencontre deux mecs. Je les salue d'ailleurs, Fabio et Flavio. Salut Fabio. Et des mecs bon qui ont beaucoup d'argent. Oui. Et les mecs c'est en fait. C'est étonnant que tu rencontres des gens qui ont beaucoup d'argent. Non, on me les a présentés. Mmh. Et le truc qu'il y a, c'est que les mecs, ils avaient chacun une Rolex. Et on demande aux mecs, on fait ouais, on peut les mettre. Carriole, elle les a mis au bras. On a envoyé une photo à Cédric. Mmh. On dit ouais, j'ai fait un cadeau à Carriole, je lui ai acheté deux Rolex. Et ce coup, il était là, voilà, c'est pas vrai, tu les as payés combien? Le mec a été voir, il fait, voilà, c'est pas possible, t'as pas dépensé autant. Bon, effectivement, ce n'était pas vrai, mais sur le coup, ce con, il a cru. Il te connaît bien, hein. Tiens, prends une photo avec sa montre. Mais comment vous avez récupéré là? Oui, parce qu'en fait, quand il a eu sa galère, on l'a récupéré à ce moment-là. Ouais, Clément. C'est vrai qu'il s'est bien rétabli de sa clavicule cassée. Alors, t'as pas écouté l'émission hier parce qu'il était avec nous hier soir? Si, j'ai écouté, mais. Ouais, il est parti un peu plus tôt, il était fatigué. Il était fatigué, c'est une petite nature, cette petite chochotte, Cédric. Non, mais attends. C'est dehors de. Bon, là, t'as vu, oh là, t'inquiète. Non, mais attends, il a pas rien. Bah, il a pas rien, bah, arrête, Marie. Moi, j'ai une tendinite pendant un mois, est-ce que j'ai fait chier le monde? Ah oui. Ah, j'ai fait chier le monde. Ah, si, ça, je jure, monsieur le juge. Bon, donc, il a une clavicule cassée, il a quatre queues cassées, et demain, donc, c'est l'opération de Cédric. Ouais. Il s'est opéré demain à 14h. Pensez à lui à 14h et pensez à toute l'équipe médicale hein, qui va l'ouvrir. Ouais, surtout. Et on a appris une mauvaise nouvelle en début d'émission, c'est que pendant l'anesthésie, tu peux péter. Ouais, et ça, c'est pas bon pour l'équipe médicale. Et en plus, ils vont l'ouvrir, ils vont sentir l'intérieur de Cédric. Ils vont tomber. Excusez-moi. Et après, il s'endort. Putain, t'es en train de perler pendant que tu voilà. Oh la bonne nuit. Donc demain à 14h, il se fait opérer. J'espère qu'on aura des nouvelles demain soir. Et là, t'as le chirurgien. Mais c'est quoi ce bruit? C'est le Cédric, le cul de Cédric qui fait ça. Il va halluciner. Ouais, Clément. Il va vous l'emmener chez le vétérinaire, Cédric. Clinique porcine. Ouais. Donc demain, clinique porcine, opération, et ils lui mettent une espèce de petite plaque pour une broche, ouais. Ouais, pour rapprocher les deux côtés de la clavicule pour que ça se colle, parce que ça se colle pas, c'est vrai. Ouais, là, ouais, en fait, ils lui mettent une plaque en métal, ouais, avec des vis. Donc il va revenir, il aura une plaque à métal avec des vis en plus. Ouais. Bah, c'est à l'intérieur, hein, ça ne se verra pas. Hein. Ouais. C'est plutôt l'extérieur qu'il fallait refaire. Je sais pas pourquoi ils leur font l'intérieur. Ravalement de façade. Ouais. Écoute, bon courage à lui en tout cas. Et puis et donc on vous tiendra au courant demain soir. Soyez là à 21h, on vous dira pour Cédric. Ah bah tiens, encore pire que toi. Il y a alias Bob. On m'a volé 3000 euros et un ordi de 1200 euros en saison. Ah, 3000 plus 1200, Marie. C'est pas compliqué, hein. Ça vraiment, voilà. C'est ma réponse. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Bon, alors dis-le. Donc c'est plus cher que toi, Simon. 6000 euros, hein, Marie. 6000, oui, c'est ça. Ouais, euros. Bien sûr. Ouais. Merci de m'avoir aidé. Et ta montre, tu l'as jamais retrouvée, toi, Simo? Non, jamais. Non, mais une montre à 3500 balles, ouais, le mec qui l'a volée va pas la ramener, ouais. Mais ça fait mal au cul quand même. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça que je vais te demander, Romano, s'il y a moyen de me la rendre. Alors, si tu veux, on peut te filer la montre de Cédric, mais on te la vend. Ouais, ça hey, on te fait un bon prix, hein. T'avais une Montblanc, là, je te et propose après, une Rolex. C'est bien, hein. Après, il vient goûter. En échange, non, mais on peut s'arranger financièrement. Non, je m'arrange pas avec les arnaqueurs, moi. Non, bah fais attention, t'as raison. Merci, Simon, en tout cas. Bonne route à toi. Merci, l'équipe. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison à défaut de la montre. C'est gentil. Franchement, vous êtes au top. Restez comme ça, c'est... Ah, t'es gentil, c'est Simon. Salut à toi. Salut, les filles. Bon, salut à toi. Salut, les femmes. Salut, les filles. Salut, les filles. Et là, on va écouter Binta et on revient avec toi, Clément. Si vous avez des conseils pour Clément, vous lui les donnez. Si vous êtes fait voler des trucs, eh ben, on va vous retrouver en direct. On aura Steph de Paris, 16 ans, avec nous, qui arrive dans un instant. T'es là, Steph? Allô? Ouais, Steph. Salut, Steph. Ah, on t'a volé. Ne bouge pas, Steph. Tu vas nous raconter. Il y aura Marie également. Ah. Marie du 68. Salut, Marie, 20 ans. Salut. Salut. Salut, Marie. Toi aussi, on t'a volé des trucs. Vous aurez peut-être des conseils pour Clément. Vous allez nous raconter vos messages aussi. Puis dans un instant, on va jouer avec les bugs de Romano. Et un FIFA 17 à nouveau à gagner. Et un nouveau FIFA 17 à gagner. Et tu devais me dire un truc, Romano, pour pas que j'oublie. Ah oui, de leur Modens. Ouais, c'est ça. Super. Et bien, dans un instant, petite surprise. Tiens, pour vous, après Alonso et Binta sur Sky. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Tu refais là. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix de canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. The Morning Show! Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le morning de Default. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec Inanna. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Comment la séduire? Plutôt jean ou survêt? Comment choper des Pokémon rares? Ce soir, on regarderait quoi comme série? T'as des questions? Va sur Yax. Le peuple Yax te répond instantanément. Yax, l'appli sans prise de tête pour balancer tout ce qui te passe par la tête. Y a plus qu'à télécharger. Yax, YAX. C'était la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, seulement sur Skyrock, 21h minuit avec le son d'Alonso. Tout de suite, on se mettra un petit Drake aussi avant minuit tout à l'heure. Alonso, c'est Binta sur Sky. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. passe, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boulot, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille y'a pas. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le code des finances, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé. Un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille y'a pas. C'était le son de Alonso, Alonso des psychiatres de la rime. Diffoul, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, on est là, vous êtes là vous aussi. Drake a écouté avant la fin de la soirée. Et puis dans une demi-heure, on vous offrira 10h. Si vous voulez plein de sons et tous les sons du monde, eh bien, ils sont sur Deezer. Des millions et des millions. Oui, des années de sons à écouter. Un abonnement d'un an à Deezer Premium Plus. Ouais, l'abonnement illimité. Ouais. L'abonnement illimité avec Skyrock dessus. On fait l'arrivée de Skyrock sur Deezer. Et on vous offre du Deezer tout au long de la semaine. Ce sera à gagner. Pas à Deezer, Marie. Ben, s'il est 23h30. Exactement. Et voilà. Il la fait pas, moi. Et non, tu la fais pas. Pas seul, la guêpe. Bon, on parle des trucs qu'on vous a volés et on essaye d'aider Clément qui s'est fait voler un sac. Je sais pas comment il va le retrouver, son sac. Il le retrouvera jamais. Faut bien surveiller les potes s'ils ont pas leur sac sur, enfin, ton sac sur leur dos à eux. Ah, mais le mec, il serait complètement abruti d'en venir avec. Bon, on sait jamais, il y a des cons. Ouais, c'est vrai. Ils se font choper comme des cons, hein. En plus, je sais comment il est, du coup, il serait facile à repérer. Oui, tu connais les défauts de ton sac, il est. Donc, ouais, et puis il y a peut-être pas 10 000 mecs qui ont le même dans le bahut. C'est vrai. Non. Terrible, hein, la montre à 3 500 €, là. On est à témoignage et un instant témoignage poignant en direct sur Skyrock. Ah ouais, ça fait mal. Mais d'ailleurs, il y avait un message par rapport à la montre, là. Attends. Ouais. Je change de souris. Attends. Putain, mais t'en as combien des messages? Mais t'as les mêmes que moi, Mano. Ouais, tu dis quoi, Clément? Est-ce que à la fin je pourrais faire une dédicace? Vas-y, fais-la maintenant. Pendant ce temps, Mano, il cherche. Ça y est, j'ai trouvé. Attends, juste avant ta dédicace, c'est Wari du 84. Il faut déclarer les vols avec le numéro de série de la Mont Blanc s'il a toujours le coffret. Bon, je vois pas ce que ça va changer, mais la Mont Blanc, c'est pour la montre. Ouais, la Mont Blanc pour Clément. Alors non, bah là, ouais, numéro de série du sac, bon, il y en a pas. Ah ouais, non. Et ouais, il n'y en a pas. C'est vrai. Bon, faites un petit dédicace et on prendra Marie et Steph. Et Romano veut danser ce soir, donc on va l'aider. Vous savez que Romano a une idole. Ouais, bien sûr. C'est Mathieu Delormeau. Ouais, il a des posters de Mathieu Delormeau dans carrément, sa chambre. Carrément. Car Mathieu Delormeau, si tu nous écoutes, sache que toi, la grande star, eh bien, tu avais déjà été repéré il y a longtemps par Romano. Quand tu t'étais mis les nouilles dans le slip, il avait ça m'avait tout émoustillé. Ah, bah ouais, tout émoustillé et il s'est dit, allez. Non, mais il faut aller le faire venir. J'achète son poster. On le voit, et on le voit déjà, c'est à la télé, Romano. Tu vas pas nous l'imposer ici. Mais le mec, il veut découvrir le rap. On va lui faire découvrir. Ouais, on va le faire venir dans Planète Rap. Tu sais, une semaine où il y a des bons lascars. on le met au milieu. Mathieu Delormeau, pour ceux qui connaissent pas. Et Fred Delormeau que... Dance. Ah ouais, alors, s'il écoute, il va être vexé parce qu'il pense que tout le monde le connaît. Mais il y a des gens qui le connaissent pas. Il est dans Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna. C'est un des potes de Cyril Hanouna. C'est le blond. Voilà, ouais. Blond. Blond, après, grand, musclé. Baraque. Ouais. Voilà, quoi. Enfin, musclé, pas baraque. Enfin, sûr. Si, il fait de la muscu. Oui, il fait ça. Il va à la salle tous les jours. Ouais. Romain des réseaux sociaux. A priori, il va dans la même salle. Tu t'as pas vu, il se tenait la bite en te le disant. Non, mais je sais où il va en fait. Je sais ça se suit. Bon, non, on a un petit truc à vous faire écouter parce que ce matin, on s'est bien marré avec ça. Il y a Romain, il le suit en fait. On voulait vous en faire. Fais attention, Mathieu, si tu es suivi par Romain et Romain est dangereux. Ouais, il fait peur. Bon, alors, moi j'appelle Mathieu, mais j'ai jamais reconnu Monsieur Delormeau. Oui, si vous voulez. C'est ça. Attention, Monsieur Delormeau, il y a Romain qui vous suit. Fais attention, c'est Romain des réseaux sociaux de Skyrock. C'est ça. Faut faire gaffe. Et puis il y a ton bug que je dois faire découvrir aussi, Romano. Ouais. Clément, tu voulais faire une dédicace. Ouais. Vas-y. Alors je fais une dédicace pour mon pote Thomas de l'internat. Salut l'internat. Mon pote Potter Erwan. Oui. Il y a Louis, il y a Mathias, il y a Dorian. J'espère qu'il y a parmi eux, il y a pas le voleur, t'imagines? Ouais. Oh putain, l'horreur. Non mais un truc qu'on nous disait, ouais, regarde bien autour de toi, surveille bien les abords du bahut peut-être aussi. Et tiens, je voulais saluer Salimnet aussi qui nous a envoyé un message. J'ai été accusé à tort de vol dans l'appartement dans lequel j'ai fait du babysitting. D'être accusé à tort, c'est vrai, c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible. Ouais, tu vois, ça me fait quand on m'accuse d'avoir volé 20 euros. Bah c'est vrai, Mais je t'ai pas volé 20 euros, tu me les as donnés. J'ai l'enregistrement de l'émission, Romano. Hein. Non, mais moi aussi, je l'ai l'enregistrement. Je l'ai sur 10 clés USB pour au cas où tu m'en voles une. Non, mais. Je l'ai déposé à l'avocat même. Oui, déjà, ouais. Mais non, mais ça marche pas. Parce que, est-ce que je les ai pris dans ton portefeuille? Non mais attends, je t'ai prêté, t'as dit que tu me les rendrais. Ah, je t'ai jamais dit que je rendrais, moi je dis jamais que je rendrais. T'as dit, est-ce que tu peux me prêter jamais. Ouais, prêter, ça veut dire que tu vas rendre, Romano. C'était pour un taxi. Réfléchis un peu. Je m'en souviens. Hein, c'était pour un taxi pour que je vienne à l'émission. Hein. Ouais. Je vais vous heureux déjà que je sois venu. Oh, super. Déjà rien que ça, ça devrait être un cadeau pour vous. Bon, vous êtes fait voler aussi. Bon ben, bon courage Clément, renseigne-toi et tiens-nous au courant de cette histoire. On a Marie au téléphone avec nous, elle est là. Marie du 68. Ouais, Marie. Salut Marie. Salut. Qu'est-ce qu'on t'a volé, Marie? Eh ben moi, on m'a volé un sac Longchamp. Ah, cher. Ah ouais, fait chier. Un sac à combien? Un sac à 92 euros. Ah ouais, donc c'est un sac de voyage, ça? Non, c'était les grands. Un sac Longchamp, ouais, les petites sacoches. Ouais. Oui, c'est les grands, c'est les cabales, un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est le truc que tu peux prendre quand tu te fais un petit week-end. Ouais, c'est petit quand même. C'est petit. Ouais. Je me suis fait voler à l'hôtel en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Difool, c'est des grands, mais ouais, là, c'est ça, ouais. Là, c'est un sac à main. C'est un sac à main, mais version cabas. Là, si tu peux mettre un paquet de merde dedans, quoi. Ah, j'en ai pour une meuf. Oui, c'est vrai, ouais. C'est un peu un fourre-tout, quoi. Et dans la chambre d'hôtel, tu t'es plaint à la réception, t'allais les voir, non? Ouais, je suis allée les voir parce qu'en fait, dans la journée, moi, je suis partie, je suis revenue le soir. Et il y a que la femme de ménage qui pouvait rentrer, c'était les cartes magnétiques. Ah bah oui. Donc du coup, je suis allée les voir, je leur ai demandé, etc. Ils m'ont dit ah non, on n'a jamais entendu parler de ça. Ah putain. Voilà. Ouais, alors que c'était peut-être elle qui les avait volés, non? Tu t'es fait niquer. Qu'il l'avait personne volé. Est allé dans la chambre à part moi, donc de toute façon, il n'a pas disparu tout seul. Je soupçonne les femmes de ménage. Moi. Ouais, c'est bizarre. Bah, de toute façon, oui, ça peut être que ça. Hein, donc, ouais, ou un mec qui a un passe, oui, ou un. Toutes les chambres. Ou un mec, tu sais, qui va ou un employé d'hôtel, mais tu sais, genre bricoler un truc, un robinet qui décolle. Et ils t'ont pas fait une réduc, ils t'ont pas remboursé. Rien du tout. Ah, mais moi, j'aurais tapé un scandale, je partais pas sur qui me rembourse. C'était en Italie en plus, donc. Eh, vai. Eh, t'as bien un coulé. Ah, la franchise, hein. Et elle s'est fait encouler. Elle est dans les champs. Eh ouais, putain. Donc, un sac Longchamp. Bon, on est loin des 3500 euros. Ouais, mais ça fait chier quand même, quoi. Ouais. Ouais, mais j'avais 15 ans. Enfin, c'était bien pour l'époque. Oui, t'es content avec ton sac, oui, j'imagine. Bah oui. Tu la musique, ouais. Dégoûté. Et depuis... Parce qu'en plus, je pense qu'ils auraient pu vérifier, parce qu'avec le système des cartes magnétiques, normalement, ils peuvent voir quelle carte a été mise à quelle heure qui est rentrée. C'est sûr. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, oui, maintenant, tu vas pas retourner en Italie 6 ans après. 5 ans après, tu retournes. Allez. Alors, mon sac. Ah, il y a un truc qu'on peut donner aussi comme conseil. Regarde sur le Bon Coin, parce qu'ils vont peut-être revendre des trucs qu'ils ont volés dans ton sac sur le Bon Coin. Je dis ça pour Clément. Ouais. Va voir, surveille le bon coin Nantes. Et faut qu'il regarde aussi dans ses potes s'il y en a pas qui ont ses stylos, oui, ou sa règle, ou oui, qu'il y a dans il y a sa c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a plusieurs qui ont dit ça. Ah, c'est vrai, c'est pas con ça. Ouais, c'est pas con. Bien vu Marie. On prend Steph au téléphone. Bouge pas Marie, reste là. Steph, 16 ans, parisien. Salut Steph. Salut. Salut à toi. Ouais, Steph. Alors Steph, qu'est-ce qu'on t'a volé à toi? Maman m'a volé mon téléphone. Ah putain, fais chier. Moi tiens, mon, voilà, et voler mon téléphone, ça ferait vraiment chier. Ah, ça m'est déjà arrivé. J'ai toutes mes photos dessus. Faudrait que je les sauvegarde. Surtout que j'avais eu 5 jours avant. Ah bah ça va, t'avais pas trop de t'avais pas trop de. Ah ouais, bon, tout neuf. Ouais, mais tout neuf, ça foulait. Ouais, c'est encore pire. Ah non, mais ça ferait plus chier maintenant. Ah non, putain, quand tu viens de l'acheter, t'es dégoûté. Ouais, au moins tu t'en es servi pendant un moment, tu vois. Ah mais si t'as rien sauvegardé, tu perds tout ce que t'as dessus. Ouais, ça c'est relou aussi. Putain, la haine. Ouais. Mes photos avec Rihanna, mais putain, tout ça. Putain, les secrets qui disparaissent. Mais avec Rihanna. Non, mais c'est vrai, t'es dégoûté. Et tu sais, t'as jamais retrouvé, j'imagine? Bah non, je suis allé à la police et bon, j'ai passé mon mercredi après-midi au commissariat. Sympa, dis donc. Ouais, c'est bien. Ah, super sympa. Pas mal, pas mal. Non, mais de toute façon, en plus, ils s'en battent les couilles, quoi. Ils s'en battent les couilles. Il y a tous les jours des plaintes pour ça. Le problème, c'est que, ouais, de toute façon, il n'y a même pas d'enquête, quoi. Le nombre de téléphones qui doit être perdu. Non, la principale du collège, elle a simulé une enquête, mais elle a. Et puis même, les keufs, tu vois, ils en ont tellement que. Sauf s'ils chopent un mec qui faisait. Voilà, c'est ça, en fait. Genre s'il faisait partie d'un réseau et qu'il chope un mec qu'on a volé 50. Non, même ça, tu sais, ça peut arriver juste un téléphone. Ils viennent, ils te contrôlent, ils demandent ton téléphone. Toi, tu l'as acheté, je sais pas, dans la rue ou je sais pas, n'importe où, gros, sur un mec. Il est volé. Et le mec il se fait péter par les keufs, ils appellent le vrai propriétaire du téléphone. Ça sert à ça la plainte que tu vas poser. Faut si un jour que il c'est pète un mec bol, qui a ton téléphone, ouais, voilà. Autrement dit, ça n'arrivera pas. Jamais. Non, ça arrive pas souvent. Ouais, ouais. C'est pas souvent, ouais. Moi j'aime pas les gens qui volent. Je vous le dis, si vous avez volé, je te le dis, Romano, voilà, tu vois, je te le dis enfin. Non, moi j'ai volé tout à l'heure. Je te regarde dans tes lunettes. Mais ça, toi, tu m'énerves aussi, tiens. Je te regarde dans tes lunettes, Romano, et je te dis, c'est pas bien de voler, man. Oui, alors. Bah, je te le dis. Pas pour autant que j'ai changé, hein. C'est vrai. Tu devrais. Vous allez avoir des problèmes un jour, je vous le dis. Vous devrez pas vous plaindre. Moi, je t'ai volé toi. Vous êtes la default, le vieux con, te fait chier avec tes trucs. Mais non, je dis, c'est pas bien volé. Non, mais moi, je vole intelligemment. Intelligemment. Mais non, parce que moi, tu sais, j'ai pas la folie des grandeurs. Parce que souvent, les voleurs, ils se font choper parce qu'ils en veulent toujours plus. Pas, ouais. Alors qu'il faut. C'est vrai que toi, avec tes bouteilles de grenadine, pour l'instant, ça va encore. Ouais. Si je me dis, si je me fais choper, c'est la honte quand t'es même. T'es pas encore passé au niveau d'au-dessus des bouteilles de grenadine? Attends, moi, je pourrais pas. Non, mais je pourrais, taper des bouteilles de vin, parce que ma technique, elle marche pour toutes les bouteilles. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais rien volé de ma vie, ça m'est même jamais venu à l'idée de voler un truc. Ah, mais moi, ça me fait trop chier. Ah non, mais moi, j'ai aucun stress. Bah, justement. Ah, aucun scrupule, même. Non, mais Marie, si tu stresses, c'est à ce moment-là que tu te fais choper, parce qu'ils voient sur ta gueule. Parce qu'ils voient que t'as une attitude étrange. Moi, c'est fait naturellement, tu vois. Je les mets dans mon. Naturellement. Sans pression. Je les mets dans mon panier roulant. comme les vieilles. Non mais c'est, tiens, à Paris c'est des petits supermarchés, donc il y a pas des gros caddies, tu sais, c'est les paniers roulants là. Ah, les petits paniers, ouais. Je mets ma grenadine, par dessus je mets les packs d'eau. Je sais très bien qu'à la caisse ça demande la meuf, elle demande jamais d'enlever les packs d'eau. Et hop là. Je lui file les étiquettes. Vous avez rien d'autre? Non. Là je mets à ma voiture, je charge dans ma bagnole et je me barre. Et voilà. Et pas cher la grenadine. Naturellement, ouais. Comme ça. Et je te dis, c'est pas bien. Non mais je le fais moi, parce que Cariole elle gueule. Bah elle a raison, c'est pas bien. Ouais, mais bon, je vais faire un truc avec elle. Si elle te revoit voler, qu'elle baisse plus avec toi. Ouais, bon, j'arrête de voler. Ah. Non mais faut trouver un. J'arrête direct. Voilà, un truc anti-voleur, c'est pas mal. Ça fait plus peur que la prison, t'as vu. Pourquoi tu te caresses le crâne? Non, ça me grattait un peu. Ah, c'est des poux. Moi, je veux la Carrefour. T'imagines, ça serait horrible si t'avais des poux. T'as pas de cheveux, t'aurais des poux. C'est pas possible. Bah si, sur les côtés. Ouais, tiens, dans les sourcils. Il a des gros sourcils. Ouais. Bon, bah écoute, le téléphone, comment ils ont réagi tes parents? Parce que t'as 16 ans, ils ont dû. Ils t'ont gueulé ou ils étaient dégoûtés comme toi? Parce que les parents, ils peuvent réagir en pourrissant la gueule. Hein. Non, bah non, ils étaient dégoûtés. Enfin, ma soeur, elle les a appelés, ils sont venus rejoindre au commissariat. Ouais. Toi, je suis sûr, Romano, t'auras un gosse, il se fait piquer son téléphone, je suis sûr que tu lui pourris la gueule. Ah ouais? Et il fait pas exprès? Ah, je lui fais, bah, je m'en bats les couilles, je fais t'as qu'à faire attention, espèce d'abruti. Putain, mais quel relou. Abruti. Ah bah, je vais pas être ton fils, Romano. Ah bah non, faut pas qu'il en fasse, hein. Non, mais genre, tes parents, ils t'ont rien dit. Moi, je t'aurais traité, bon. Traité, si, si. Non, mais traité. Ils m'ont demandé comment ça s'est passé, mais voilà. Ah, j'aurais dit, putain, mais t'es con, quoi. Ah, t'es con. Hein. T'es qu'un con. Pauvre connard. Pauvre connard. Je vais t'envoyer dans la beurre. Tu dirais que t'es un fils de con. Non, monsieur, en l'occurrence, ce serait mon fils. Mon fils, il a fait pire. Il a eu un nouveau téléphone. On va à une pièce de théâtre le lendemain. putain. Ah bah putain, mais le pauvre. Ah, la vie de merde, tu le détestes, ton fils. Non, mais c'est pas cool. Tu le détestes. Non, mais d'ailleurs, on avait été voir Yolande de la Bougne. On était deux dans la salle, moi et mon fils. Non, on était plusieurs, non. On était trois, pardon. Il y avait aussi. On allait voir le parrain de ma sœur. Il y avait celle qui vendait les tickets qui est restée. Ah ouais. Non, mais le truc, c'est qu'il avait son téléphone et le parrain de ma sœur, donc, l'appelle sur scène. Donc, il se lève, c'était Isra Pontin. Et en fait, ce con a fait tomber son téléphone. En arrière. Et le truc, c'est mais désagrégé, si tu veux. Avec le siège. C'est pas du tout le sujet, Marie. C'est pas les destructions de téléphone. Je sais, mais je parlais justement du téléphone. Ça m'a rendu folle. Voilà, d'ailleurs, on va jouer, je veux dire, des numéros parce qu'il y en a dans les téléphones. Mais non, d'accord, mais, très bien. Je disais ça parce que ça rend dingue, quoi. Quand tu bousilles, que tu te fais voler, etc. Ah, quand tes parents, ça fait chier. Ça doit être pété ta pièce de théâtre pour que l'acteur, il connaisse un mec dans la salle. Il y a un peu, vas-y, monte sur scène, c'est cool. Mais non, c'est pas. Monte sur scène, la pièce, elle est tellement pourrie qu'il y a des acteurs qui sont pas venus. Eh, monte, tu connais, toi. Voilà le texte. Un texte, tu pouvais faire le rôle. Quand t'es dans un one man, t'es pas plusieurs. Un one man. Ah, ok. Sorry. Ah, les one man. J'adore les one man. Ah, bah, vous savez pas ce qui est arrivé. Alors, ma soeur, l'autre jour, elle était dans la rue, elle marchait. Ah, bah, cool. Ça dépend qui. Après, deuxième sketch. Ah, bah, quand j'étais au bahut, tout ça. Non, il y en a qui est très drôle, c'est, il est venu dans l'émission, en plus, c'est Thomas Njijol. Qu'est-ce qu'il est? Ah, il est fort, ouais. Très drôle. T'aimes bien Romano, Thomas Njijol? Bah, j'ai pas vu. Ah, mais je t'ai dit, putain, il est marrant de. Ah, son spectacle, tu veux dire? Putain, je l'ai pas vu. Je suis allé, moi. Le deuxième. Ah, j'ai pas Fabrice Eboué aussi, coucou, j'ai vu avec. Ah, Fabrice Eboué est trop drôle. Avec Hidalgo. Lui aussi était venu dans l'émission. Ouais, là. Ouais. Ah, bah ouais. Bon, bah écoute, t'as un nouveau téléphone. Mais d'ailleurs, on en a parlé ce matin, là. Fabrice Eboué, ouais. Hier. Ouais, avec Hidalgo. Ouais, mais il y a eu la réponse, en fait. Oui, il y a eu la réponse. Alors, explique pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute du morning hier matin. On sait que tous les matins, à 8h-10, on fait le loser ou la loseuse du jour, ou le winner ou la winneuse du jour. Ouais. Bon, dimanche à Paris, c'était la journée sans voiture. Ouais, je crois que c'était dans le monde entier, il y avait une journée mondiale sans bagnole. Bon, voilà. Donc d'ailleurs très bien organisé parce que c'est le jour où ils flottaient mais ils ont pas eu de chance. Bon, et Fabrice Eboué habite à Paris dans le 10e. Oui. Et en fait, je sais pas, il devait aller chercher sa fille et du coup avec cette journée, il n'a pas pu rentrer chez lui. Et il a fait une vidéo en s'adressant à la maire de Paris là Ouais. Ah ouais, en lui disant je suis bloqué. C'est très drôle, ouais. Anne Hidalgo, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Anne Hidalgo en lui disant ouais, super la journée, comment je fais pour rentrer chez moi. Ouais. Et Anne Hidalgo du coup, elle, entre-temps, elle a répondu, elle a fait oui, vous pouvez aller sur ce site, vous verrez, il y a des moyens de transport, c'est RATP.fr. Bon. Autant que tu sois complètement con, hein, les transports à Paris, c'est RATP. Hein. Non, mais bon, non, et mais... après, elle lui a mis un peu le numéro des taxis G7. Ah, ça, non, mais là, non, mais le message, bon, ça va, tu vois, elle était plutôt sympa. Et lui, il a refait une vidéo en direct du métro, il a fait oui, bonjour, madame Hidalgo. Je suis dans le métro et maintenant, je vous lance un défi, je vous propose de prendre le le RERC. C'est ça le mot, il y a trois lettres. Entre RER. C'est ça, RER. Le RER, je crois, C. Mm-hmm. Entre Sarcelles et je sais plus où. Et là, il lui a dit bah, madame Hidalgo, j'attends votre vidéo. Donc, on attend de voir si elle va la faire ou pas. Bien entendu, Fabrice Eboué. Ouais, c'est assez drôle. Qui lui aussi était venu dans l'émission. Ouais, grave. Il a une gueule de fou sur la vidéo, mais on dirait un dingue. Bon, écoutez, on a fini sur le vol là pour ce soir. Ouais. Donc, vous avez bien retenu mes conseils. Hein. Voler, ouais. C'est pas beau. Ah, tu vois, c'est bien, Romano, tu progresses. Non, mais c'est oui, je. Moi, je dis, quand tu voles un truc, ça porte la poisse. C'est fini, tu fais pas les conseils pas chers. Non, mais demain, moi, j'ai jamais de poisse, hein. Tu fais pas. Ah, si, bah, si, pourquoi? Bah, t'as dit, je vole pas les gens, c'est différent, je les escroque. Ah, jamais. Ouais, bah, ça, c'est quoi la différence? Je sais pas trop. C'est quoi, j'ai pensé à toi dimanche dans la même journée, je suis allé manger, après, je suis allé boire une bière, et les deux fois, les serveurs, ils m'ont rendu, deux fois, ils sont trempés, à une heure d'écart, les deux fois, ils m'ont rendu un billet de trop. Donc j'aurais pu gratter deux fois 10 euros. Et les deux fois je suis allé voir le mec en disant vous êtes trompé. Moi je fais comme toi pareil. C'est ouf gros, dans deux endroits différents. Deux fois m'a rendu 10 euros. Moi c'est ce que je fais. Moi c'est dans les bars. Si on prend trop de monnaie. Je l'ai fait plein de fois. C'est je demande l'addition une fois. Si on me l'amène pas je me barre. Ah non. Alors vous avez l'addition. Ouais, Romano il est déjà parti. J'ai l'addition. J'ai un mec qui court. Je suis obligé de la rue. Ah mais je l'ai fait. Parce que là je me barre. Ah non, mais une fois ça m'est arrivé dans un bar. Le mec je lui demande trois fois l'addition. Moi j'ai attendu 45 minutes. Je me suis. Bah pareil. Et le mec à un moment donné moi j'étais avec Cariole. Ouais bon. Et on s'est barré. Et en fait, il y avait un couple en face de nous. Ils sont fait pareil, ils sont barrés. Et le mec, au bout d'un moment, trois quarts d'heure pour attendre. Trois quarts d'heure, j'avoue. Ça, pour payer, ouais. Eh ben de la merde. Ouais, ouais, non, trois quarts d'heure. J'étais bien content. En plus, c'était un bar où les cocktails étaient bien chers. Oui, bah c'est pour ça que t'étais. Évidemment. Ça m'a fait une sacrée économie. Tu n'y vas plus. Eh ben, mes amis, si vous avez été volés, merci pour tous les messages que vous avez envoyés. On a plein de trucs qui ont été volés. Des baskets en cours de sport pour Sam. Salut à toi, Sam. Pas de chance. Moi, on m'a volé un sac. Un sac comme pour Clément. Même chose. Un téléphone. Des téléphones volés, on en a eu. eu mais des centaines et des centaines, Steph. T'es pas le seul, mais tu représentes tous ceux et toutes celles qui se sont fait voler des téléphones. Ouais. Ah, alors tiens. L'iPhone 6, juste après que je me le sois acheté pour Quentin. Tiens, la différence entre escroqué et volé. Magnum 76. Ouais. Escroqué, la personne est d'accord, et volé, la personne n'est pas d'accord. Et jamais d'accord pour de se faire escroquer. Oui, mais tu les pigeonnes, les gens. À partir du moment où ils te disent oui, c'est eux, ils ont dit oui. C'est vrai, c'est ce que tu fais. Alors que voler, si je t'arrache ton téléphone dans la rue, je vais pas te dire excuse-moi, je vais t'arracher ton téléphone. Ça te oh, vas-y, vas-y. Oui, bien sûr. Pas de problème. Ah, donc Diffoul Romano, il t'a escroqué. Il t'a pas c'est volé, pas ça vrai. Veut dire, pour les 20 balles. Ouais. L'escroquerie aux manœuvres frauduleuses qui entraînent la remise de la chose alors que vol, voilà, tu prends toi-même. Très bien, merci des informations. Et demain, conseil pas cher donc. Ouais, escroquerie donc. Tu continues, pas de vol. Escroquerie, hein. Vol, en tout genre. En tout genre, dès 6h40. Arnaque. Dans le morning, 7h40 aussi, 8h40 aussi pour les conseils pas chers. Merci Steph, en tout cas du coup de fil. On t'embrasse Steph et on t'envoie le t-shirt Skyrock. D'accord, merci beaucoup. À la maison à Paris. T'es où à Paris toi Steph? Dans le troisième. Paris 3. Mais j'ai notre adresse où c'est mieux. Enfin, je vais faire envoyer chez mon père. Bon, d'accord, on va prendre tes coordonnées. Tu bouges pas. Vas-y. Et Marie, on lui fait un gros bisou aussi. Marie, bisous, Marie. Du 68. Salut. T'es où dans le. T'es, Marie, d'ailleurs, je te dirais. Salut les filles. T'es où dans le 68? À Mulhouse. Et bon, salut tous les Mulhousiens, les Mulhousiennes, et on t'envoie le t-shirt Skyrock. Salut Mulhouse. À défaut du sac que tu t'es fait voler. C'est pas grave, c'est déjà bien. Oh là, elle est à Mulhouse. Salut à toi, ciao. Ah, on est à Mulhouse, on est à Paris, on est partout dans toute la France, de toute la France, vous pouvez nous appeler du monde entier aussi. Je voulais saluer Ahmad qui nous écoute depuis la Guinée-Conakry. Ça fait plaisir de voir que vous nous écoutez loin. Coucou. Et il trouve que Karim a la même voix que Lafouine. Lafouine qui bosse sur Capitale du Crime, là, je crois. C'est ça, ouais, je crois, il me semble. Bon, il y a des photos qui tournent sur ses réseaux. J'ai vu. Et putain, il a des muscles, Lafouine, mais à force. Ouais, il a fait de la muscu. C'est grave, il a été la muscu, Lafouine. T'arrêtes. Tu vas plus passer par la porte du studio. Déjà que tu passais pas en hauteur, il ne sera plus dans les. Ouais, faut que t'arrêtes. En largeur. Ça va pas beau, trop. Non, j'ai pas dit qu'il était moche, j'ai dit arrête un petit peu. Mais parce c'est que ce qu'il veut, veut, Marie. Bah oui. Bah écoute, je lui donne mon avis. Elle donne son avis. C'est bien, Marie, t'as le droit aussi de donner ton avis. Bon, un bug à traduire dans un instant, on le traduit en live. Allez. Et vous gagnez votre FIFA 17 qu'on vous offre. Et de leur modense. Ah, tu veux? Bah oui, depuis le temps qu'on en parle. Alors, juste ça, parce qu'on a bien rigolé ce matin avec cette histoire, c'était dans le réveil de Star. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Oui, mais kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Il est coincé, mon truc. Kikou les fait mal à la tête. Ah bah oui, c'est normal. Mais c'est Mathieu Delormeau, Marie, bah c'est la star. Ouh. Bah je dis coucou. Bah voilà, c'est bien. Kikou les boys and girls. Bah faut dire kikou, Marie. Ah, kikou. Kikou les boys and girls. Tu peux l'appeler Kader aussi. Oui. Parce que ouais, ouais, ouais. Ça s'appelait Kader. Ouais, c'est son deuxième blaze. Attends, bouge pas. C'est la Red Kader. C'est où l'art de leur modèle, ce Romano? Ah, bah la Red Kader. La de l'or, moi. C'est quoi la Red Kader? Parce que nous, un peu, c'est n'en touche pas à mon poste, ça. Mais ouais. Il avait fait un caleçon comme ça avec le cul. Et non, mais déjà, par moment, il se prend pour un rebeu, tu vois. Il chante en. Quoi, il chante. Il est blond, hein. Tu sais, il veut chanter en arabe. Bon, c'est ridicule, hein, mais. Et un jour, en fait, il l'a envoyé dans une piscine pour faire un défi à la con. Ah, ça, c'est sa chanson derrière. Et le mec, en fait, quand il est ressorti, il avait la Red. Tu sais, il lui avait collé un moule-boule, forcément. Ah, ouais, et le mec est sorti de la flotte, il avait la Red du cul qui sortait. C'est qui, Mathieu? Du coup, c'est devenu la Red Kader. Et le mec. Mais en plus, il est fier, hein, il en parle maintenant. Mais pourquoi vous souvenez que j'ai. Parce que le mec, il se fait appeler Kader. Quand il est en mode rebeu, c'est Kader. Ça veut dire quoi quand il est en mode rebeu? Bah, il fait le rebeu, tu sais, il chante en rebeu. C'est un ouf. Il chante à l'aide et tout. Cela dit, dans la rue, t'en trouves des mecs ou des nanas avec l'arrêt à l'air. Je trouve ça dégueulasse d'ailleurs. Ah, si vous montrez pas votre oreille. Qui descend, ouais. T'es Marie, t'es choquée par des trucs. Ah ouais? Ouais, Marie, elle est choquée par des trucs. Elle met... Mais ouais. C'est vrai, c'est bizarre. Bah, mais c'est tu bizarre. T'envoies où? Mais tu traînes où aussi? Bah, dans le métro, par exemple, j'en vois. Mais des gens, la râlèrent dans le métro? Ah bah ouais. Non, mais c'est des exhibes. Non, ou des marginaux, quoi. Marie, tu traînes pas au bois de Boulogne? Non, t'as le caleçon qui descend, tu vois le truc. C'est bizarre, toi. Mais c'est quoi, ils sont assis, non, peut-être? Non, dans, debout. Debout? Et tu les plottes après? Non, je ne plotte personne. T'es malade ou quoi? Je leur mets le doigt dans l'arrêt. J'en ai vu. Ah, et sans mon doigt. Ah ouais? Ah, certainement. J'adore, pas, c'est la toucheuse de raie du métro. Non, mais je ne touche pas les raies. Allez. Je les vois. D'accord, bah écoute, cool, continue Marie. De les voir. Oui, c'est content. Une réaction, Mathieu Delormeau. T'es gentil, la connasse au bout. Ah bah voilà. Connasse. C'était pour toi. Kikou les boys and girls. Kikou Mathieu, oui. Bon, ce matin, on a fait le réveil de Star avec Mathieu Delormeau. Faut qu'on vous fasse y goûter. On a réveillé un Christian et un Franck. Christian et la famille et Franck et la famille. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on fait écouter. Juste après, on joue pour le bug et pour gagner FIFA. Kikou les boys and girls. Et je vous dirais même Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Hello. Hey, salut les gars. Oui, bonjour, ça va? Ah, beaucoup. T'es qui? Mais j'hallucine de ma vie. C'est quoi? Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau? Ouais, je suis beau. Bah, carrément même. Je vous propose, ce soir, petit plateau télé à la maison. Ah, super. Devant un petit film cool, un peu genre l'étudiante ou la boum. Super. Ouais, c'est super, ça. Avec Sophie Marceau. Ouais, va te soulager dans les toilettes, t'as trop du merde, toi. J'aime bien les gens qui me résistent un petit peu. Allô? Ah, ça fait. Kikou les boys and girls! Kikou les boys and girls! Waouh! T'es gentille, la connasse au bout. T'es mignonne. Quand on voudra ton avis sur la couleur de cheveux d'Evangélie ou pour parler de musculation, on t'appellera. Voilà. Alors, c'est quoi? Où t'as eu notre numéro? Qui tu es? C'est Mathieu Delormeau. D'accord. Et comment ça se fait que Mathieu Delormeau nous appelle, s'il te plaît? Ah. Aujourd'hui, je vous apprendrai à danser la Delormeau Dance. Ah, on accueille les danseurs. Super. Dance la Delormeau Dance. Bah, dis donc, moi. T'en as sous le cerveau, hein? J'ai deux passions. La Canterbro et la Chronombourg. Quoi? Moi aussi. La Canterbro et la Chronombourg. Également les la 8, passions. La Canterbro et la Chronombourg. Mon chéri, viens, on y va. En v'là une idée qu'elle est bonne. Et ma main dans ta gueule, ça ferait... Ouais, une jolie barrette. Non, ça c'est mon pied dans ton nez, ça ferait une jolie barrette. Bon, bah, je crois que ça y est, les amis. Hein. Je suis partie de la grande famille. Mais carrément, mais viens, tu sais quoi, toi, tout ce que tu veux, vas-y, la porte est ouverte. Les amis, quelqu'un peut m'ouvrir? Attends. Il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Allez, ciao. Allez. Oh, je vais me barrer. Ciao, bah non, mais elle est partie. Ça y est, partie. Eh bien voilà, c'était Mathieu Delormeau ce matin dans le réveil de Star. Ah, le mec, en tout cas, tu passes une soirée avec lui. C'est et le danse. Rêve. Ah, c'est clair. C'est le rêve. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est les musiques sur lesquelles il danse. Hein. Ah, c'est ça? Ouais, ouais, c'est les musiques sur lesquelles il danse. Ah, moi, très bien. Celle que je préfère, c'est quand même. Il a le boulard, on nous dit, là, c'est Bob qui nous envoie un message. Complet, ouais. Non, mais il se kiffe, lui. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah ouais, il est amoureux de lui-même. Ah mais lui, il se trouve trop beau, il se trouve au top. Hein. Ça s'entend un peu, tu vois, comment il... La preuve. Ouais, je suis beau. Ouais. Bah ouais. Il est beau. La Delormeau Dance. Non, elle connaissait par cœur, t'as vu, hein? Ah ouais. Et ouais. Elle s'est trompée, la chanson, c'est J'ai deux amours, la Canterbro, la Cronenbourg. C'est pas J'ai deux passions. Ouais, mais c'est pareil. La rime. Ouais, pareil. Tu connais par cœur. Bah, c'est connu, ça. J'ai le amour, la Canterbro, la Cronenbourg. Ah oui. Très bien. La Canterbro pour faire popo. Comment tu le trouves, Romano, quand il chante la Canterbro, la Cronenbourg, Mathieu Delormeau? Ah, mais... Ouh là là, il est beau. Il est beau. Oh, chill. Calme. Bah, je vais arrêter de chanter, du coup. Il est beau. Waouh, c'est con, mais je suis ému, hein. Ça bon, il est ému quand il te voit. Ah, bah, il est ému, ouais. Et ouais, ouais, c'est magnifique. Tous m'ont dit que vous n'aviez jamais été aussi beau. Ah ouais, moi non plus. Ah non, mais c'est clair. Mais ouais, ça c'est sur Romano, vraiment. Il te parle. Je te l'ai dit. Bon, eh ben on a bien rigolé avec cette histoire. Ah ouais. On avait fait d'autres, fallait être à l'écoute ce matin. Ah ouais. Bon. Et demain il y en aura d'autres, mais avec quelqu'un d'autre. Ah oui, demain je sais pas qui c'est qu'on fait. C'est démarre dès 6h10. Hein, le réveil de Star dans le morning sur Skyrock tous les matins avec les 1 500 € à choper aussi. Tiens, inscrivez-vous, envoyez 1 500 au 720. Vous vous inscrivez maintenant, peut-être qu'on vous appellera demain matin. Et le 720 d'ailleurs qui va vous servir à vous inscrire pour la roulette également. Ah oui, roulette avec Deezer. Deezer. Vous gagnez Deezer, c'est donc tout de suite. Vous vous inscrivez, vous laissez roulette au 720. C'est ça. Et vous êtes inscrit pour la roulette, vous les ferez tourner avec nous dans un instant. On vous offrira 10h, un an de 10h, l'abonnement, le meilleur abonnement qui existe. Ouais, c'est ça, ouais. Avec Skyrock sur 10h en plus. Eh ouais. Maintenant. Et là, on va jouer. Alors là, c'est au 41759 ou sur l'appli. On va jouer à la traduction. Voici le bug qu'on va traduire ce soir, le tout dernier. Et on offre FIFA 17, le dernier FIFA 17 de la soirée. Qui sort demain maintenant. Non, après-demain. Après-demain, ouais. Après-demain, ouais. Il est de toute façon déjà à gagner sur Skyrock, donc profitez-en. Le matin, le soir, la radio libre et le morning. Écoutez bien ce bug là. Allez, c'est parti. C'est ça qu'il faut traduire. Oui. On joue avec l'équipe et on vous offre FIFA 17. Bah, envoyez-le. Oh, j'ai trouvé. Facile. Là, vous avez trouvé en 10 secondes. Bug de rapidité. Alors. Ah ouais, bug de rapidité. Ah. Allez-y. C'est bien, Romano, si tu te réveilles. Ah oui, je progresse, hein. Ouais, tu vois, on te comprend de mieux en mieux. Je voulais te le dire, franchement. Hein. Par rapport à celui tout à l'heure, il est plus facile, celui-ci. Hein. Bah, envoyez-le. Romano. Marie et Karim, vous avez faux déjà, les deux. Mais non. Alors, je veux la réponse complète. Au mot près. Au mot près. Qu'est-ce qu'elle a envoyé, qu'est-ce qu'elle a mis, Marie? Marie, t'avais mis quoi? Envoyez-nous un message. J'ai mis envoyer un message. Eh ben les deux ont faux. Bah oui, vous avez oublié un truc. Bah oui.

was taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, Drake sur Skyrock, on écoutait One Dance. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Ouais, Radio Libre en direct tous les soirs depuis 21h. Bon, il s'en est passé des choses ce soir. On a encore passé une bonne soirée et c'est pas fini. Bon, Marie me propose encore des trucs. Dimanche demain matin, là, on est en train de rigoler parce que Marie propose que des fausses réponses pour le bug. Le bug de Romano à traduire, c'est ça. Bah, envoyez un message. Alors, un message, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Romano m'a fait sa proposition, c'était pas mal, mais il a oublié un mot. C'est quoi la proposition? Romano m'a dit, ben, envoyez-nous un message. Ah, bah voilà, connard. Il y a un mot qui est pas juste. Il y a un mot tu te foutais de nous. Mais non, envoyez-nous des messages. Non, non, c'est pas lui le mot qui est pas juste. Non. C'est pas le nous là. Vous galérez sur le nous. Ouais, c'est ça. Le pronom. Marie a dit moi j'ai pensé à envoyer moi un message. C'est non, pas c'est pas ça non plus. Marie a fait plein de propositions qui étaient toutes fausses. Ouais, c'est pas vrai. Une page de propositions fausses. Une page, que de la merde. Ouais, attends, j'en ai encore une. Alors, Marie, s'il te plaît. J'ai d'honneur. Alors, ma proposition, Cédric s'est fait casser la clavicule. Non, pas du tout, Marie. Ah merde alors. Envoyez sa montre. Un message. Heureusement, Jason a trouvé sur. Ah, quand même. Des rouleaux avec nous en direct. Ouais. Bonjour Jason. Bonjour tout le monde. C'est bonjour Jason. T'as 20 ans et t'es où? T'es à Rouen toi, Jason. Ça fait plaisir, t'es moins con que dans l'équipe. Ah ouais, grave. Oui, c'est vrai. Sympa. Alors Jason, pour FIFA 17, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'en fait au départ tu dis c'est facile, mais il fallait trouver le bon pronom. Ah bah oui, là. Ouais, c'est vrai. C'est un pronom que ça s'appelle ça? C'est ça, ouais, je pense, ouais. Là, c'est, ouais, je crois. Mais moi je sais pas la bonne réponse. Donc, Bah envoyez. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Jason? Donc alors ça veut dire bah envoyez-lui un message. Voilà, lui, bonne réponse. Ah putain. Et lui. C'est quoi ça? C'est un pronom? Ouais, je crois que c'est pronom indéfini ou je sais pas quoi, non, ou défini personnel, non? Non, ça c'est je. Ouais, putain. C'est ça, un pronom personnel. Personnel, je pronom personnel. Non, pronom personnel c'est je crois. Donc lui ça doit être un pronom indéfini peut-être. Défini peut-être parce que lui j'sais il est défini. Dites-nous moi, je sais pas qu'est-ce qu'on est con. Imaginez, on a fait ça au bahut, mais bon. En primaire même, je crois. Oui, quand même temps, c'est pas un truc qui sort tous les pronom personnel. Ah, personnel. Ah, j'avais putain, c'est pas con ça, mi t'es bon. Je suis surpris. Bah moi aussi, je me surprends. Bon Jason, bravo, toi t'as surpris tout le monde puisque tu étais le premier à trouver la bonne réponse. Il y avait dû envoyer nous un message de partout. Pronom personnel à la troisième personne du singulier. Et exactement, oui. En effet, Romano, bien vu. On fait la vérification avant de t'offrir. Ah tiens, après je poserai une question vocabulaire à Karim. Pas trop. Pourquoi Karim? Parce que Cédric est pas là. Pourquoi moi? Ah ouais. C'est la référence. Allez, c'est parti. Vérification. Ça doit être ça. Bah écoutez. Bah envoyez un message. Eh bien, tu vois. Ça va pas. Envoie-lui un message. Eh bien, je suis d'accord avec toi, Romano. Alors, Karim, voici la question. Question vocabulaire. C'est gagné, en fait, pour ton. Bravo, FIFA 17, ouais. Jason. Bravo. Jason, il est à toi. Tu vas pouvoir déchirer la console, t'éclater comme un fou. On t'envoie ça à la maison. Alors, la question à Karim. Alors, attention, Karim. T'es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ouais, man, je suis chaud, dis-moi tout. Est-ce que tu es bien prêt? Je suis prêt, Romano. Attends, je vais chercher un truc. Ah, c'est parce que tu es tout petit, il faut baisser ton micro. Regarde, regarde, tu as le micro au niveau du crâne. Alors, attention. Voilà. C'est mieux, là. Voici la question. Attention. Envoie ma gueule. Sachant que lui, c'est le pronom personnel à la troisième personne du singulier. Ouais. Quel est le pronom personnel à la troisième personne du pluriel? Facile. Ah ouais. Il. Mais non. Mais non. Première personne. C'est pareil, regarde. Ah non. Envoyez-lui un message, je dirais. Non. Écoute pas Marie, j'ai. Non, vas-y, attends, répète, gros. Sachant que lui, c'est le pronom personnel à la troisième personne du singulier. Quel est le pronom personnel à la troisième personne du pluriel? Attends, je me rappelle plus singulier pluriel sa mère. C'est facile. Bah, envoyez-lui un message, tu dis quoi? Au pluriel. Pluriel, gros. C'est ce que veut dire pluriel déjà. Parce que c'est pas ce que ça veut dire. Pluriel, c'est pas con. Pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Pluriel, tu sais. Ah, l'heure. Bien joué. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ouais. Ouais. Je l'aurais peut-être fait baiser, j'aurais dit je pense. Tu vois. Envoyez eux un message. Envoyez-leur un message. Dommage que Cédric n'est pas. On aurait rigolé. Ouais. Non mais faut la garder en stock celle-là. Bon. Non mais dommage qu'il n'est pas joignable parce que c'est là je pense qu'il ronfle. Non mais il ronfle déjà à 21h. On a essayé de l'appeler tout à l'heure. Oh, non mais il se fait opérer Cédric. À 14h. À 14h, pensez à lui demain. Ouais, grosse pensée. Bon, mais il est. Et pensez également au bloc opératoire. Également à toute l'équipe médicale, bien sûr. Jason, c'est parti donc. Il y en a plein qui disent eux comme moi. FIFA. Non, c'est envoyez-leur. Ouais, bah oui, je vois ça. C'est bien, vous avez joué. C'est bien. cas, tu devrais faire un cours de français le soir, Romano, dans l'émission. Vous voulez que demain je vous pose. Vas-y, demain c'est bien ça. Alors, d'autres questions de français demain, super ça. Ça va cartonner. Ah, bah attends, n'empêche que beaucoup de monde a joué. C'est vrai. Ouais, c'est merci vrai. Momo, merci Benjamin, merci Carmelo, merci Métroval, merci Emeline, on te fait un bisou Emeline, merci Teddy, merci War du 84 et à tous les autres. Jason, bah bravo à toi. FIFA 17, tu nous diras comment il est, on te l'envoie dès qu'il sort. Ouais, y a pas de problème. Salut Jason. Salut. Salut mec. Salut à toi Jason. Et je te dirai même Kikou les Boys and Girls. Kikou les Boys and Girls. Salut Jason. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la roulette maintenant? Bah oui. Ouais. Allez, il est l'heure de faire tourner. Il me semble qu'on a oublié un truc. Je sais pas ce que c'est. De leur mot, on l'a fait. Ouais, on a fait de leur mot ce qu'on a fait, ouais. Non, on l'a fait ça déjà. Ah, ça va aller, Mathieu. Monsieur Delormeau, faut arrêter maintenant. Ils l'ont sorti en son, ça? Non. Ils ont bien fait. Bon, on fait la roulette. C'est sur Deezer, ça, ou pas? Peut-être. T'imagines? Sur Deezer, il y a la Delormeau. Attends, j'ai regardé, j'ai l'appli, moi. La Delormeau. Bon, Deezer, c'est ce qu'on vous offre. Yeah. Heureusement, il y a Skyrock sur Deezer. Ça y est, pour fêter l'arrivée de Sky sur Deezer, on vous offre Deezer. Et c'est parti. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Sky. À Deezer. Et c'est Fiona qui est avec nous en direct de Guignon, c'est ça? Oh, Guignon! Enfin, Dieu! Et Guignon, on est à côté de chez Romano, là. Ah ouais, c'est clair. Pas loin, dans le secteur. Ouais. En Bourgogne, et t'as 19 ans, Fiona, présente-toi un petit peu. Tu fais quoi dans la vie, tout ça? Je suis en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je suis à l'école à Dijon. Très bien. Ah, bah tu vois, Romano, on est en pleine Bourgogne. Ah ouais, en plein cœur. Pleine beurre. Et là, tu nous appelles de Guignon ou de Dijon? Comment? Tu as du Guignon à Dijon? Guignon. Eh bien, on va faire une équipe de foot à Guignon. Ouais. FC Guignon. Petite ville, mais avec une équipe de foot. Nationale, je pense. Ouais. Allez, c'est parti. Mais en L2 à l'époque. Hein. Ouais, ils avaient battu le PSG. C'est clair, en coupe. Oh, bah, tiens. En coupe, en finale, ouais. Ah, putain, la ronde. Bon, c'est parti, Fiona. Ça tourne, on va voir si tu vas gagner ton Deezer. À 10h à 0h08. Voilà, c'est bien là. Ah, c'est ça. Quand tu veux, tu dis stop. Allez, stop. Alors, Fiona, ça va freiner. Enfin, la roulette va freiner. Et elle va s'arrêter sur 10 heures. Tu viens de gagner 10 heures pendant un an, l'abonnement Premium Plus. T'as accès à tout 10 heures. Tu pourras stocker des sons, tu pourras écouter des sons, tu pourras les écouter hors forfait. En plus. Hors connexion, ouais. Hors connexion. Tu te prépares tes playlists, après t'écoutes tes sons, ça te coûte rien. Quoi. C'est cool. Et t'as les playlists Skyrock aussi à écouter, ouais, là-dessus. Ouais, ouais. Hein. Et même Skyrock en live. Hein. Et Skyrock, nous, la radio. Ouais. Bravo, Fiona. Merci beaucoup. On te fait un gros bisou. Bisous, l'équipe. Salut à toi. Ciao. Allez, faut que je fasse une dédicace au lycée Sampex de Rouen. Et ben voilà, c'est fait. Sampex. Sampex. Faut muscler un peu, les gars. Pas mal, Samy. Tu pourrais entrer dans le Karim Comedy Club. Ouais, je tente ma chance. Et Guignon est en CFA2, nous dit Manu. Oh, putain, ouais, non, ils avaient fait faillite et tout, je crois. Et ben voilà. Ouais, le club, il est même plus professionnel, en fait. Ça remonte petit à petit. Ça galère un peu, ouais. De vous saluer, on vous souhaite une bonne nuit. Profitez bien du son de Skyrock, c'est toute la nuit avec Priska sur la première radio urbaine mondiale Sky. On retrouve le son de Sky. Travis Scott. Ah, ça c'est super. Pick up the phone. Tu vois, on a failli le remettre ce soir et en fait Priska elle démarre avec. Donc on le met maintenant. Allez, Travis Scott à écouter. Et puis demain, le morning, entre 6h et 9h, soyez là. Si vous voulez gagner 1 500 €, répondez Skyrock dès qu'on vous appelle. Demain soir, la radio libre avec des nouvelles de Cédric après son opération de la clavicule. Ouais, oui, bon courage. La clavicule cassée plus les quêtes cut cassées. L'euphoria, c'est cut. Non, les cuts, ça serait partout seul. Faut rien pour les cuts, il faut juste la cavi cool. Faut attendre les cuts. Très bien. Les cuts. Parfait, c'est cool. Bon courage, c'est depuis, il nous entend pas, je pense, à cette heure-ci. Non, je pense qu'il dort. Il est en train de ronfler dans son lit. Ah oui, en effet. Ouais, pas que. Voilà, je ronfle du cul. Donc, des nouvelles de Cédric demain à 21h. Et puis, un clash de drague qui sera forcément spécial. Ou avec Cédric s'il les attaque. Ou alors avec vous ou des. N'importe qui. Moi, je baise qui vous voulez. N'importe qui peut se mesurer à Romano. 1m54, hein, tout le monde se mesure. Ouais, attention. Et puis, Priska, donc, qui démarre avec Travis Scott. Et donc, deux rendez-vous demain, pas loupé, entre 6 et 9. Et entre 21h et minuit. Passez une bonne nuit. Bonne nuit. À demain soir. Bisous. Et merci pour la soirée. Ciao. Salut. Tous les matins, réveille-toi avec Skyrock. Tifoul t'offre les cadeaux qui déchirent. Des PS4, FIFA 17, des iPhone 7. Romano prend tous les risques. Et mon point, c'est ta gueule. Je veux t'arriver de la thune, moi. Ah non, la thune, c'est Skyrock qui la donne. Si on te demande quelle est ta radio préférée, qu'est-ce que tu réponds? Skyrock. Et tu gagnes 1 500 €. Ouais, ça va. 6h-9h, réveille-toi avec le morning de Default sur Skyrock. Une seule radio t'offre 1 500 € toutes les demi-heures. Ah bah c'est Skyrock. C'est Skyrock. Yeah. Oh yeah. Bienvenue à tous, c'est Presque avec vous, contente de vous retrouver. À l'instant, c'était donc le nouveau Travis Scott avec Young Thug. Pour démarrer l'émission ensemble, on vient d'écouter Pick Up the Phone. Passez une très bonne nuit. Salut à tous ceux qui nous écoutent du boulot, ceux qui sont posés à la maison. Vous voulez du sound, vous voulez pas dormir, vous voulez du bon son pour passer votre nuit. Il y a MHD tout de suite, le nouveau, ça arrive avec Akilenta, extrait de son nouvel album qui est dispo. Il y aura Mary J. Blige en classique juste après avec Family Affair. Et on se cale aussi DJ Snake et Justin Bieber sur Skyrock. C'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, plus rien ne me ferait. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées.

By the drama and attracted to the trauma, mama. Where's the love? I think that